Ici, c'est Énergie. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Énergie, it music only. Ça commence et quand ça finit. Mais vous savez pas tout ce qui peut se passer entre les deux. 21h minuit sur Énergie. C'est Guillaume Radio 2.0. Allez, de retour sur Énergie. Bonsoir tout le monde, 21h minuit sur Énergie. Putain, j'ai toujours rêvé de dire cet horaire et c'est enfin le cas. On fait 20h minuit, 20h, 22h, 22h, 1h. Et ce soir, c'est parti, 21h minuit sur Énergie. Un jingle aussi bizarre que cela puisse paraître. Un peu rapide, un peu mou, un peu bizarrement fait. Mais hey, on est là, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On est en direct, hein, je tiens à préciser. L'Italie qui a joué là et qui a gagné, je veux dire. Ouais, contre l'Espagne. Voilà, on 2-0. Est en direct. Hein, on passe surprise, la soirée ensemble. Et voilà, s'il y a un but, s'il y a quoi que ce soit. Il y a l'Angleterre qui est contre l'Islande à 21h. Exactement. Donc dès qu'il y aura un but tout à l'heure, on va se tenir au courant sans problème. On se fera Maître Gims tout à l'heure. Tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. On se fera ma beauté là. Tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Donc on est là, il n'y a pas de problème. Tout est bien en direct. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, GSGR, comme score? Bah c'est tout, il n'y a que deux matchs. Voilà. Bah, c'était quoi les deux matchs, hein? Italie. Italie qui a battu l'Espagne 2-0. Et là, il y a l'Angleterre qui joue contre l'Islande. Et le vainqueur joue la France. Il n'y a pas eu un match prochain. À 15h aussi. Non, il n'y en a plus, non. Non, c'est les 8e de finale maintenant. Très bien. Bon, c'est lundi. Et la France qui va jouer dimanche, ça va, JM du standard. Salut Guillaume, moi ça, super. Et bon, il n'y a pas de problème, on est vraiment en direct et tout on ça. Est là. Vous voulez venir d'ailleurs avec nous, bah, vous êtes les bienvenus, les gars, le standard est allumé. Vous êtes en voiture en train de nous écouter. Bonne route. Je sais rien, en Corse, dans le sud, à Marseille, à Perpignan, à Bordeaux. En Bretagne. Et vous voulez passer avec nous à la radio, on la partage à l'antenne, c'est à vous l'antenne, on est juste derrière les micros, mais c'est vous qui appelez, c'est vous qui venez raconter ce que vous voulez, si vous arrivez un truc un peu marrant. 0800 70 42 48 pour nous passer un petit coup de fil sur ce numéro là ou par SMS directement en tapant Guillaume au début et vous l'envoyez au 6. On se doute, il y a Kenji qui vient de sortir un nouveau morceau il y a quelques. Il s'appelle Sonnerie. Et toute façon, hey, quand Kenji sort un morceau, ça veut dire que l'été arrive. Ouais, ça va marcher là. Ah, ça va, Amina des standards aussi. Oui, ouais. Salut Guillaume, salut tout le ça monde. Ça va bien la journée, tout ça, le week-end. Ouais, bah oui. Parce qu'on était à Bastia pour venir vous voir au Energy Music Tour, mais on n'a pas pu emmener tout le monde parce qu'on n'avait pas assez de place dans l'avion. Voilà. Et, tu fais quoi, Amina des standards, ce week-end? Bah, j'ai tenté de faire les soldes. Et alors? Mais échec. Bah ouais. Non, il n'y avait rien. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, c'est pas soldé là? Non. C'est pas neuf non plus. Ah ouais. Non, c'est soldé l'année dernière, ça. Et c'était déjà la deuxième démarche. Non, ça va, bon, très bien. Si vous avez pu profiter vous aussi chez vous du week-end, là, on est là. On se fera ce soir le jeudi fait l'hiver. Ah. Flo qui s'occupe des cadeaux de l'émission. Ça va, Flo, des cadeaux? Il racontera 10 histoires de tueurs en série, de meurtres, etc. Il faudra savoir lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Ouais, on aime bien jouer à celle lundi. Là. C'est rigolo. On fera un jeu des hôtels qui déchirent. On a reçu plein de cadeaux. J'ai les DJI Phantom, les drones DJI Phantom 3. Moi, j'en ai un qui est numéro 2. Là, on a le numéro 3 plus cher. Voilà. On a le tout dernier. Ouais. Défonce. S'il y en a qui veulent des DJI Phantom 3, on a réussi. Ça fait toute l'année on a réussi. On a essayé d'en avoir. On les a enfin eu le 27 juin. Voilà. Donc, si vous voulez venir, vous êtes à la maison. Salut Guillaume, tu déchires. Tu es ma compagnie du soir dans mon camion. Eh ben, bonsoir à toi. Vive la Vingeanne. Bonsoir à toi, gros. Salut. Je vous attends avec impatience. Dédicace à Karen et DJ Clavel ainsi qu'à toute l'équipe. Bisous. Dédicace au transport Rosette et surtout aux touristes. Au passage, merci aux gens de l'IFSI, de Saumur pour la soirée de samedi. Les infirmières, c'est les meilleures. Bisous à toute l'équipe, signé le chevelu. Salut, mec. Y a pas de problème, ça tombe bien. Mes horaires ont changé cette semaine aussi. D'habitude, je taffe de nuit, donc me revoilà. Et ben, bonsoir Vince, bonsoir à tous, bonsoir à Babar, voilà qui dit. Salut Babar. Et ben, vous pouvez prendre un pseudo comme Babar, un pseudo original, voilà. Et me balancer un petit message au 6-11-12. Il faut juste commencer par Guillaume le texto pour qu'il arrive dans le studio. Il y a Tiffany qui vient d'appeler. Tu m'entends, Tiffany, au standard? Ça va? Et ben, c'est oui, qui, bien. Papa? Ouais, King Gaga! Salut. Enchanté, hein, Tiffany, 14 ans, représente la Vienne, hein, le 8-6. Ouais, enchanté, merci de passer un petit coup de fil. Déjà passé à la radio, c'est la première fois, toi? Non, je suis déjà passée. Ah, t'es déjà passée, bon, bah alors. Ouais, vas-y. Il y a un peu longtemps. Eh ben, on met le couvert. Bonsoir. Écoute, si tu reviens, c'est que c'était bon la première fois. Ouais. Non, c'est vrai, quand on retourne une deuxième fois quelque part, c'est que c'était bien, sinon on ne reviendrait pas, voilà. Amina, du standard. Oui. Amina, ça, est plus habituée au coup d'une fois. Oh. Non, mais c'est veut dire que tu vas une fois dans un restaurant. Après, j'aime bien changer. Ouais. Amina du standard, deux coups au même endroit, ça lui plaît pas. N'importe quoi. Je parle de verre. Elle ça se passe toujours mal, en fait. C'est ça. Bah, si en fait, c'est les mecs qui reviennent pas. Salut, bisous de Corse. Salut, Angie. Salut. Tu as pu manger et boire Corse, la bonne piètre à la charcuterie. Ah, bah oui, avec la confiture de figue. Ouais, on a fait que ça, Bastien Saint-Nicolas. Salut poteau, on a passé un week-end chargé. J'ai fêté mon enterrement de vie de garçon. Tu motives pour reprendre la route. Salut fiston 974. Ouais, bon courage. La réunion. Salut le 974. J'ai aspiré mon oiseau une fois, sans faire exprès, avec mon aspirateur. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Un oiseau. Qu'est-ce que t'as fait, aspirer un oiseau, quoi? C'est que du bonheur de vous retrouver aussitôt. Coucou la team RCEA et au groupe Evolupal. Salut Gosse 18, salut les gars. Bon, on va lire tous les messages, hein, toute la soirée, il n'y a pas de problème. Vous voulez venir d'ailleurs avec nous. J'espère que les examens se passent bien. Il y en a encore quelques-uns qui ont des. Le bac, ouais. Et voilà, exactement, le bac. Il y a encore et les oraux plus tard aussi. Certains examens qui ne sont pas tout à fait terminés, encore 2-3 épreuves, etc. Donc on pense à vous. Vous voulez venir délire avec nous. Vous êtes à la maison ici. Et Tiffany, t'es arrivée, t'as fait une connerie, c'est ça? Oui, c'est ça. T'as fait quoi? T'as 14 ans, toi, c'est ça, hein, Tiffany? Ouais, c'est ça. Alors, tu fais un boulot d'été? Hein? Tu fais un boulot d'été? Non, je fais pas de boulot d'été. Non. Ah, d'accord. Donc à 14 ans, tu vas nous raconter que t'es directrice de supermarché. Comment ça se fait? Il y a marqué, fais une connerie au boulot. Mais comment ça se fait à 14 ans, t'as fait un boulot, c'est pas un boulot d'été? Non, c'est parce qu'en fait, j'ai fait un stage dans un restaurant. C'est un stage. D'accord. Ouais. Ah oui, ok. Un stage dans un restaurant. Comment tu l'as trouvé? Genre par les parents, les amis, les amis piston. Des parents. Ouais. Bah, c'est par mon père parce que le patron, c'est l'ami à mon père. Ah bah voilà. Ah bah ouais. Ça aide. Toujours comme ça. Hein. Grand berger. Non mais ça aide. Les loups seront mangés par le berger. Je me laisse pousser la barbe. Tu pas bien, je me laisse aller. C'est qu'il y en arrive au hasard. Donc pourquoi aller? Je fais ce que je peux pour mes potos. Et au fond, ce qu'ils peuvent pour moi. Moi, je veux bien un drone si possible pour faire des bonnes petites vidéos pendant l'été avec plaisir. Hein. Alors, Tiffany, tu veux bien enlever le haut-parleur ou la radio, s'il te plaît, ma chérie, pour pas que ça siffle à l'antenne? Y a rien, en fait. Ah, bah alors ça siffle comme ça. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, explique un petit peu la connerie que t'as fait en stage. Parce que, en fait, pendant mon stage de 3 jours, j'étais encore une débutante, tout ça, j'étais en tant que serveuse. Ouais, maintenant t'es une ancienne. Okay. 3 jours après. Ouais. Donc, vas-y, pardon. Donc, après, il y avait une meuf, c'était chez 18 ans, enfin, le jour même. Mais c'était le deuxième jour parce que c'était un mardi, je me rappelle. Donc c'était le patron, elle m'avait dit que c'était la fille du patron de Mercedes. Donc ouais. Quand je suis partie servir les assiettes, on avait une dans la droite une dans la gauche, dans la main gauche. Ouais. Donc les serviettes, ils étaient les serviettes. Les assiettes. Bon, en gros, tu servais. Oui, voilà. On s'en fout si t'as la main gauche, ta main droite, le petit doigt, le gros. C'est mardi, lundi, on s'en fout. Tiffany. Ouais. Et va droit au but, on s'en fout si c'est un lundi, un mardi. Okay. En gros, t'es arrivé, tu servais, t'étais à une soirée et il y avait le patron de Mercedes, c'est ça? Non, la fille du patron. La fille du patron de Mercedes. Ah, la progéniture. Ouais. Donc c'était la fille et donc t'as renversé en gros un truc sur la fille, c'est ça? Aïe. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'es fait défoncer par le patron ou pas? Non, pas seulement défoncer. En fait, il m'a juste engueulé comme ça, enfin gentiment, parce que puisque mon père, ils sont potes entre le patron et mon père. La fille du patron. Sans ça, il défonce, je pense. Ah oui, bah oui. Bah, non, parce que là. Non, mais après, t'es en stage, donc ça va. Ouais, si ça avait été normal. Ah oui, ça aurait été un serveur. Bah oui, c'est normal. Bah, tu vas chez une cliente. Attends, une en plus, la fille du patron, etc. T'organises une soirée de Mercedes et c'est la fille du patron. La maladroite. Attends, c'est compliqué. Est-ce que ça vous est ici arrivé un peu comme toi, Tiffany, de faire une connerie au boulot en stage? Ouais. Est-ce que vous avez déjà été pris en stage pendant quelques jours? Vous avez fait une énorme connerie. Est-ce que vous avez déjà fait une connerie en boulot d'été? Est-ce qu'on vous a déjà embauché, genre pour faire des glaces, boum, tu fais tomber le. Sur le maire. Imagine, une mamie en fauteuil roulant et tu lui tends le corps des glaces, il y a la glace qui tombe dans ses seins et fait une crise de tétanie parce que c'est trop froid. Et là, elle se met à trembler. Là, tu tombes, tu fais tomber la laval le dentier. L'album de Jules, alors. Mais c'est pas ça. Elle comprend pas d'où ça vient la musique. Ouais. Elle a un sonotone reggae trop fort. Je me laisse pousser la barbe. Tu pas bien, je me laisse aller. Ces crènes arrivent au hasard. Donc pourquoi aller? Je fais ce que je peux. Bon, en tout cas, est-ce que ça vous est déjà arrivé, même au boulot en général? Est-ce que vous avez déjà fait une connerie au boulot, dans un boulot d'été, un stage, un stagiaire? Est-ce que t'as déjà fait une connerie quelque part? Boulot d'été ou pas boulot d'été? C'était un stage à Pierre et Vacances, grosse connerie en fait. J'ai parlé mal à un mec, c'était le numéro 2 du grosse groupe. Grosse connerie? C'est comme une connerie, mais en gros. Ouais, une grosse bêtise en fait. C'était un mec, il y avait grave du monde. Mais fais pas genre, t'as pas l'air, on a pas le temps là. Dès qu'il arrive à quelqu'un d'autre, c'est alors que lui, quand il fait un bug, il enchaîne. Même quand moi je retourne dessus, il enchaîne quand même. On sait jamais, mais bon. Prends le temps de discuter. Voilà, on va revenir sur ta. Ma petite connerie. Explique un peu. En fait, j'étais à la réception, il y avait grave du monde, et là, il y avait un mec qui arrive avec un casque de moto à la main, et il commence à mal parler, tu vois. Et là, je rentre un peu dedans, tu vois, et je parle un peu mal, et il me dit, mais t'es toujours comme ça, en me tutoyant. Je lui dis, ouais, pourquoi il y a un problème? Et là, il me dit, ouais, tu sais pas qui je suis. Et c'était le numéro 2 du groupe Pierre et Vacances qui venait faire une réunion à Pierre et Vacances, Marne-la-Vallée, où j'étais en stage. Parce que tu le tutoyais? Bah, un peu, parce qu'après lui, il m'a dit, est-ce que t'es toujours comme ça? Il a commencé à mal me parler. Ouais. Et moi, j'étais un peu dans le speed, il y avait des Anglais, des Allemands, des Russes, tous les pays, et moi, j'étais un peu débordé. Et je dis, ouais, Christian, c'est vrai, j'ai un peu paniqué. Ouais. Et là, pas été très agréable avec lui. Bah, non, franchement, après, il a voulu me virer, c'était à la fin de mon stage, heureusement. Heureusement, il travaillait pas là-bas, tu vois. Il est venu pour une réunion, donc le directeur du site, il était cool avec moi, mais un peu couvert, tu vois. Ouais. Mais sur le moment, j'ai mal parlé, quoi. Ouais. Bon, il a un peu de mal à parler, je vais s'agir. Bah non, c'est l'émotion. Il a été sympa avec Wam, t'as dit, amené avec Wam. Enfin, c'est un peu bizarre. Et en plus, je sais que plus j'insiste là-dessus, plus. Ah oui, tu me persécutes après, c'est tout rouge là. Et alors, non, mais c'est marrant. Bon, c'est marrant, vite fait. C'est marrant parce que c'est pour se foutre de la gueule des autres. Ouais, bah là, c'est exactement ça. C'est gênant. Je vous explique. En tout cas, il est 21h10, on va prendre vos réactions. Vous m'envoyez un petit message. Il faut juste me laisser votre numéro, les copains, je vous appelle tout de suite. Essayez, hein, et vraiment, même si vous n'avez rien à voir avec la radio, même si vous ne connaissez pas l'émission, même si vous montez dans une voiture d'un ami par hasard là, et vous entendez à l'instant notre émission, je m'appelle Guillaume, c'est Guillaume Radio 2.0, voilà, on est sur Énergie. Vous prenez votre portable, mais je vous assure, faites un test, putain, faites-moi confiance une fois, vous verrez que ça marche. Bah essayez, ouais. Et après, vous me direz, putain, c'est énorme et tout avec vos potes, putain, ça a marché. Vous prenez votre message dans le téléphone, vous envoyez au 6 11 12 61 112. Il faut absolument qu'au début du texto, il y ait marqué Guillaume. Donc voilà, Guillaume, un espace. Coucou, je m'appelle Baptiste, Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste. Je t'écoute de Bastia. Voilà, ouais, on était tout à l'heure. Ouais. On était parce qu'on a fait le concert Énergie Corsica Party samedi soir. Ouais, j'ai animé ça sur la place Saint-Nicolas. Et vous m'envoyez un message. Guillaume, au début, un espace. Vous marquez un petit texte et vous l'envoyez au 6-11-12. En mode révision pour l'ADR, matière dangereuse, c'est chiant. Salut gros. Bonne chance. Je suis facteur pour l'été. Les premiers jours, j'ai même perdu des recommandations. Je me suis endormi à mon stage, j'étais trop nu, je me suis fait chier. Bam, salut à toi. Salut, là. Salut. Salut à ceux qui écoutent Énergie. Bonsoir Philippe, une dédicace à mes potes de Guitrancourt, un village paumé. En mode révision aussi. Une fois, j'ai renversé mon patron en allant au boulot. Oh et je me suis fait renvoyer, c'était volontaire. Ah, t'as voulu renverser, mais attends, on renverse. Attends, tu renverses pas les gens. Non, mais je veux bien que. On renverse pas les gens en général, le patron, pas patron. Assassin. Même les mecs que t'aimes pas, etc. Salut Guillaume, si tu ne reviens pas à la rentrée, je n'écouterai plus énergie. Ah, on sait pas encore si on sera là, mais j'espère. Normalement, il n'y a pas de raison. Mais, en vrai, on a même pas signé le contrat l'année prochaine. Ouais, suspense. Mon contrat s'arrête dans 4 jours. J'ai Rêve de thunes de voyage, j'en ai besoin vu mon âge. Je n'ai des shorts dans le bagage, on va changer de paysage. Tête dans la lune, puis sur terre, je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bas que terre qui seraient prêts à tout donner. Ah, ouais, je suis trop fort de. Je pourrais refaire. Attends, je pourrais. J'aime du sonar. Ouais, on pourrait faire un remix. Attends. Ah, je suis prêt, moi. Attends. Je roule en bolide 4 motion. Attends. Du mal à sortir mes émotions. Attends, on va faire un remix en direct. Attendez, excusez-moi. Attends. Attends, voilà. Ah voilà, en fait je vais faire un remix pour mon patron. Attends, je pourrais faire un remix. Je veux un contrat pour l'année prochaine. J'ai besoin de papier pour travailler. Heureusement qu'il n'y a pas la carte verte. Ah là là, putain, c'est trop cool votre émission, merci les gars. Eh, hey, dédicace à ma sœur Nine. Salut. Eh ouais, bisous. Ça marche, ta chatte, salut Babar. Tu as la voiture en route pour pécho. Grosse dédicace au 3ème de Fougères. Salut. Un bisou à l'Aveyron et à la team Solène. Salut. Ma copine Axel, trop belle, on a 11 ans. Salut à l'ex du chef. Moi, je suis l'ex du chef, quoi de mieux. Comme Kinry, dédicace 71 et à toute l'équipe, salut Elise. Salut. Bisous. Je m'appelle Baptiste, moi je pourrais avoir un drone, je rêve de ça. On va enfiler après les gars dans l'énigme. Moi je travaille en maison de retraite et j'ai jeté les médicaments d'une mamie diabétique sans faire exprès. Ça c'est grave. Hein. Ouais. Ouais, l'erreur. Ah bah là, là. Si elle meurt, comment tu fais? Ah bah là, c'est ta faute. Hein. Ouais, bah c'est les médicaments. Ouais, je pense même que tu peux aller en vous. C'est la famille porte plainte, ouais. J'ai stagiaire à sucer pour rester en stage. Non, non. Moi c'est Marine, j'ai 15 ans, tu pourrais m'envoyer une dédicace à toute l'équipe. Salut à Charles Gounod à Versailles, salut gros. Salut à rue Charles Gounod, salut Snook 78 à Camille. Voilà, tu ne lis jamais mes messages, Max de Lourdes. Voilà, je t'ai fait mentir. Salut Max. Salut à Eugénie. Dites-moi merde pour l'oral de français demain. Eh bah on lit les messages. Vous pouvez y aller. Bah merde. On est en mode été là. Moi je veux bien le drone. Eh bah avec plaisir. On va les filer après. Dépanneur, vive les pinos sur la route. Et à tous mes mongoliens de collègues. Salut, je t'écoute sur la Côte d'Or. Gros bisous à toute l'équipe. Hello Fucker Beach. Je t'écoute l'escure. Le problème de dire que je lis les messages, c'est la merde. Plus de filtre. C'est pété sur le patron quand il dormait. Je me suis fait virer. Je m'appelle Amandine et je t'adore. Ça fait 3 ans que je vous écoute. Je ne peux plus me passer de vous, salut Charlotte. Salut. Bah, je t'embrasse, monsieur. Avec plaisir, en tout cas. Yo, poto, dédicace à la centrale de Cruas en Ardèche. Salut. Prosegur. Bisous. Salut, la centrale nucléaire. Je t'écoute de quand je fais exploser des pétards dans mon école. Entre le centrale nucléaire, juste après, je fais exploser des pétards. C'est bizarre la phrase. Ouais. Salut, Mickaël du 67, vous déchirez grave. Et vous pouvez y aller, hein, Guillaume, et vos messages aussi. 112, on se fait Pitbull et Macassi. El Taxi, on s'écoute ça. On se fera David Guetta, Zara Larsson, This One's For You. On se fait plaisir en mode été, là, toute la soirée, 21h, minuit. Guillaume Radio 2.0, même l'été. Et on parle des conneries qu'on a fait au boulot, en stage ou dans les boulots d'été. Guillaume, et votre message avec votre numéro au 612 et je vous appelle tout de suite sur Énergie. Merci d'être avec nous en tout cas. 21h15 en direct. Ok. Envie d'une nuit de folie, chérie, viens dans mon taxi. Quand elle monte dans la gouva, je claque des doigts en feigne de bois. Coupe de champagne, bébé, détends-toi. Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. Non, non, non, tu ne rentreras pas. Non, non, non. Elle sourit, se colle à moi. Ses fesses sur moi font bam, bam. Elle suit le son. Ah, ça dans le sang. Un doux suçon. Elle soupire et frissonne. Elle est le taxi. La conocí caminando por un backstreet. Estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer. Está dura, dura, qué dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, qué chula. Lula, con culo de mula. Envie d'une vie de folie, chérie. À l'arrière, tout s'enflamme, oh, c'est chaleur. Elle retire tous ses vêtements, oh my god, c'est horrible. Je crie comme Homer Simpson, choqué. Son boule me fait perdre la bouche, j'en oublie ma tournée. Elle est telle sonne, les autres attendent. Pitbull et Makassi, on est en direct, c'est du foot, il est 21h18, le score. Un partout entre l'Angleterre et l'Islande. Tous les soirs, 21h minuit sur Énergie, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, lourde l'émission, frère. Attends, ça veut dire qu'il y a eu deux buts en 18 minutes. Ouais, ça va vite là. Bon, bah ça joue bien ce soir. Ouais. Rooney a marqué pour et les Anglais. Alors, ce qui est important pour ceux qui ne s'y connaissent pas en foot, c'est-à-dire moi, on vient de me le signaler à l'instant, c'est-à-dire que le gagnant entre Islande et Angleterre ce soir va jouer contre nous, la France, dimanche. Ouais, à 21h au Stade de France. Donc voilà, donc c'est très important. Voilà. Et après, c'est encore plus dur si on passe. Bon, donc en gros, c'est pas bien que l'Islande passe là, ce ouais, soir. Voilà. Après, ils sont relous à jouer, mais après, ouais. Et grosse dédicace à la Belgique. Les Diables Rouges qui ont tout défoncé l'équipe belge. 4-0 contre la Hongrie. Voilà, donc bravo. Bien joué. Voilà, dédicace à la Belgique, on est ensemble. La Suisse aussi, gros dédicace. On pense à vous très fort. Ouais. Écoute de Caen, salut, gros bisous les canets, salut, retour. On était la semaine dernière à Caen, ouais, vous voir. On vous écoute de Roumazière, love mes frères. Lors d'un stage au bloc opérateur en tant qu'infirmière, j'ai fait tomber une prothèse de hanche à 1 500 € par terre et elle s'est cassée. Alors, il faut laisser votre numéro, les copains. Laissez votre numéro pour que je puisse vous rappeler dans le message. Si vous voulez passer une dédicace, vous me laissez pas votre numéro. Moi, je pourrais pas vous rappeler s'il n'y a pas le numéro parce que je ne le vois pas. En fait, c'est un logiciel et il y a juste le texte à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut taper Guillaume au début. Guillaume et votre message au 612. On vous écoute de Roumazière. Salut les oufs, moi en stage, je suis rentré dans la voiture du comptable avec le chasse-neige. Il a rigolé depuis ça fait 3 ans que je bosse pour eux. En tant que routier, salut les gars. Salut, pote, maintenant. Je vous écoute de Nantes, je me suis prise en Snapchat au boulot, bouche en cul de poule. Une ombre sur mon Snap, mon patron. Ah, énorme. Ah, oui, salut. Big up au lycée Claude Lebois pour l'ADR. On se fait chier, mais on se marre bien. Salut les gars. Salut. Salut, c'est Abby, dédicace à mon homme qui travaille soir. Une fois, j'étais pionne en MFR. Je sais pas c'est quoi MFR. Un truc avec les enfants, non? Médecin fanfonfière. Non, je sais rien. Je sais. Salut Guillaume. Et j'ai pas entendu mes filles. Elles ont dévalisé les cuisines. Bisous à vous tous. Salut au taf, travailleur de nuit. Bonsoir mon Fabrice. Salut. En direct de l'autoroute. Nous rentrons d'un petit séjour dans le sud, Lucie du 71 aussi, salut. Bonne route. À Haute-Saône. Ouais, c'est ça, ouais. Dédicace à la famille Bernabeu de Franche-Comté, salut les mecs, ne changez rien. Un gros bisou à toute l'équipe qui nous fait sourire chaque soir. C'est gentil, les gars. Vous n'êtes pas là l'année prochaine, on va tous faire une manifestation devant Énergie Nicolas. C'est à la mode les manifs en plus, ça. Ah ouais, bah putain, il y a trop de manifs là. Oh là là. Il y en a une bientôt là, par exemple. On parlait des fois où. On est en direct, hein, je rappelle, il est 21h20, il y a un partout pour l'instant pour l'Islande contre l'Angleterre. Ouais, c'est ça, ouais. Dès qu'il y a un but, Justin Agir va crier. Ah bah demain à l'instant. Eh bah demain. Ah pour l'Islande. Les Islandais sont pas tout gagnés. Ça veut dire qu'ils sont forts. Ouais. Non mais attends, c'est une blague, c'est énorme, c'est la surprise. C'est la première fois qu'ils sont géniaux, non? Ouais. Il y a 100 joueurs pro dans leur pays, t'imagines? Bah, je crois que c'est 300 000 habitants. Ouais. Ça ferait plaisir une fois qu'une équipe comme ça qui gagne. Bah après, ils jouent la France donc. Ah ouais. Ouais, mais bon, ça me ferait quand même plaisir qu'ils gagnent. Moi, c'est les petites trucs. Mais ils sont la surprise quand même à la fin. C'est-à-dire, je sais pas. L'Angleterre. Ou la Pologne, l'autre côté, je sais pas. Je vous écoute chaque soir quand je bosse. Salut à tous les agents de sécurité de Saint-Malo. Je vous écoute sur la route Vive Transport JR. Salut les gars. Salut. JR Express. Je t'ai vu à Caen, c'était énorme, Karine. Je t'embrasse très fort, ma Karine. Merci de me rendre la soirée plus cool. Bonsoir, mon Kiev du 17, là. Salut les gars. J'ai fait payer une cliente 50 centimes au lieu de 50 euros avec la machine à carte qui est le débile. Je me suis fait défoncer. Bonsoir Morgane. Il manque 49 euros. On se raconte les conneries qu'on a fait au boulot d'été ou en stage. Vous êtes nombreux à nous appeler d'ailleurs pour réagir, etc. Il y avait Kevin, 24 ans, de Clermont-Ferrand. Bonsoir mon Kevin. Salut, c'est qui le papa? Maki Chacha. Salut Kevin. Quoi, Kevin du 63, hein, Puy-Dôme. Puy-Dôme. Ouais, clairement. Ça, ouais. Enchanté mon Kevin alors. Putain, je suis bon, je connais tous les départements. Ah, franchement, ouais, bravo. Non, mais attends, on peut faire un concours. Faire une interro là. Non, je pourrais pas faire un concours. Il en manque quelques-uns. Vas-y. T'es fort en département, toi, mon Kevin, ou pas? Faire un battle. Je suis routier. Ah, donc tu connais. Donc tu connais un peu les régions et tout. Pas trop mal. Bon, et t'es routier où d'ailleurs? Tu es où là? Tu vas de où à où, Clermont-Ferrand? Je fais toute la France. Ah ouais. Et là, t'es où en ce moment? T'es en train de rouler?

thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Imaginez une émission de radio avec plus d'un million de potes qui vivent les mêmes moments et tapent des fous rires en même temps. C'est tous les soirs dans Guillaume Radio 2.0, 21h minuit sur Énergie. Allez, à l'antenne sur Énergie, on était avec Kevin qui nous avait appelé ce soir. On est en direct, hein, il est 21h28. Bonne soirée à tout le monde, Guillaume Radio 2.0. Et alors, il y a eu des trucs de fous, mais alors tout le week-end, hein, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, j'ai l'impression que l'actualité c'est de plus en plus taré. Ouais, ouais, c'est moyen. Tu regardes des sites de buzz et tu te dis, non, mais attends, il y a un mec qui a. Il y a des morts. Attends, tout à l'heure, j'avais noté. Parce que ça m'a halluciné. Alors déjà, bon, il y a un radar qui a bugué là dans le sud de la France, mais ça c'est juste marrant. Ouais. Mais il y a un mec, parce que vous savez, parfois il y en a qui se font voler leur plaque d'immatriculation et résultat ils se font arrêter soi-disant alors que c'est un papy qui a 80 ans et il s'est fait flasher à 300. Le pauvre. Et ben là la voiture il s'est vraiment fait flasher, le radar il a bugué et il a flashé juste une voiture à la mauvaise vitesse, juste une seule. Et le mec il a été convoqué, c'était vraiment lui, vraiment sa voiture et tout ça, et c'était une Kangoo. Et à 229 km/h. Ah, c'est pas possible. Attends, non, mais attends, ils ont passé la voiture au banc d'essai pour voir. Ils ont bien vu que la voiture n'allait pas à 229. Donc ils lâchent l'affaire. Et donc, ils ont dit effectivement, il y a un problème technique. Ah, ouais, mais imagine, t'as une Ferrari. Ah bah là, tu passes à 50 à l'heure devant. Et tu dis, non, je vous jure, j'étais à 50. Et là, ils vont dire, ouais, mais attendez, monsieur. Et la photo, le c'est radar ne se trompe pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même. Pas le radar. Tu peux quand même vite te retrouver avec des buts de points. Bon, et il y a un truc qui m'a fallu, c'est une meuf qui a. C'est en Australie à tout à l'heure, elle a laissé ses enfants de 4 et 6 ans seuls chez elle pendant 15 jours pour aller à Bali en vacances. Mais non. Elle a pris l'avion. Non, mais 4 et 6 ans, t'as vu, Mia Sandar? Oui, j'ai vu. C'est hallucinant. Irresponsable. 4 et 6 ans, c'est quand même petit pour ceux qui voient pas. Ils ont 10 ans à deux. 4 et 10 ans, c'est tout petit. Enfin, ça se gère pas. Ça vit pas tout seul. Ben non. Et après, elle a dit que ça les regardait pas. Et elle a dit, attends, je fais ce que je veux chez moi. Elle a 28 ans, la mère, elle est partie à Bali en vacances. Et donc, ils ont pas compris, les voisins, ça hurlait et tout. Parce qu'elle les enfermait de force. Elle a dit, je vais en vacances à Bali, je vous ai laissé, elle a laissé plein de Kinder et tout. Oh là là. Elle a dit, non, mais attends. Pendant 10 jours, il faut vraiment être une gogole pour laisser ses enfants de 4 à 6 ans. C'est un truc de fou. Hein, elle va aller en prison, je pense. J'ai vu ça, je me suis dit, non, mais. Elle a été arrêtée à Bali, en fait. Ils sont allés chercher à Bali et tout. Les services sociaux, là. Et elle a dit, je fais ce que je veux, vous n'avez pas à toucher à mes enfants. Fallait les amener à Bali avec. Non, mais non, elle a dit, le passeport est plus valide, donc je suis allée toute seule. Elle paye nounou, au pire. Je vous écoute depuis 2 ans et tous les soirs, je voudrais tellement vous rencontrer. Bonsoir, Marine. Ah, bah, c'est gentil, ça. Gros bisous à Marine. Salut. Je fais un gros bisou. Merci à Clem Mathieu et l'Arba Chouette. JB en direct de son tracteur. Salut à toi. Salut. Mon job d'été sur des pistes de luge d'été. J'ai sauté du télésiège devant des clients parce que j'avais oublié des affaires au départ. En job d'été sur des pistes de luge, c'est énorme. Ah ouais, une grosse dédicace à tous les routiers de la night et au timbre du Komodo. Vive John Guérin, notre routier comique portugais. La prudence à tous. Salut mon Gérald. Salut. Bon, vous pouvez balancer des dédicaces, les gars. On est en mode été, on est tranquille, on est en direct. Il y a 2-1 pour l'Islande. Contre l'Angleterre à l'Euro, là. Qui joue ce soir. Et puis Kevin de Clermont-Ferrand. Alors, t'as fait une connerie en boulot d'été, c'est quoi? Ouais, bah en fait, moi, si tu veux, je cherchais un taf d'été, tout ça, et puis j'ai de la famille qui ont des amis qui ont des entreprises en Garec, là, des pour faire des framboises. Ouais. Et donc, si tu veux, je rentre là-bas, tout, machin, et donc on commence à bosser, tout, machin, il me met en chef de rang et tout. En fait, j'étais pistonné, moi, parce que c'était la famille qui m'avait fait rentrer là-bas. Ouais. Donc, j'étais pistonné. Comme beaucoup de boulot d'été. Bah, ouais. La plupart. Non, pas la plupart, mais la moitié au moins. Ouais. Dans les villages dans le sud, les restaurants, ils prennent le cousin, machin. Bah, mais après, ils recrutent aussi beaucoup sur CV, hein, parce que c'est dur, les boulots. Et ça change en plus, il faut qu'ils aient des CV d'avance et tout. C'est les mecs qui les plantent en plein milieu de saison. Et alors, mon Kevin? Bah, après, tu sais, je te cache pas que sur le CV, du coup, je le marque pas, vu la connerie, mais bon. De quoi? J'ai pas compris. Tu disais que ça aide beaucoup sur les CV, mais je marque pas comme quoi je bossais là-bas, parce que s'ils appellent pour savoir ou quoi que ce soit, pour pas éviter d'avoir des problèmes, tu vois. Ah oui, non, c'est vrai. Ouais. Alors, et donc, vas-y, t'as fait quoi comme connerie? C'était dans quoi, dans un resto? En fait, si tu veux, on remplissait, donc les gens, en fait, ils remplissaient les cagettes de framboises. Ouais. Et moi, après, en tant que chef de rang, ils me les amenaient, machin, et puis moi, après, je devais les charger dans la voiture. Ouais, ça. D'accord. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on s'est mis à commencer à se lancer 2-3 framboises, en fait, avec certaines personnes. Et puis après, c'est parti. Guerre de framboises. Et après, c'était cagette par cagette. Quoi. On a découvert. Ah, c'est pas que la bouffe, mec. Ah, non. En plus, c'est cher les framboises. C'est trop bon sur Bien sûr, c'est cher les framboises. C'est 3-4 euros la marquette. Ça, ouais. 2,50 euros. 5 euros les marquettes. 2,50 euros, t'es content quand tu trouves. Et les 2,50 euros à Paris, c'est, t'achètes ça au Pakistanais devant le métro sur un jour retourné. Et elles sont bonnes quand même. Et tu payes ça 2,50 euros. Et il y en a 10 dedans. Mais. Ah, mais pétard. Et toi, tu jetais des cagettes entières. Il a dû démonter le patron. Non, mais j'étais pas le seul. Du coup, tout le monde, du coup, s'y était mis à prendre des cagettes dans les voitures, à se les mettre dans la gueule. On était Moi, je suis agriculteur. Le mec qui fait ça, je démonte. En plus, ça tâche. C'est son gagne-pain, en plus, le truc. Non, mais bien sûr. Et puis, tu joues pas avec la bouffe. Tu te payes pour ça. Et puis, c'est ton boulot. C'est pas ton cousin, quoi. Et qu'est-ce qu'il t'a fait alors? Bah, il nous a licencié sur le champ. Hein, Il a dit cassez-vous, faute grave. Ouais, c'est ça. Il a dit c'est bon, vous pouvez partir, machin, gardez les framboises. On verra pour la paye. Plus tard, c'est pas sûr que vous l'aurez, machin. Il a dit votre contrat s'arrête maintenant. Oh là là. Ah, il a fait un contrat, c'est bien déjà. T'étais payé aux blagues, genre, ou pas? Non, par contre, tout est en contrat, ouais. Ah ouais, d'accord. Et c'était le premier jour que t'as fait ça, genre, ton jour d'essai? Non, c'était pas le premier. Ah merde, putain, je me réveille. C'était pas le premier jour, ça faisait. Et ouais, j'ai mis le réveil. C'est le patron, il te rappelle. J'ai le réveil pour me réveiller pour pas être en retard chez mon client. Ah oui, d'accord. Fais gaffe. Ah, putain, c'est bien. Bah, t'es sérieux, t'es devenu sérieux maintenant là. T'as eu ta petite période un petit peu. Ouais, mais t'as appris quoi. J'ai beau mettre un réveil avec une équipe de fous comme vous, qu'est-ce que tu veux dormir? Parce que t'étais censé dormir. Je croyais que c'était pour te dire, même si t'étais au téléphone avec nous, attention. Tu rappelles quoi? T'es décalé en fait. Non. Attends, mais tu dors de quelle heure du coup? Non, mais là, du coup, moi, je suis parti hier soir à 22h, je suis monté à Paris. Et j'ai recommencé aujourd'hui, c'était 14h, donc ça va. Ouais, d'accord. Ouais, parce que tu fais des grosses sessions parfois, tu fais des petites siestes en gros, quoi. Ouais, bah après, t'as les coupures obligatoires, mais là, c'est parce que le client est pas ouvert avant 22h que je suis en arrêt, c'est pour ça, quoi. C'est avec vos systèmes de disques ou je sais pas quoi, là, ouais, c'est ça, non, ils regardent. Ouais, c'est des cartes maintenant, ouais. T'as une réglementation. Bah, tu l'as toujours été, mais avant, c'était plus facile. J'ai jamais compris. Bouger, quoi. Bon courage, en tout cas, à tous les. Ouais, c'est tous super les... compliqué, leur réglementation. Ouais. J'ai mis un coup de godet à l'inspecteur le jour du permis tracto. C'est quoi un coup de. Qu'est-ce que t'appelles un coup de godet, là? Ouais, c'est le verbe. Je suis pâtissier, je livrais une pièce montée énorme et je l'ai fait tomber devant le patron. Non, oh là là. Le jour du mariage, imagine. Et là, tu fais quoi quand t'as le mariage et que tu dois livrer, là? Tu casses en courant. Tu vas en faire une en urgence. Et le soir. Tu vas. Mais non, quand t'es le pâtissier, c'est toi qui l'as fait. Mais bon, tu vois, mais il faut les choux. Mais il faut même la faire soi-même, quoi. Réfléchis, j'ai le standard. Mais comment tu fais? Tu vas pas en commander une? Ah, mais c'est long à faire. Mais si le mariage, c'est dans 2 heures, qu'il y en a une de prête. Et bah, t'achètes des œufs, de la farine. Ah, c'est le stress. Ouais, mais c'est pour ça que c'est long. C'est pas un gâteau yaourt. Est-ce que t'es pâtissier? Bah, non, mais je sais que c'est. Et bah, tais-toi. Attends, j'y ai besoin, t'es pâtissier? Ouais, non. Pareil. Je l'ai aidé. Je plaisante moi non plus, j'en sais rien. Non, mais j'imagine que tu vas pas commander à un autre pâtissier en disant bonjour collègue, je suis dans la merde, t'es mon concurrent, aide-moi. Faut appeler les urgences. On va dire ah oui, le mariage, c'est toi qui l'as eu. Non, mais ça serait logique quand même. Bah oui, normal. Après, il le paye. C'est comme si Fun Radio nous appelait nous en disant putain, l'émission du soir marche. Il nous manque une blague là. Chez nous. Bon. Est-ce qu'on va les aider ou pas? Voilà. Est-ce que tu y vas? Bah écoute. Eh ben voilà, on sait pas. Bon, pour l'instant, on est bien là. Et tu te dis, non, mais c'est comme si le patron de Fun appelait le patron d'énergie en disant aide-moi, passe-moi ton émission du soir, la mienne marche pas, c'est pas possible. Ouais. Et pas de la marchandise en plus. Non, mais oui. On est un peu des pièces montées, je veux dire. Ouais, enfin bon, moi je fais un chou. Un stagiaire monté, toi. Stagiaire démonté. N'importe quoi. Pas le berger, je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Ces graines arrivent au hasard, donc pourquoi aller? Salut au taf, j'ai oublié de fermer la chambre froide négative. Oh quand je suis rentré, tout était à 20 degrés. Dans la vie, on est tout là. Je suis pompier dans le Pas-de-Calais, j'ai oublié d'éteindre les phares de l'ambulance en rentrant d'intervention. On a dû pousser l'ambulance à 3h du matin parce qu'il n'y avait plus de batterie pour démarrer. Ah, c'est amateur ça. Ah, quelle merde. Salut, j'ai fait payer une cliente 50 centimes. Alors, on va t'appeler au lieu de 50 euros par carte. On se raconte les conneries qu'on a fait au boulot, qu'on a fait en boulot d'été. Toutes les conneries, etc. Un peu comme Kevin hein, ce soir qui malheureusement s'est retrouvé à faire une bataille de framboises et de virer. Tu veux faire une petite dédicace, mon poteau, avant de partir? Bon, après, non, je vais pas prendre de temps pour ça. Je vais juste espérer que vous êtes là l'année prochaine parce que sinon, on va se faire chier et puis voilà quoi. Ah, merci beaucoup. Merci. Hein. C'est gentil. Tu sais, si on n'est pas là, on sera sur Radio Classique. Ah, ouais. Bah oui. Oh merde. T'inquiète pas. Hein. Oui, bonsoir. Nous sommes en direct ce soir. Il est 21h37. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, tout le monde. Je suis avec Victorine, mon assistante personnelle. Je m'appelle Patricia Wiefenstein. Je suis la fameuse violoniste. Bonsoir, Victorine. Oui, bonsoir, Patricia Wiefenstein. Je suis Victorine. Corinne, l'assistante personnelle. Il est toujours 21h37 sur Radio Classique. Nous sommes en direct et nous allons parler dans un instant de l'euro. Mais non pas l'euro de foot, pas l'euro toto, mais le vrai re. L'euro que nous appelons l'euro, c'est la note entre le sol et le dièse majeur. Inventé par les Anglais lors du God Save the Queen, exactement. Lady Di aimait tant l'euro. Exactement, l'euro, exactement sur cette note-là. On reconnaît bien la touche de reine. Exactement, en dessous du fa dièse et au-dessus du do ré mi fa sol. Voilà. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit. Bah, tu vois, on pourra toujours apparaître sur notre radio. Bah, oui. Non, on peut changer. On s'adapte. Attends, des caméléons. En plus, la voix te va bien. Ah, mais non, tout à fait. Je suis Patricia Wevenstein, la grande violoniste. Je suis avec Victorine. Oui, toujours Victorine, enchantée. Victorine, et j'ai mon autre assistante personnelle. Oh, elle est belle, elle est toute neuve, elle vient d'arriver. Elle s'appelle Lulu Divine. Bonjour, c'est Lulu Divine. Bonsoir Victorine et bonsoir Patricia. Mais bonsoir, bonsoir les femmes. Bonsoir tout le monde. Spéciale femme ce soir sur Radio Clacla. Nous allons donc parler de vieux, de violon. Ah oui. Ah, et nous allons parler à la fameuse violoniste américaine Patricia Anderson. Bonsoir Patricia. Hello, my name is. Non mais t'es là. J'aime le standard, il sait pas imiter. Pense violon. Un imitateur. Et bon, en tout cas, bon Kevin, merci gros. Hein, c'est super gentil d'être là et tout. Ça fait combien de temps que tu connais l'émission, toi, Kevin, à 24 ans? Ouais, l'émission, je l'ai connue, c'était en 2000. Si je dis pas de conneries, ça doit être 2012, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Il y a 4 ans. Ouais, c'est gentil, oui, en tout cas. Merci. Ouais, c'est ça, ouais, il y a 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. C'est énorme, merci beaucoup. Et t'arrives à écouter régulièrement tout ça alors? Ah ouais, même quand je suis à la maison, que je roule pas ou quoi que ce soit, je suis à la maison. De 20h à minuit ou de 19h à 1h, de 22h à 1h. Bah, c'est trop cool, mec. Merci beaucoup. Merci. Bon, et là, il faut savoir, hein, pendant 3 semaines, on est là jusqu'au 15 juillet. 21h minuit jusqu'au 15 juillet. Voilà, il faut en profiter, il n'y aura qu'une quinzaine d'émissions. Ouais, c'est ça. Et en plus, alors, à partir de la semaine prochaine, nous allons faire un truc exceptionnel. Je vais prendre une roue. Oula. Et je vais faire tourner. Tous les jours, on changera l'équipe. Je pourrais peut-être faire l'émission tout seul. Peut-être qu'avec Joël Stagiaire. En amour. Peut-être hein. que JM du Standard. Ah, moi, je suis chaud. Peut-être qu'avec Amina du Standard. Oui. Peut-être qu'avec Flo des cadeaux. Avec plaisir. Peut-être avec deux personnes. Peut-être ouais. avec JM et Julien Stagiaire. Ah, c'est drôle. Peut-être avec Amina du Standard et Flo des cadeaux. Et on le saura. Et peut-être qu'on sera plus. Peut-être que je ferai les émissions avec certains d'entre vous tirés au hasard. On prendra sur Internet. Tous les jours, on changera l'équipe, on s'amusera. Voilà, ça va se passer donc la semaine prochaine, tous les jours. Donc lundi prochain. Entre 21h à minuit, l'équipe qui change chaque jour. Voilà. Mais alors d'abord, pourquoi t'as peur, Julien Stagiaire? Bah, je sais pas. C'est-à-dire que je serai pas là, quoi. Ah, bah oui, bah, je stresse là. Ah, bah écoute, il y aura pas à stresser, tu seras pas là. Ah, bah oui, mais j'écouterai l'émission quand même. J'enverrai des messages. Tu pourras toujours être là, mais t'auras plus le droit de parler. Voilà. Ah, ouais, d'accord. Bon, en tout cas, il y avait Kevin qui a fait une bataille de framboise. Il y avait aussi Maxime qui nous a appelé. Bonsoir, Maxime. Allô. Ça va, mon Maxime? Salut, Maxime. Papa. Enchanté. Maxime qui est là du 88. Morgane qui a appelé, 19 ans aussi. Bonsoir, Morgane. On dit bonsoir à tout le monde, du coup, au standard. Salut, Morgane. Bonsoir. Morgane du 7-3. La Savoie. Salut. Et Yannick qui est là, 32 ans, de Marche en Famène en Belgique. Ça vaut quoi, mon Yannick? C'est qui, papa? Oh, c'est qui? En direct. Allez, on va se raconter un peu nos histoires, les potos. Toutes les conneries qu'on a fait au boulot ou au boulot d'été. Morgane, t'as 19 ans, de Aigueblanche. Oui. Donc c'est en Savoie. Tu fais quoi dans la vie, Morgane, toi? Je suis encore étudiante. Ouais, en quoi? En SMG. D'accord, ok. Et ça va, t'es utile ou tu sers vraiment à rien dans ta classe? Non, mais moi je sais qu'en cours je servais pas à grand chose. Il y en a plein, c'est pas grave. Moi hein. aussi. Hein. Au pire, tu faisais le con. Non, mais il y en a qui sont fans de l'école, qui sont bons, il y en a qui ont du mal à rentrer dans le moule, voilà. Ouais, bah ouais. Faut être concentré. Toi, t'es comment? T'es plutôt bon élève ou plutôt. C'est plutôt dramatique? Ça dépend des matières. Ouais, c'est vrai, ouais, d'accord. Plutôt fond de la classe. Ouais, plutôt au milieu de la classe ou plutôt. Au chauffage. Voilà, vieille blague. Voilà, on dirait mon daron. Ah, mais c'est vrai, c'est ça. Ah, bah ouais. Et j'ai le stagiaire, c'est vrai. Ah, mais c'est rigolo. Et c'est le stagiaire qui fait les blagues de vieux. Ah, ouais. Je suis pas vieux. Et elle dirait vraiment mon daron. Ah, mais tout le monde va au chauffage. Alors, t'es à côté du radiateur ou t'es carrément dehors? Ouais. T'es dans la cour, ouais. Bon, bref. Bon, et Morgane, alors, dès que Blanche. Tant, toi, t'es plutôt bonne ou pas? Oui, ça va. Ouais, ça va, ouais. Bonne élève. Tu sais ce que tu veux faire plus tard ou pas, Morgane? Oui. Tu veux faire quoi? Directrice marketing. Ah, oh, bah, il faut bien être bonne pour être dans le marketing. Ah ouais. Ouais. C'est marrant, on dirait que toutes les filles qui sont bonnes se sont retrouvées dans le marketing. Ouais, toutes les filles qui ont été bonnes à l'école. Ouais. C'est ce que je veux dire, c'est un métier, t'as l'impression qu'il fait être studieux, quoi. Ouais. Bah après, t'as l'impression, c'est comme les gens qui travaillent en pharmacie. Pharma. Tu sais, ça fait très. J'ai stylo derrière l'oreille et j'ai révisé des années. Mais c'est vachement bien, moi, je suis au contraire, je suis admiratif. Bah oui. Tu sens, il y a des métiers comme ça où tu es obligé d'être bon à l'école, quoi. Sinon. Avocat, juge. Ah ouais, exactement. Imagine, t'arrives pas là comme ça. Voilà, il a travaillé un petit peu, quoi. Au ministre. C'est tout l'inverse de la radio. Ah quoi, ouais, voilà. On n'aurait pas pu, non. Bon, j'ai trouvé un sosie d'Emmanuel Macron, les copains. Mais alors, attention, hein, franchement, il est énorme. Tu l'as vu, James Zandar ? Je l'ai vu, Guillaume. Non, mais attends, allez voir sur mon Twitter, Guillaume Play, P-L-E-Y. Je vous ai mis le sosie d'Emmanuel Macron en 1910. C'est peut-être sur une vieille photo de Paris. Non, mais franchement. C'est son daron, peut-être. Non, mais tu l'as vu, Flo des cadeaux ? Non, je l'ai pas vu. Non, mais regarde ça, viens voir. Viens, attends, viens, parce qu'en fait, il est de l'autre côté. Je te montre à travers la vitre et tout. Franchement, c'est choquant. Non, mais attends, je sais pas ce. Non, mais attends. Non mais c'est vraiment, on dirait lui. On dirait lui avec un chapeau. Non mais allez voir sur mon Twitter, hein, Guillaume Play puis le Y, vous allez être. La mâchoire c'est la même déjà. Ah bah et toute la gueule c'est la même. Sauf qu'il a un béret parce qu'il est en 1910 quoi. Mais, il louche un peu plus. C'est hyper impressionnant. Tu connais pas Emmanuel Macron, peut-être qu'il louche. Ouais bah ouais. Ouais. Pas de ce que j'ai vu. Mais... C'est vrai. Bon en tout cas Morgan, qu'est-ce que t'as fait comme connerie au boulot? J'étais en stage découverte en troisième et il y avait une cliente qui était venue faire des achats de livres. Ouais. Et ma patronne, elle était occupée. Du coup, c'est moi qui me suis occupée d'encaisser. Ouais. Et la femme, elle avait fait des achats de 50 euros de livres, pour 50 euros de livres. Ouais. Et j'ai pris la machine à carte. Et au lieu de taper 3-0 pour que ça fasse 50,00, j'ai tapé tout simplement 50. Ça fait que ça fait 0,50 centimes. Et alors, et tu l'as laissé partir? Et je l'ai laissé partir parce que j'avais pas vu mon erreur. Et quand elle est partie, ma patronne a bien vérifié le ticket de caisse. Et elle fait, mais Morgane, tu l'as fait payer 50 centimes. Et j'ai fait, je suis désolée. Et elle m'a complètement défoncée. Elle m'a dit, tu touches plus jamais à la caisse. Bah, elle pouvait t'expliquer peut-être. Bah oui. Ou alors tu payes. Après, moi, j'ai un pote qui a payé plus au restaurant, qui a payé 126 euros. La semaine dernière, j'avais raconté rapidement, mais il a payé 126 euros au lieu de 12,60 euros à la boulangerie. Il avait pris un sandwich, un dessert. Il le voit. Machin. Et en fait, il a payé 126 euros. Il l'a vu après. Ouais. Et elle l'a remboursé en liquide. Elle lui a dit je peux pas faire de remboursement par carte. Ils ont pas de ça, il faut avoir des options à la banque et tout. Et compliqué. Les boulangeries ils ont pas tout ça. Ah merde. Et donc il a dit je te donne en liquide, etc. Charles Pain. Et non, il l'a vu après. Heureusement qu'il l'a vu. Ouais, il est sorti, il l'a vu. Il a dit excusez-moi, je suis un client, je viens de sortir et tout. Faut se méfier avant. Parce que avant, dans Paris, parfois il y a tellement de monde que t'as oublié 10 minutes après. Et dit va bien te faire enculer. Il y a les caméras. J'ai enfermé mon patron dans un placard un vendredi soir pendant qu'il n'y avait plus personne dans la boîte. Et je me suis barré. Heureusement pour lui, sa femme l'a retrouvé à minuit. Possible. Non, c'est garde à vue là. Mais pourquoi tu l'as enfermé dans un placard? Mardi, je viens de. Mais à quel moment ton patron il rentre dans le placard déjà? Bah ouais, c'est un petit patron. Ça marche pas cette merde. Mais bien sûr que si, je les vois tes messages, gros, regarde. Demain, mon dernier jour dans mon collège. Martin, je viens de finir mon stage de 3ème à Jouer Club et j'ai eu 240 euros dédicace au SDE Procom de Vitré. Salut les gars là. Salut. Je t'aime, tu l'aimes, parfait, gros bisous. Hein. Je m'appelle Elodie, j'ai 13 ans, j'habite dans le sud. Les meilleurs, vous êtes, je pourrais gratter un cadeau. Alors j'en ai plein des cadeaux, j'ai des Phantom 2, des Phantom 3. Les DJI Phantom 3, c'est des drones. Et je vous offrirai aussi tout à l'heure des PS4 à l'occasion de la sortie. Il sort mercredi. Ouais. JM du standard. Mardi. Ah, il sort demain. Le jeu. Ouais, d'accord. Okay. Il sort demain. Donc ça sera le jeu Lego Star Wars, le réveil de la force sur PS4. Et ben on vous les file plus la PS4 tout à l'heure. Donc il y a double cadeau aujourd'hui. On va se faire Guetta qui arrive maintenant. David Guetta et Zara Larsson, This One's For You. Et venez nous raconter les conneries que vous avez fait en boulot d'été, en boulot ou en stage. Guillaume et votre message aussi sans sur une agence fait mine de l'euro. Il y a 2-1 pour l'Islande toujours. Contre l'Angleterre, ouais. Et mi-temps maintenant, là. Ouais, c'est ça. Qui arrive et on s'est au courant du match en étant direct. Il est 21h45 sur Énergie. Bonne nuit, les gars. Merci d'être avec nous. This one's for you. potes de tes meilleurs potes. C'est Guillaume Radio 2.0, 21h minuit sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne avant de se faire Yes. Prochain morceau. On se le cadrera juste après. Moi, je suis en couple avec la fille de mon patron. Hier, on a couché ensemble chez mon patron. Oula. Et je crois qu'il m'a entendu car depuis ce matin, il me regarde vraiment trop mal. Salut Romain Le Poudze. Mais fais gaffe. Hein. Salut gros. Et c'est risqué ça. Ah, le patron. Je t'adore. J'adore l'écouter l'émission tous les soirs. Bonsoir Antonin Le Nain. Salut gros. Salut. Pierre de la Planche. Salut à Clem, Mathieu et l'arbre bachouette JB en direct de son tracteur. Salut les copains en direct du tracteur. Gros bisous à tous les agriculteurs de France. Hein, les mecs, on vous embrasse. Hein. Bon courage pour le taf. Merci d'être avec nous. Hein. Je vous écoute depuis 2 ans tous les soirs. J'aurais tellement vous rencontrer. Et ben gros bisous. Et ben vous êtes tous les bienvenus hein, quand vous allez venir visiter le studio. Vous m'envoyez un petit mail avec plaisir. Hein, guillaume@energie.com. En job d'été sur les pistes. Alors on réagit un petit peu au job d'été. Est-ce que vous avez déjà fait un boulot d'été et vous avez fait une connerie? Est-ce que ça vous est arrivé de faire une grosse merde au boulot aussi? On se raconte un petit peu ça là. Guillaume et votre message au 612. Venez nous raconter. JM du standard. Ouais, Guillaume. Est-ce que t'as déjà fait une connerie au boulot ou en boulot d'été? Ouais, moi c'était avant de faire de la radio. En fait, j'étais serveur. Ouais. Et il y a un client qui demande une bouteille de champagne. Ouais. Je suis allé à la cave la chercher, tu sais. Et moi, je savais pas trop l'ouvrir. Je l'ai ouvert et j'en ai mis sur tout le monde dans le restaurant, en fait, parce que j'ai pris. Je l'ai secoué. Ouais. Bah, le champagne, tout le monde sait l'ouvrir. Je suis monté. Bah, je sais pas. Il y a aucune technique. Non. Non. T'as mis le pouce pour fermer ou quoi? T'as fait le champion de formule. J'ai stressé, j'ai paniqué en plus. Je sais pas pourquoi. Je l'ai montré à mon patron. J'en ai mis sur lui. Il y en a eu de partout. Il m'a défoncé. Je crois que c'est la pire fois où je me suis fait le plus engueuler. À cause de. Mais tu l'as dirigé vers les gens, ça, je crois. Parce qu'en fait, j'ai paniqué. Au pire, tu mets vers le bas. Bon, après, tu nettoies, tu t'excuses. Voilà, j'ai fait une bêtise, monsieur. Et en fait, j'étais derrière le comptoir, il y avait d'autres personnes en face le comptoir où j'étais. Ouais, en face du comptoir. Ouais. Et en fait, au final, d'un coup, ça c'est parti dans tous les sens. Et je me suis fait défoncer. Ouais, vraiment, c'était impressionnant. Ouais. Et c'était une bouteille qui valait cher ou pas? Ouais, moyen, je sais pas, ça doit être 100 euros la bouteille, je crois. Ah ouais, c'est cher. 100 euros la bouteille? Ouais, je crois. Ouais. Dans la pizzeria? Non, dans un resto. Ah, t'as travaillé dans un resto aussi? Ouais. T'as le mec qui a travaillé partout. Il a jamais eu de contrat, mais il a travaillé partout. Ouais, partout au black en plus. Ouais, c'est vrai. Je vous écoute, j'ai renversé le plat sur le maire, je suis renvoyé, j'ai été renvoyé. Salut Arthur. Ah, le maire. Bah, évite, putain, faut pas s'approcher du maire avec le plat, quoi. Bah ouais. Moi, c'est la première fois que tu lis mon message, j'ai pris un abonnement pour vous, mais jamais tu me réponds. Ah non, c'est pas vrai, Max Delourde. Regarde, gros, je lis les messages. Ouais. J'ai traité mon patron de cinglé, je travaille avec des handicapés mentaux, ça l'a pas fait rire, il m'a viré. Salut Frédéric. Ah merde, oui. Salut l'équipe dédicace, tous les routiers de la night aussi. Bonsoir Darkness 34. Salut. Bonsoir à toi, Amina écarte les cuisses. Pardon, j'ai déménagé il y a un mois et demi à Londres. Je suis réceptionniste dans un hôtel 4 étoiles et je sors avec mon patron depuis 5 semaines. Salut Alexia. À la classe. Il y a un mois, t'as déménagé il y a un mois et demi à Londres, t'es réceptionniste dans un hôtel 4 étoiles. Attends, mais je comprends pas. C'est dans un hôtel à Londres que tu nous écoutes, Alexia? Bah, je pense, ouais. Tu nous écoutes de Londres? Dis-moi, ouais, Alexia, là, juste pour comprendre ton avec SMS. Téléphone français. Au lycée Claude Lebois, bonsoir à toi aussi, là. Salut John, bonsoir. Une dédicace à la ville de Nanterre et à ma louloute chérie, si elle écoute. Est-ce qu'il y aura une énigme ce soir? Salut Dave, bien sûr, on se fait l'énigme juste après 30 secondes de pub. Vos stars énergie préférées sont toutes sur la scène du Energy Music Tour. La plus grande tournée musicale revient samedi sur la grande place de Roubaix. Sur scène, c'est Amir. Erail Streffy, Ritza, Chris Cab, Fita, Unique, Claudio Capeo, Slimane, Souf, Boosty et Estudium Peretta, Julian Peretta on Energy. Le Energy Music Tour présenté par Koé samedi sur la grande place de Roubaix. Un événement Energy. It's music only. Et surtout n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Leclerc. Chérie, à partir du 22 juin, on n'est plus libre pour rien ni personne. Ah bon? C'est les soldes chez Leclerc à partir du 22 juin. À partir du 22 juin et tu m'annonces ça comme ça? Bah comment veux-tu que je te le dise? Il faut que je te le chante. À partir du 22 juin, c'est les soldes chez Leclerc et c'est cool. À partir du 22 juin, ce sont les soldes chez Leclerc sur de nombreux produits signalés en magasin. Voir modalité dans les magasins participants. Un mois de soldes chez Leclerc à partir du 22 juin. Je vais prévenir maman, elle adore les soldes. Bien sûr. Les soldats avec ta mère. Énergie, it's music only, avec Jennifer en concert. Mon ami, mon amour, c'est Jennifer sur Énergie. Jennifer est enfin de retour pour une tournée événement partout en France. Infos et réservations, énergie.fr, livenation.fr et point de vente habituel. Jennifer en concert, un événement Énergie. Événement Énergie 12, les 108, les retrouvailles. Vous les suivez depuis des mois. Après Los Angeles, Hawaï, le Japon et l'Alaska, les 108 se retrouvent une dernière fois en France pour des retrouvailles explosives. Surprises, clash et révélations, les 108, les retrouvailles du lundi au vendredi à 18h15 sur Énergie 12. Chez Sarenza, pendant les soldes, Vanessa, responsable des réductions, peut devenir complètement folle. Allez hop, aujourd'hui, moins 10% supplémentaire sur les Geox hommes, femmes et enfants. Vanessa, ça va? Tu veux pas un petit verre d'eau? Un antidépresseur? Non, laissez-moi faire des réductions, je veux faire des réductions. Respire Vanessa, respire. Vanessa, elle est folle, mais c'est ce qui permet à nos clients de rester, eux, très raisonnables et de chausser toute la famille en Geox. Moins 10% supplémentaire sur les Geox déjà soldés, c'est aujourd'hui. Sarenza.com. Vanessa, tu peux soumettre l'offre à condition tout de même? Ah non. Leclerc. Philippe, c'est quoi ça? Trois lots de trois paquets de Daily Choc. Des petits biscuits au chocolat tombés par terre. Là, chocolat noir, ici, chocolat au lait, et enfin, ce lot-là, c'est au chocolat blanc. Et tu ne savais que choisir? Ah, pas du tout, c'est juste qu'en ce moment, chez Leclerc, deux lots de trois paquets achetés, un lot offert. C'est parce que Leclerc pense à tous les gourmands que du 29 juin au 9 juillet, pour l'achat de deux lots de trois paquets de Daily Choc, plusieurs variétés au choix, le troisième est offert. Voir modalités dans les magasins participants. C'est vrai que c'est bon. Tiens, essaye celui-là. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ninja Turtles 2. Il y a un robot samouraï, deux mutants et ce truc bizarre. Nous allons créer une armée. Nouvelle menace. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Nouveau défi. On s'arrache! Ninja Turtles 2. Accrochez-vous. Les quatre frères les plus cool débarquent mercredi au cinéma. Cowabunga! Vivez le Turtle Power en 3D. Avec énergie. Ce sont les meilleurs potes de tes meilleurs potes. C'est Guillaume Radio 2.0, 21h minuit sur Énergie. Allez à l'antenne, on est là, on se fait Gims, hein, c'est le prochain vraiment. Je dis depuis tout à l'heure, il est là, voilà ma beauté. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant. Une dédicace à la ville de Nanterre et à ma loulou de Chéri, si elle écoute, est-ce qu'il y aura une Gims ce soir? Oui, j'avais promis, on le fait juste après. Il y en a un qui m'a imité, il paraît, la semaine dernière, dans la dernière émission de Manu. Ah, le matin? Ouais. Et alors, je trouve, mais alors, j'embrasse très fort mon copain Manu, hein, le matin, qui fait 6-9. Ouais. Il sera là à la rentrée. Mais alors, attends, l'imitateur. On va rigoler là. Dites-moi sincèrement si vous trouvez. Parce que je trouve qu'il imite pas du tout. Bon, déjà, on a découpé le bug de tout à l'heure de GST. Oh non, Guillaume, s'il te plaît. Il dit pas une connerie, il dit. C'était un stage à Pierre et Vacances. Grosse connerie, en fait, j'ai pas. Ah, une connerie. Il dit pas une connerie, il dit. Je suis un stagiaire, est-ce que t'as déjà fait une connerie quelque part? Ah, moi aussi, je dis, j'ai fait une connerie. Ouais. On bafouille tous. C'était un stage à Pierre et Vacances. Grosse connerie, en fait, j'ai pas. Grosse... Ah merde. Même le Pierre et Vacances, il enlève un peu les E. C'était un stage à Pierre et Vacances. Grosse connerie, en fait. Ouais. Bon, gagne du temps, quoi. Et on a eu donc cet imitateur. Écoutez 10 secondes et dites-moi si vous trouvez qu'il m'imite. Mais alors, je trouve pas du tout pourtant. Et alors, si on peut faire un tout petit truc. Ah oui, s'il vous plaît. Sur Énergie, il y a nous le matin, il y a Koé le soir, et il y a Guillaume Play à partir de 22h sur Énergie. Mathieu, qui est technicien ici, est le meilleur imitateur de Guillaume Play au monde. C'est troublant. Vraiment, c'est troublant. Mais vraiment. Et en fait, il a jamais osé le faire devant Guillaume. Je dis, bah pourquoi tu n'oses pas le faire? C'est un bel hommage. C'est incroyable. Si vous connaissez Guillaume Play, si vous l'écoutez le soir sur Énergie, attention. Silence, machin, Paris, s'il te plaît, baisse la musique. Écoutez, c'est bluffant. Guillaume Play, vas-y Mathieu. Ça va mon con? Et franchement, dédicace à toute l'équipe, Nico du web, Oriane du micro, franchement, vous assurez grave. Lendu, respect, respect à tous les branleurs. Merci. Hein. C'est qui de papa? C'est chaud. Ça, il le fait hyper bien. Manu, ton père. En fait, mon père, moi, c'est toi, Manu. Merci, Guillaume. Merci aussi à Charles Laporte, à Jean-Charles. Alors voilà, est-ce que vous avez trouvé qu'il imitait bien ou pas? J'ai mon standard. Pas ouf. Bah, en fait, il reprend juste une expression, quoi. Ouais, il a repris ses kibas. Non, mais en plus, non, mais je l'embrasse. Je vois pas que tu sais. En plus, s'il était avec nous sur une émission, il aurait pu le faire avec toi. Ouais. Il a eu peur. Les dernières émissions en public, ah ouais. Là. Ah, ça aurait été rigolo. Bah oui. On va le revoir. Je vais aller chercher. On pourrait faire des concours derrière. Moi, je m'en fous. Tu vas aller le trouver à la radio. Flo des cadeaux. Ouais, non, je trouvais que c'était pas hyper juste. Ah non, il est pas. Après, il y a une caricature de Rotten. Ouais, ouais, non, c'est vite fait. C'est comme Nico sous Bruel. J'ai la voix aussi cassée qui le fait. Là. Non, pas autant. Attends, non, c'est Bruel là. Non, le mon con, ça commençait pas trop mal. Ça va mon con? Attends. Ah non, là, ça va. Non. Attends, ça va mon con? Ça va mon con? Ah, merde. J'ai vraiment la voix pétée. Attends. Ça va mon con? Ça va mon con? Non, lui pire. Attends, je suis quand même au-dessus. Non, il force le trait. En termes d'aigu, enfin. Ça va mon con? Ça va mon con? Voilà, mais là tu forces. C'est après une soirée, quoi. Ça va mon con? Ça va mon con? Ouais, bon. Il appuie sur le truc. Dédicace à la ville de Nanterre, à ma louloute, salut à toi. Dédicace à tous les poteaux. Abdel, transport de Berge, de GLS, de la Nike de 20. Salut Diesel, du 51. Salut. Moi aussi, j'aimerais tellement gagner un drone. Et ben, on va le faire juste après. Bonsoir à tout le monde. Je vous kiffe, les gars. Et à Amina Morito. Amina du Standard. Grosse dédicace à l'USPP de foot. Dédicace à tous ceux du lycée français de Shanghai. On vous écoute à Shanghai. Salut Juju. Salut Shanghai. Shanghai. Que du bonheur de vous écouter en rentrant du taf. Salut Sanonette. Gros bisous à toi Sanonette du 69. Salut, ouais. On t'embrasse très fort à tous les gars de l'aéronautique d'Airbus Saint-Nazaire. Bisous. Je suis partant pour le drone. Bon, hey, tu sais quoi, on va faire gagner le drone là dans deux minutes. On va se faire l'énigme direct. Hein. JM du standard, si tu veux bien. Pas de soucis, Guillaume. Nous prendre quelqu'un pour lâcher une énigme. Ouais. Et ensuite, comme ça, on va vous filer les cadeaux. On se racontait les conneries qu'on avait fait au boulot d'été. Amina du standard, est-ce que t'as déjà fait une connerie en boulot ou au boulot d'été? Bah, boulot d'été, ouais, plein de fois, malheureusement. C'était un peu mis catastrophe. Mais le pire que j'ai fait, je bossais chez ED, en fait, j'étais caissière. Et j'étais hyper pote avec mes collègues. Et un jour, j'arrive, en fait, dans le hangar. Et je sais plus, je raconte. Enfin, j'arrive en hurlant, je vois, ouais, il s'est passé un truc de fou. Et en fait, il y avait des ouvriers. Mais tu travaillais dans les rayons ou pas du tout? Ouais, je faisais que tout. La caisse. Ah, non, si, ouais, tu rayons, remplissais les rayons aussi. Ouais, j'ai fait. Ça s'appelle. Tu fais l'approvisionnement, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Des rayons, les inventaires et rayon, tout. Ouais. Tout ça. Ah, moi, j'ai mis mise en rayon. J'ai fait mise en rayon. Franchement, ce que j'ai fait, ça à métro pour ceux qui ah bah oui c'était tout ça c'est des ils gros, sont où les stocks les gros gros ah, ouais. Ah bah oui c'est des gros cartons fallait y aller avec 14 palettes ah, c'est, ouais, c'est voilà. Rigolo ça et donc tu faisais quoi là, donc, dans le jour, là donc ce jour là je sais plus je prenais ma pause et donc j'arrive dans le hangar et je gueule après mon collègue genre ouais il s'est passé un truc de fou et en fait il y avait des ouvriers qui refaisaient le toit et en fait j'ai fait sursauter le mec je te promets que c'est vrai il a glissé il est tombé du toit qui était pas très haut ça va mais il est tombé sur mon collègue et en fait il est tombé sur son dos. Et alors toi t'es vraiment là t'es vraiment, mais toi c'est vraiment tu le portes c'est... sur toi ah. Et à l'heure d'aujourd'hui il est toujours en arrêt maladie non, quoi. Non. Depuis combien de temps mais non ça fait 3 ans ouais non c'est une blague non je te jure bah, c'est chaud mais... Et tu t'en veux pas? Bah si, mais j'ai pas fait exprès. Faut l'appeler monsieur là. C'est pas moi qui ai fait tomber le mec. Non, mais c'est pas une fille qu'il faut avoir à côté. Ah ouais. On mais... des chocolats. Des mais alors entre elles, j'ai stagiaire. Ah, quoi? Moi j'ai rien. J'aime du standard. Ah, qui sont en vacances avec moi à la Fruche Crotte de Pif et Clem Clem de Labre à Chouette. Je bosse sur des pistes de luge aussi. Bah, je t'embrasse très fort. Bonsoir à toi. Est-ce que tu lis mes messages? Je vous aime fort. Salut Karine, bien sûr, je vois tout. Oui, moi en restauration, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mon premier stage, j'ai fait tomber un plat à tarte et je me suis fait enguirlander par le patron. Salut à toi. Salut. Hello, tout le monde. Je vous écoute de la Bretagne où il fait toujours très beau. Et bah, je t'embrasse très fort et toute la Bretagne aussi. J'aimerais trop te parler, mon frère, sans avec ma soeur. C'est mes demi-frères et sœurs, ils attendent un enfant. Non, bah, c'est possible ouais. Après. Hein. Ouais, ça peut. Bah, laisse ton numéro. Ah, si, mais bon. Attends, mais ils sont demi-frères et sœurs. Comme les cousins qui sont ensemble. Juste agir, toi, t'as pas une soeur, t'es une demi-sœur. Ah bah oui. Ouais. Bah voilà, donc c'est quand même chaud. Ah bah c'est très chaud, c'est pour ça que je dis. Je sais pas, il a l'air de dire ça. Mais non, mais toi qui es une demi-sœur. Oui, bah c'est impensable parce que déjà on a pas le même âge. C'est pas possible. Un enfant avec elle. Mais jamais de la vie. Mais après, les gens sont tellement chelous des fois que. Comme là qui se marient entre cousins. Laisse ton numéro. Non, mais là, on parle pas de cousins. Oui, de demi-frères, demi-sœurs. Ah, mais les gens, ils sont pas. Amis de cousins, tu dis bon. À la limite, c'est pareil que il y a plein d'origines où les mecs ils se marient entre cousins hein. Et les jeunes c'est les mêmes hein, donc et bon c'est sûr c'est pas GG non plus hein, attention c'est un enfant la gueule qu'il a et donc ah mais faut se méfier c'est ça. Et donc là du coup demi-frère ouais. Demi-frère demi-sœur c'est la famille ah, c'est chaud t'imagines t'as le même père ou la même mère donc forcément. Je t'écoute depuis 3 ans. Tous les soirs, je viens de Caen. Eh ben, on y était à Caen. On y était samedi dernier. C'était génial. Merci beaucoup. On était il y a une semaine. Vendredi dernier, une semaine et deux jours, on était venu voir à Rennes aussi, en Bretagne, justement. Je suis pâtissier. Moi, j'ai livré une pièce montée. Je l'ai aussi fait tomber. On va en parler, les gars. Laissez-moi vos numéros de téléphone. Je vous appelle maintenant Guillaume et votre message aussi, 112. Amina du standard, t'as eu une assurance qui a joué si on a une maladie depuis 3 ans, le mec? Non, non, mais alors attends, parce qu'à ma décharge, le mec qui est tombé du toit, en fait, ils se sont aperçus qu'il avait quand même pas mal picolé le midi, tu vois. Donc, en fait, de base, il n'était pas hyper stable sur le toit. Tu vois? Ouais, mais bon. Oh, le chantier à ED, c'était l'Afghanistan. Mais bon, mais non, mais en plus, il habite à côté de chez moi, le mec. Je le vois souvent. Hein. J'ai encore vu il y a 2 semaines. Il t'en veut pas? Bah non, parce que c'est pas moi qui suis tombé du toit. Ouais, ouais quand même. Ouais, bah, putain, t'es un peu. T'as quand même. Mais tu t'es pas senti coupable, je sais pas, le soir? Bah si, j'étais pas bien sur le coup. C'est même moi qui ai appelé les pompiers et tout. Enfin, tu vois. T'as fait excusé, j'étais dégoûté. Mais il est tombé dans le coma et tout, genre, il a fait un malaise. Non, non, mais juste, ça lui a éclaté le dos, quoi. Tu vois? Ouais. Ah moi je pense que je te prends, je te jette. Ah, de... ah, ouais. Ah non, bah mais là il pouvait pas. Hein, non mais le dos c'est. Ah là. Ah non mais en plus c'est tellement horrible d'avoir mal au dos. Non mais il y avait déjà des problèmes de dos. Bon c'est courage. Ça. Ouais mais bon. Bah ça oui, y a, non, au taf. Hein, on va vous passer à l'antenne, vous passez tous, ça vous est tous les bienvenus les gars. Il y a Marie-Françoise et Mathieu juste après. Bonsoir Marie-Françoise d'Ajaccio justement, 19 ans. Salut. De A. Salut Marie-Françoise. Ça va ou quoi Marie? Salut. Salut. Ça va et toi? Enchanté MF. Ça va ou quoi? Attends, on était pas loin de chez toi hier. J'étais à Bonifacio en plus. Je suis allé dans le sud. Ah ouais, c'est vraiment pas loin. En plus, je suis de Bonifacio aussi. Ah c'est hyper joli hein, avec le Vernail. J'ai visité, il y a un petit tunnel au bout là, un petit tunnel où tu peux aller à pied depuis le cimetière, ouais, et après tu payes et tu descends. Il y a une sorte de truc, il y a un projecteur à l'époque de la guerre. C'est ça. Tu peux faire guide là-bas au pire. On a visité. Non, mais attends, c'est super bon. Bonifacio, ouais. C'est une ville qui est sur les hauteurs. Sur les falaises. Les falaises. Ouais. Oh là, c'est franchement, c'est dingue. J'ai vu les criques et tout là. Au et après, là, en plus, c'est marrant parce que j'ai rencontré des mecs qui jouaient. Alors, c'était super drôle. J'ai l'impression que j'étais dans le Grand Bleu. Il y avait une sorte de mini place avec la mairie. Je sais pas dans si le village. Je devrais le dire d'ailleurs, ouais. Mais enfin, il y a la mairie de Bonifacio, ça fait une sorte de petite place en renfoncement, et il y a plein de mecs qui jouent au foot en fait quand c'est fermé, ils prennent les vitres en fait pour faire des buts. Ah ouais, il est. Et en fait, et du coup, ils m'ont reconnu et tout, ils m'ont dit ah Guillaume, etc. Ils ont fait des photos, et du coup, je suis allé jouer avec eux une heure, et on a fait un foot à Bonifacio, et en fait, c'était tout en terre et tout, dans le sud, et ça faisait très le Grand Bleu. Ah ouais. Tu joues torse nu au soleil et tu crames. Et avec des mecs et avec l'accent et tout, ça fait trop plaisir. Les vacances. C'est vraiment très très beau, hein. Bonifacio. Porto Vecchio, Santa Giulia, la Corse, c'est quand même sublimissime. Le Doha, le 2B, le Nord, le Sud, on a un peu tout vu. On a fait Saint-Florent avec James Sandard. Ouais, c'est ça, la Farinole. Le Nord, la plage de la Farinole au nord de la Corse, parce qu'on allait animer le concert samedi. Après Bastia. Après Bastia. T'y étais ou pas, toi, Bastia? Oui, oui, je suis montée exprès pour vous voir. C'est vrai? Ouais, ouais, je suis montée exprès. Bon, au final, j'ai pas pu vous voir, parce qu'après, il y a eu un petit souci, mais j'étais montée exprès pour vous voir. Pourquoi il y a eu un petit souci? Non, j'ai eu un petit souci avec une amie, donc on a dû redescendre par Ajaccio, mais... D'accord, d'accord. Je croyais qu'il y avait une connerie avec nous. Ah bah c'est super gentil. Non, pas du tout. Merci. Ah bah c'est trop sympa, merci. Ouais. T'étais loin ou t'étais près du concert? Parce qu'il y avait quoi, 25-30 000 personnes? En fait, j'étais à Corté. Donc c'est à peu près à même pas une heure de Bastia. Ah oui, d'accord. Non, non, mais je dis dans la foule et tout, t'as réussi à approcher. Ah non, t'as même pas pu venir, du tout. Ah non, je n'ai même pas pu venir. Je croyais. Une histoire à Corté, donc. Oh là là, putain, merde. Bon, bah, en tout cas, bah, c'est gentil, merci beaucoup, hein, ma chérie, d'être venue et tout. Bah ouais. Et c'est quand même marrant, c'est que il y a plein de gens qui sont venus nous voir, etc. Il y a une danseuse qui est venue nous voir à la fin, qui était sublimissime, qu'on embrasse. Ah, non mais qui était danseuse, c'est même pas à l'événement, qui est juste venue me faire une bise. Putain, j'ai oublié de prendre le Facebook. Ah, et le prénom. Et le prénom, et le prénom. Bah, et je sais qu'elle m'a dit, est-ce que tu peux faire une photo avec moi pour mon frère qui habite à Fécamp, qui est super fan, j'embrasse. On a des infos là. Si tu as une sœur qui est à Bastia. Ami de recherche. Et ben j'ai envie que tu deviennes mon beau frère. Oh, Marie-Françoise, en tout cas, c'est super gentil. Tu fais quoi dans la vie, Marie-Françoise, toi? Je suis coiffeuse. Coiffeuse? Ajaccio même? Ouais. Oui, Ajaccio. À quel salon de coiffure? C'est marrant, s'il y en a qui vont là-bas. À Franck Provo. À Franck Provo. Ils sont partout. Voilà. Ouais. Bah oui. FP Ajaccio, Franck Provo Ajaccio. Si vous êtes là-bas chez Francky, bah, allez faire une bise à Marie-Françoise. Salut, ouais. Tu ressembles à quoi, genre, au niveau des coupes de cheveux, pour qu'on te reconnaisse si un jour on va se faire coiffer là-bas, ceux qui écoutent là? Moi, j'ai cheveux mi-longs et je suis rousse. Rousse, très bien. Cheveux mi-longs et rousse. Est-ce que t'as des tatouages? Oui. Ça, franchement, ça m'a choqué. C'est que encore. Attends, j'ai quand même rencontré une quinzaine de nanas, on va dire, corse, avec qui j'ai discuté un petit peu, tu vois, avant, après le concert, l'après-midi, avec qui nous on était à une terrasse de café, il y en a qui venaient s'asseoir avec nous, on rigolait un petit peu, etc. Et ils étaient toutes tatouées, quoi. Ouais, c'est ouf, hein. Non, mais vraiment. Ah, c'est excitant aussi. Hein. Oh là là, non, mais sur les jambes, sur les cuisses, sur même les photographes, filles, l'événement, elles étaient tatouées sur les jambes, etc. C'est impressionnant, hein. Et donc, t'as quoi comme tatouage, Marie-Françoise? J'ai un phénix. J'ai un signe en bas du dos. Un phénix. J'ai un signe en bas du dos. Un signe en bas du dos, ouais, très bien, en bas du dos, ouais. Un truc tribal, quoi. Ouais, c'est ça. Une sorte de avec la date d'anniversaire de mon grand-père. Ouais. C'est beau. Attendez, parce que j'en ai à la cheville. Après, j'ai marqué cartésienne à la cuisse et j'en ai un à l'épaule. Ah, ça fait beaucoup. Ah, ouais. Ah ouais, mais c'est bien. Attends. Et t'es bronzé ou pas? Pardon? T'es bronzé ou pas? Oui. C'est joli, ça ressort bien les tatouages. Ah ouais, bah oui, c'est bien, elles sont bronzées. Vous étiez tous bronzés, même les garçons. Hein. Ouais, bah ouais. Il y avait que nous de blanc, en fait. C'était ouf. On est arrivé, mon gars. On était le tube de Tipex. Ah, il fait moche après. Je te jure, j'avais honte. J'avais l'impression d'être l'anglais, tu sais, qui arrive en France ce premier jour. Hello. En plus, j'avais perdu mes tongs et tout. Je suis à la plage en basket. Je déteste ça. Ah ouais. C'est vraiment le connard qui arrive à la plage, quoi. Le touriste. Ah ouais, t'es là. Toi, t'es du paysage, t'es du pays. Le connard de touriste qui arrive en tennis, tu dis, mais gros, on est à la plage, il fait tout le monde qui arrive en tennis. Eh ben, c'était moi hier. Voilà, ça m'a fait chier. Bon, Marie-Françoise, tu voulais réagir. On parlait des conneries qu'on avait fait au boulot ou en boulot d'été. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie, toi? Ben, en fait, moi, au tout début de mon apprentissage, quand je faisais mon CAP coiffure, un après-midi, il y avait énormément de monde au salon et ma cliente venait d'arriver. Et donc, elle me demande une couleur précise et tout. Et je vais à l'arrière pour commencer à préparer la couleur. Mais vous voulez quoi comme couleur? Châtain Doré. Attends, juste, t'es au bord de la mer ou au bord de la route? On entend un petit bruit. Je suis au bord de la mer. Ah ouais, putain, j'entendais les vagues. Ah là là. Putain, mais t'es vraiment une connasse, tu viens de me planter, toi. Vas-y, baigne-toi pour nous. Et je vais vous raconter un truc. Ce matin, on est parti de Bastia, il devait être 9h du matin. Ouais, c'est ça. Il faisait, je crois, 28 degrés. Ok, on est arrivé. Non, mais attends, écoute-moi bien, chérie, tu vas rigoler. On arrive à Paris, 16 degrés. Ouais. Et sous la pluie. Est parti. Alors JM du standard, ce con il part en short. Ah ouais, je lui dis prends ta veste, ouais. Enfin, on arrive, il me fait t'inquiète. Eh ouais. Et on arrive, il fait oula, il fait frisqué. Je dis oui, je te l'ai dit il y a 2 heures. Eh ouais. Non. Putain, la différence de qualité de vie que vous avez, surtout sur Paris, là, c'est une catastrophe cette année, hein, particulièrement sur le nord de la France. Mais c'est la merde. C'est vraiment insupportable. On n'avait pas du tout la même vie dans le sud. Ah non, hein. Oui. Refait une autre couleur par-dessus et tout, mais bon, elle était vraiment pas contente. La cliente, elle m'a pourri, elle m'a dit que j'étais pas faite pour ce métier, C'est vrai. Ouais, bah non, mais moi, attends, non, franchement, ouais, mais bon, en fait, non, tu dis ça, mais quand ça t'arrive à toi, t'es dégoûté. Ouais, les cheveux, c'est chaud. Ah, j'ai plus de cheveux. En fait, disons qu'elle est, c'est pas, voilà, elle était surtout vénère, elle a besoin de se défouler. Ah, oui. Tu peux pas lui dire grand chose. Mais après, moi, je me suis fait défoncer par mon patron et tout, c'était. Ah ouais? C'est chambre heureuse. Ouais, heureusement, on va se rattraper, mais non, j'ai un blâme par contre. Et c'est toujours chez Franck Provost que t'as fait ça là? Ouais, toujours là-bas. Bon, j'en ai fait d'autres des bêtises, mais bon, pour le moment, ils m'ont toujours pas viré. Attends, pourquoi t'as fait quoi d'autre comme connerie? Parce que avant, t'as fait des boulots d'été, genre en tant que coiffeuse ou pas du tout? Ouais, serveuse. J'étais serveuse avant. Et t'as pas fait de connerie en tant que serveuse? Oh oui, une fois, j'ai renversé un plateau sur un client. C'était en été sur un touriste parce que j'avais pas l'habitude et il s'est pris carrément tout le plateau d'assiettes de fruits de mer. Normalement. Ouais. Et ça sent bon après en plus. Ah ouais, putain. Ouais, les fruits de la chaleur. Les fruits de mer, ça reste. Hein. Hier, j'ai mangé des moules frites. Pareil. Putain, mais j'ai essayé de m'enlever. Tu sais, ils te donnent une sorte de petite serviette machine là. Aussi ouais, là. Ouais. En fait, non, mais je trouve que ça fait un mélange d'odeurs. C'est horrible. Encore pire. Au citron là. On est d'accord. C'est après, il faut le mettre non, à la mais, fin. Non, mais faut... non, bah oui, j'ai compris. Merci, j'ai pas mangé le truc. J'ai pas emballé mes moules dedans. Des moules avec le citron. Non, mais en fait, du coup, je suis allé me laver les mains après. Putain, je me suis lavé 4 fois les mains. Ah, c'est horrible. J'étais avec des amis à table, ils ont dû se dire le mec, il est parti faire caca. Ouais. Non, je me suis lavé 4 fois les mains, j'arrivais pas à enlever l'odeur. Ouais. Et ça, c'est désagréable après les fruits de mer. Mais bon, t'as mangé des moules, j'aime standard. Pareil, Guillaume. Ouais. Ah là là. Même sort, on était pas moule marinière. Ouais, là-bas. Ah putain. Les frites. Ah, c'est bon. Ouais. Une bonne moule, quoi. Ouais. Ah. Une bonne moule l'été. Il y en avait des fermées un peu. Non, mais moi, j'avais des barbus, moi. Tu sais, c'est les petits poils. J'avais parlé, t'enlèves la petite touffe de poils à l'intérieur. Et ils étaient toutes barbues. Encore, c'était moule. Ouais. Son non, mais c'était presque tatoué. T'arrives, c'est ça. T'as pas ou quoi? Et du coup, j'ai. Bah, bref, mais c'était très bonne, les moules corses, quoi. Et ouais. Marie, François, toi, t'aimes la moule, toi, ou pas? T'aimes un peu les moules en général? Non, pas du tout. Oh, pas du tout. Non, c'est vrai, tu manges pas du tout de. Pas de fruits de mer, c'est vrai? Ah, ouais. Pas du tout. Oh là là. Ça va faire la viande. Attends, mais là il fait nuit à Ajaccio ou il fait jour, là? L'année vient tout juste de tomber. Ah ouais. Ah ouais. Il y a un peu de temps. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un petit peu plus à l'aise que Paris. Donc nous, il fait quasiment pénombre. Donc il est 22h12. Nous sommes en direct, toujours 2-1 pour l'Islande. Contre l'Angleterre, voilà. Donc pour l'instant, ils sont qualifiés. L'Islande, ouais. Il reste 15 minutes c'est de jeu. Non, il reste 17 minutes. Non, il reste une demi-heure à peu une près. Une demi-heure de jeu. Ouais, c'est ce que je disais, une demi-heure. Ouais, une 17 minutes. J'ai toujours raison. Alors, je joue la France, ça reste comme ça. Et donc, toute l'équipe de Ch'tivan de Lille, on vous écoute. Gros bisous, Ch'tivan. Pas de problème. Et attends, Marie-Françoise, et là, t'es au bord de la mer. Il fait chaud là chez toi? Ouais, il doit faire 35 à 22h, non. 25. Ouais. Tu nous appelles de Guadeloupe, tu sérieux. Ouais. Tu t'es baigné? Non, il fait pas 35 la nuit. 25. Non, la nuit, il fait. Non, c'est 28. Non, 25, désolé. Ah. Ouais. Elle baisse, tu vois, elle baisse. On a perdu 10 degrés en 2 secondes. Ouais, après, il fera 15. Attends, tu sais quoi, je vais prendre la météo parce que t'es nuit. Attends, je tape météo Ajaccio, attends. Là, je te crois pas. Météo Ajaccio, 20 degrés en ce moment. Ah! J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Non, mais moi, j'ai 25. Non, mais, en plus, je plaisante parce que pareil, il y avait marqué 22. J'ai ouais, la JM du standard au concert. Prends ton short. Pareil, je suis sa grand-mère. J'arrête pas de lui dire prends ton pantalon. Non, je fonctionne comme une grand-mère avec mon équipe. Et je dis toujours à l'équipe attention, prends ta petite veste, tu vas avoir froid, etc. Ouais. Machin, parce qu'après, bon, on est malade, c'est relou. Ouais. On n'a pas le temps d'être malade. Et donc voilà, j'avais dit ça. Et en fait, finalement, il a fait 27. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a un petit décalage entre la météo sur le téléphone. C'est bien quand même. Et là, t'as un mec, Marie-Françoise, la coiffeuse de Franck Provost ou pas? Non, pas du tout. C'est combien de temps que t'es célibataire là? Ça va faire 6 mois. Ah ouais, putain, ça fait longtemps. Bah, t'es en pause là. Mais genre, tu t'amuses un peu sur ouais, Tinder, sur ça. Des applis comme ça, tu chouines un peu, tu chichines ou pas du tout? Ouais, je m'amuse. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça s'entend un peu la voix. Et t'as fait des trucs vraiment, genre, tu t'es amusé. Ça s'entend la voix, juste. Non, mais belle voix, non, mais c'est un compliment. Non, j'aimerais qu'on m'explique, ça s'entend à la voix. Non, mais c'est une belle voix, un peu charmante. Ça veut dire quoi exactement en fait, Julien? Non, que tu t'amuses. T'as pas peur, t'es pas farouche. Non mais c'est un compliment, c'est bien. On laisse parler ce que tu veux. On laisse parler les stagiaires sur l'énergie, parfois il faut mieux pas. Ça va. C'est un compliment que je te fais. C'est bien. Après, si tu prends mal. T'as vu combien de mecs dans ta vie? T'as vu combien d'hommes, Marie-Françoise, dans ta vie en tout? Je sais pas. Non mais à peu près. Ah c'est bon, elle fait, ouais. C'est bon, t'as en pas. T'es pas une cougar, t'es pas une cougar, t'as pas. S'amuser. Non, que en, de zizi que tu as vu dans ta vie. Ouais. Ils sont rentrés. Ouais, je sais pas, une quinzaine peut-être. Ah ouais, quand même, c'est bien. Ouais. Non, 19 ans, une quinzaine, c'est pas mal. Hein. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a, GSG? Non, c'est bien. Tu trouves ça beaucoup? Ouais, beaucoup. Non, bah, c'est beaucoup. Après, c'est une fille. Et bah après, peut-être qu'elle va rencontrer. Elle est en train de sa vie, là. Ah, bah, oui. 16, hein. Tu t'es déjà fait draguer au salon? Oui, oui. Est-ce que t'es déjà sorti avec un client? Voilà. Alors, ça, c'est intéressant. Ah. Ça. Oui. Et comment il a fait alors? Il veut faire pareil. Il va aller chez coiffeur toutes les semaines. C'est ça. Il va venir, il va se faire roux aussi, c'est pour. Avec une mèche. Non, comment tu dis, la châtain au burn, châtain doré, ouais. Il va venir avec une crête, ouais. Une crête bleue et blanche. Les footballeurs, là. Ah là là, putain, il va avoir la coupe de Pogba, j'ai le sentiment. Ah ouais, alors lui, il est loin. C'est un Renault qui est 13 blondes. Pogba, il a fait fort. Énorme. Pogba, c'est. Je sais pas qui est son coiffeur, mais. Ah putain. Et il est osé, hein. Et du taf, j'aime le sentiment. C'est des coiffeurs de ouf, en fait, les coiffeurs de l'équipe de France. Ils ont fait un reportage sur eux la dernière fois, ouais. Ah pourquoi des coiffeurs de ouf? Bah parce qu'en fait les mecs ils coiffent toutes les stars et tout, et le coiffeur de Pogba il a coiffé Ronaldo la dernière fois. Eh ben on est super contents. Ah, alors c'est un niveau de je m'en bats les couilles d'information qui est au-dessus de l'immeuble d'énergie. Qui a coiffé Pogba là, la France s'en bat les couilles. Ah, du moment qu'il marque, il marque. Voilà, pas, on veut juste qu'il foute un. En plus il fait une faute hier, un but. Et c'est sa faute. Là où il va se faire raser la barbe, on s'en bat les couilles. Je vous écoute toutes les soirées, je bosse de nuit, chauffeur céréalier, continue de faire, les nuits sont moins longues. Merci gros. Salut. À tous les chauffeurs qui vous écoutent par la même occasion. Salut Titi Rider 10. Salut Titi bon Rider. Et là, attends, on parlait Marie-Françoise de ton mec et de tes aventures sexuelles, excuse-moi. Client, là. On a dévié. Depuis quand tu connais l'émission, toi, Marie-Françoise, d'ailleurs, sur Énergie là? Je sais pas, ça fait un petit moment. Ouais, ça c'est précis ça. Ah, t'es vague toi. Ça c'est bon ça. Je sais pas du tout, je crois que ça va faire peut-être 8-9 mois, un peu plus. Ah ouais, d'accord, de cette année quoi. Ouais. Et t'étais jamais passé, c'était jamais passé à la radio? Non, jamais, c'est la première fois. C'est vrai? Ah bah c'est sympa, depuis cela, merci beaucoup. Tu te rappelles de la première fois où t'es tombé sur nous? Comment ça se fait? C'est un pote qui t'a dit, c'est par hasard, c'est sur YouTube? C'était sur YouTube, en fait, j'étais avec ma meilleure amie, on regardait un peu des vidéos sur YouTube, et en fait, on tombe sur toi, en fait, et puis on regarde, et après, je continue à regarder, après, j'écoutais la radio, et puis voilà. Ah, c'est sympa, merci. Merci. Merci. Je m'appelle Benjamin Franklin. Je viens de rentrer dans mon laboratoire, je vais faire des expériences. C'est la nuit dans mon école de chimie, personne n'est là. Je suis venu avec mon pote, Ludovic Boursier. Oui, bonsoir, je suis Ludovic Boursier. C'est mon pote, nous sommes tous les deux à l'école de chimie. C'est ça, première année, Pierre Delette. Nous allons essayer de voyager dans le temps. Cool. Nous avons vu les visiteurs. Nous avons vu les visiteurs et nous allons essayer, pareil, de copier la même formule magique. Oui, Pérorus, etc., etc., nous sommes prêts. Alors, je vais te demander, Ludo, de me passer un petit peu de poudre là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre. Poudre blanche. O2, CO2. Elle va marcher. Alors, je mets du O2, CO2 dans ce petit flacon. On va y arriver. Je prends une bouteille de cristalline vide. Oui. J'y mets un blanc d'œuf. Oui. Comme le faisaient les gens autrefois. C'est ça, jadis. Attends, je regarde par la fenêtre que personne n'arrive dans l'école. C'est secret. Chut. Il y a personne, nous pouvons rester. Ouais. Et là, attends, je vois le proviseur. Oh non, c'est le gardien. Le méchant gardien. Il me fait peur aussi, lui. Celui qui est bossu, le méchant. Oh non. Non. C'est Bastizo. Il s'appelle Bastizo parce qu'il met des coups de stizo. Qu'est-ce qu'il y a, Bastizo? Qui êtes-vous? Bastizo? Oui. On s'occupe. On est au toit de l'air tranquille. Qu'est-ce que vous faites? On va partir, c'est bon. Attention les jeunes, je vous aime. Mais qu'est-ce que c'est? Oh là là là là. Je m'excuse Marie-Françoise, c'est le plus mauvais doublage de film. Ouais, on essaye. Ah là là, Guillaume, je t'ai vu à comment je t'adore. Ah, c'est gentil, gros bisous. Gros. Mille baisers. Salut à Jérémy de Montpellier, je suis sur la route pour aller à Marseille pour le taf en vous écoutant, c'est bien plaisir. Salut. Un petit drone DJ, eh ben on va en offrir justement, c'est l'heure, il est l'heure, monseigneur, d'offrir des drones. T'as déjà fait du drone Marie-Françoise ou jamais toi, non? Non, jamais. Tu t'es jamais envoyé en l'air avec un drone, un truc bonne question, ouais. Non, jamais piloté. T'as le permis ou pas, Marie-Françoise, toi? Oui, oui. Ah, t'as une voiture? Non, actuellement, non. Ah, c'est vrai, ouais. Elle est en panne. Ah, merde, t'as quoi comme caisse? Une Toyota Yaris. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une connerie? T'as oublié de mettre de. Manque un pneu? Ah, ben, on a eu un accident avec ma pote. Ah, c'est vrai? Justement, en montant à Bastia. Non, c'est vrai, c'est ça? Samedi? Putain, mais t'as vu, je retombe là-dessus par hasard. En fait, vous m'avez porté la guigne. Ah, mais non, faut pas dire ça. Non, c'est vrai, tu jures? Ah, oui, oui, oui. T'as eu un accident en venant nous voir? Ouais, ouais, en fait, tout bête, j'ai perdu le contrôle du véhicule et je suis rentrée dans le mur, en fait, de Corté, en fait, de la fac de Corté. Et puis voilà, la voiture a démarré. Et t'es rentrée dessus, comment? Ben en fait, je sais pas comment j'ai fait. En fait, j'étais en train de regarder un truc avec ma pote. Non, j'étais rentrée comment chez toi? De Corté. Chez moi. Ben après, ma meilleure amie allait monter me chercher. Ah, une autre? Ah ouais. Ah, t'as appelé quoi? Parce que t'étais venue toute seule, non? Non, j'étais venue avec une autre amie justement qui vous écoute depuis beaucoup plus longtemps. Oh la galère, voilà. Putain, la poisse. Ah, merde. Ah là là, bon bah écoute, hein, on est désolé pour toi, hein, malheureusement. Ah ouais. Et c'est dangereux les routes encore, il faut faire attention sur les routes, il y a beaucoup de petits virages à droite, à gauche. C'est sinueux. Si, il y a des tombes, il y a des tombes tous les 100 mètres. Ouais. Non, franchement, moi j'ai été choqué. Il faut avoir l'habitude, hein, c'est sûr qu'à Paris, c'est tout. Faut avoir l'habitude. Ah mais toi, t'as pas l'habitude. Il y a quand même des fleurs tous les 100 mètres, ma chérie. Attends, il y a marqué, en plus, il y a même des tombes et tout, parfois, ils mettent des tombes sur le bord de la route. Franchement, moi ça m'a choqué, il y en avait vraiment beaucoup. C'est glauque un peu. Surtout que j'ai fait vraiment le nord, le sud de la Corse, j'ai fait toute la route pendant 2h30, là, putain, le nombre de tombes qu'on a vu, on s'est dit, oula. Ouais, surtout la nuit, c'est pas éclairé, les petites routes de campagne et tout. Hein. C'est-à-dire, Freddy qui a eu son permis ce matin. Eh bah, ouais, non, mais c'est sûr, il faut avoir l'habitude, mais enfin, si le mec en face, il arrive sur toi, tu peux pas le tourner. Est-ce que vous avez du Schneemann? On a tout ce que vous voulez. Alors, attends, Marie-Françoise, reste avec nous deux secondes, il y a juste Lino. Bonsoir, Lino, pour lâcher les lignes. Tu m'entends, Lino? Allô, c'est qui, papa? Salut Léo. Ça va mon Lino quoi, tranquille? Ben ouais, genre. Ça va, bro? Ouais, très bien. Bon, hey, toi t'as 12 ans Lino? Ouais, c'est ça. Et tu viens du 17, de Charente Maritime. Exactement. À La Rochelle. On représente hein, toujours 1-0, 2-1 pour le match. Il reste 25 minutes de jeu. Voilà, on se tient en courant. La surprise hein. On se tient en courant. Et on fait tourner la roue de l'énigme avec toi mon Lino. T'es en 5ème toi Lino? Ouais. Là, je passe en 5ème. Ah, tu passes en 5ème. En septembre. Allez, c'est on fait ça. Tourner, mon Lino. C'est parti. On fait tourner la roue qui va s'arrêter entre 1 et 10. C'est le nombre de phrases que t'as le droit de donner pour faire deviner le mot. Et ce soir, les gars, il y a les DGI Phantom 3 à offrir avec ce qu'on est partenaire du film 6 Ninja Turtle 2, voilà, qui sort mercredi avec Megan Fox, produit par Michael Bay. Donc, énorme film voilà, qui va sortir dans 2 jours. C'est le Tortue Ninja. D'ailleurs, j'ai les cagoules, les Tortue Ninja. Ah ouais. J'ai fait une photo sur mon Instagram. Ouais. Allez, j'ai l'affaire avec toute l'équipe là. Elle est marrante. Guillaume Play, PLEY, sur Instagram, sur Twitter, sur Snap, sur Facebook. Je vais vous la mettre dans 2 millions. On est à quasiment 2 millions là. Ouais. On arrive sur Facebook. Il y aura une grosse surprise pour les 2 millions. Et d'abord, vous jouez avec nous pour gagner un Phantom 3. C'est les nouveaux drones qui déchirent les DJI. Moi j'en ai un, c'est vraiment exceptionnel. Moi j'ai l'ancien, hein, j'ai le 2. Mais là on vous offre le 3 en plus. Vous envoyez Guillaume et la bonne réponse avec votre numéro de téléphone au 612. On t'écoute, poteau, rapidement pour les deux premières phrases, s'il te plaît. Ok. Donc, ceux qui la veulent préparent la guerre. Il faut qu'elle soit dans les ménages. Vas-y, donne la suite. Ok. Certains militent pour elle. Ensuite. Les Indiens fument son calumet. Cinquième. La police est son gardien. Et sixième. Certains veulent la voir. Ceux qui la veulent préparent la guerre, il faut qu'elle soit dans les ménages. Merci mon pote. Lino, certains militent pour elle, les Indiens fument son calumet, la police est son gardien, certains veulent la voir. Voilà, vous envoyez Guillaume donc, et la bonne réponse avec votre numéro au 612. On se fait le jeu des faits divers, après on va bien rigoler, et les drones à vous offrir avant sur Énergie. Vous désignez les top DJ mondiaux. Qui allez-vous récompenser cette année? C'est David Guetta. This is Avicii. I'm Calvin Harris. Yo, this is Martin Garrix, and you're listening to... Énergie présente les Energy DJ Awards 2016. Votez maintenant et tout l'été sur energy.fr. Et le 12 octobre, dans le cadre du mix à Monaco, la plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJ récompensera les meilleurs d'entre eux. Energy DJ Awards. Hit music only. Ninja Turtles 2, les 4 frères les plus cools reviennent au cinéma.

Ouais, c'est italien. C'est stylé, Lino. C'est rare en plus. Ah, c'est vraiment. Ah, c'est vrai, c'est le premier Lino qu'on a. Facteur, ouais. Et ouais, c'est vrai, ça fait. Le Lino, ça fait penser soit au sol. Ah oui. Ouais. Le Lino, soit à l'acteur. Voilà, le Lino. Oh, mais souvent, on fait c'est la blague. Hein, ah non, mais c'est même pas une blague. Non, non, mais c'est ouais. Bon. Attends, c'est non, bon. Parce que tu penses forcément. Ah, c'est bon. Moi, tu sais, je m'appelle Play, hein, mon gros. Alors, je suis arrivé en même temps que la PlayStation. En plus, je te dis même pas. Ah ouais, c'est vrai. Salut et Playmobil. Alors, je te dis même pas aussi à l'école. Moi, avant mon entretien d'embauche, j'ai fumé une clope et en la jetant, j'ai mis le feu à la poubelle et la cabanette. Merde. On se raconte les histoires qui nous sont arrivées, les conneries qu'on a fait quand on était au boulot ou en boulot d'été. Est-ce que vous avez déjà fait une connerie en boulot d'été avant de s'écouter justement? J'ai tout gâché, maintenant tu... Moi, avant mon entretien d'embauche, j'ai fumé. Alors, on va se raconter tout ça. Prudence sur routier, sur la 10 et sur la N20 ce soir, apparemment. Bon courage. J'aimerais trop parler de mon frère et ma sœur qui sortent ensemble, demi-frère et qui attendent un enfant. Bonsoir, Marine. Alors, laisse ton numéro, Marine, et on va t'appeler avec plaisir. Hein. Voilà, il faut juste que tu me laisses ton numéro, ma chérie, puis je t'appelle avec plaisir. Mais d'abord, Lino, on va redonner une dernière fois l'énigme. Attends, je mets la petite musique derrière. Elle est là. Vas-y, redonne l'énigme en entière, s'il te plaît, pour vous filer des drones DJI Phantom 3. On se fout pas de votre gueule. Allez voir sur internet. Bah, pour ouais. ceux qui connaissent, ah ouais. c'est les drones qui défoncent. Voilà. Moi, j'ai le 2, il est exceptionnel. On fait des images à plusieurs centaines de mètres de haut. Vous pouvez accrocher une GoPro ou quoi. Et là, c'est le Phantom 3, c'est le plus gros. On vous le filme maintenant. On t'écoute, Lino. Ok. Donc, ceux qui la veulent préparent la guerre. Il faut qu'elle soit dans les ménages. Certains militent pour elle. Les Indiens fument son calumet. La police est son gardien. Certains veulent la voir. Qui suis-je ? Alors, qui suis-je ? Réfléchissez bien. Ceux qui la veulent préparent la guerre. Il faut qu'elle soit dans les ménages. Certains militent pour elle. Ils militent pour la 1-1. Les Indiens fument le calumet de la 1-1. Réfléchissez bien. On dit les Indiens, ils fument le... Allez, vas-y, on arrête. C'est bon, on arrête la guerre. Là, on fume le calumet de la 1-1. La police et son gardien. On dit... ouais, c'est un policier, c'est un flic, c'est un... gardien de la 1. Voilà, et franchement le mot. Ah bah la bonne chance. Et tu l'as écrite facile, mon Lynn. Merci. Franchement, elle est facile. Avant de se faire mot, réfléchissez bien. Certains veulent la voir. Certains veulent la 1. D'autres veulent la guerre. Voilà, c'est facile, les mecs. Réfléchissez bien en deux secondes. Avant de se faire ça, là. Il y en a qui dit le prix. Salut à toi. Sur Twitter à l'instant. Est-ce que c'est le prix, Lino? Non, c'est pas le prix. Voilà, il faut pas se tromper, les potos. Hein. Qu'est-ce que ça peut être? Franchement, c'est pas difficile. Est-ce que c'est la prison? Toujours pas. C'est pas la prison. Et en plus, c'est des DJI Phantom 3 qu'on offre. Hein. C'est vraiment des cadeaux. Ça vaut 1000 boules, hein, DJI Phantom 3. Hein. Bonne chance. C'est vraiment des très beaux cadeaux. Hein. Vraiment, cette semaine, c'est un truc de fou. À l'occasion de la sortie mercredi de Ninja Turtle 2, c'est Tortue Ninja qui sort mercredi avec Megan Fox, produit par Michael Bay. On vous file les DJI Phantom 3. Et on va faire d'ailleurs, j'ai reçu les cagoules des Tortues Ninja. Elles sont belles, les cagoules. Je vais les stagiaires, je t'ai filé. J'ai pas filé. Ah non, j'ai pas. J'ai la mienne. Tiens, alors attrape. À la bleue. On te filera. C'est Leonardo. Alors attends, je suis fan des Tortues Ninja. Le rouge, c'est Raphaël. J'avais le droit. Vous vous rappelez ouais, bah oui. Et c'est Michelangelo. Raphaël. Ouais, Raphaël. Raphaël. Moi, j'ai Raphaël. Il y a Michelangelo et Donatello. Bon, on va mettre les cagoules, on va faire une photo. J'ai fait la mienne déjà là sur la page Facebook. Vous pouvez aller mater. Hein. Guillaume Play, PLY, on a reçu les cagoules, les Tortues Ninja là. Le godet, c'est le gros spell qui sert à creuser ce genre de BTP. Ouais. Parce que JM du Standard a dit que c'était tout à l'heure. Un verre. Hein. Mais c'est un verre aussi. Un verre, ouais. Boire un godet. Nous, on a fait tomber un catamaran à l'eau. Du coup, la pièce montée, on l'a refait. On l'a livré à 23h. Au lieu de 19h, c'était pour un mariage, donc c'était pas grave. Oui, c'était un qui avait fait tomber tout à l'heure, qui réagissait. Et là, on termine cette énigme. Réfléchissez bien ce que ça peut être. Ceux qui la veulent préparent la guerre. Il faut qu'elle soit dans les ménages. Certains militent pour elle. Les Indiens fument son calumet. La police est son gardien. Et certains veulent la voir. Qui suis-je alors? Guillaume, donc, est la bonne réponse au 612. Est-ce que ça serait une arme? Pas du tout. C'est pas ça alors. Qui suis-je si c'est pas une arme? Guillaume est la bonne réponse au 612. Une scène 06 40 51 05. Est-ce que c'est une scène? Et c'est encore. C'est pas ça, mon Lino. Est-ce que c'est un juge? Et non. Est-ce que ça serait un canon ou un tank? Non. Ceux qui la veulent préparent la guerre. Il faut qu'elle soit dans les ménages. Certains militent pour elle. Les Indiens fument son calumet. La police est son gardien. Certains veulent la voir. Avant qu'on joue au jeu des faits divers. Ah ouais. Flo qui s'occupe des cadeaux d'énergie justement, enfin de notre émission Flo des cadeaux. Ouais. On a un jeu des faits divers ce soir. Ouais, c'est ça. C'est un spécial fille. Tu as 10 histoires de meurtre glauque et tout ça. Ouais. Et ce soir c'est spécial fille. Ouais, c'est girly. Et c'est pas les moins sales. Alors c'est les tueuses ou c'est des gens qui ont été tués qui étaient des filles? Alors il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Mais en général, bien. C'est des tueuses. Ah, c'est vrai. Ah, il y a des tueuses. Ah ouais, et c'est les plus sales que j'ai vues. Ouais. Mais il y en a moins normalement, non Bah écoute, il y en a moins, mais quand il y en a une, c'est assez corsé comme histoire. Parce qu'on a un spécialiste des serial killers qui vient de temps en temps, il s'appelle Stéphane Bourgoin. Il est fort. Et on lui avait demandé, il avait dit quand même qu'il y avait quand même beaucoup moins. Il y en avait, mais c'était quand même en proportion, c'était quand même beaucoup moins que les des infirmières de la mort. Ah ouais, c'est elle qui tue les. Ouais. T'as le mec qui connaît par cœur son dossier. Les infirmières de la mort, Guillaume. Tu peux pas connaître. Tu me connais pas. Ouais, des infirmières de la mort, c'est des infirmières qui tuent leurs patients. En général, c'est ça. Alors, Guillaume, donc, est la bonne réponse au 612 de cette énigme. Lino, est-ce que ça serait. Il y en a qui dit la paix, tout simplement, là, le calumet de la paix. Eh oui, bonne réponse. Allez, on fait un tirage au sort. De thunes de voyage, j'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. Allez, on appuie sur le bouton JM du standard. On tape P-A-I-X. Mon Lino. Alors, attends, tu sais quoi? On va le refaire, Lino, là. D'accord. On va faire un truc ensemble, d'accord? Je vais appeler le numéro au hasard. Hein, ça peut être le premier, le dernier message. Dès qu'il y a quelqu'un qui répond. Moi, je parle pas. C'est toi qui dis bonsoir, c'est Lino, enchanté. Mm-hmm. Bienvenue sur Énergie dans Guillaume Radio 2.0. C'est toi qui anime, d'accord? Tu te présentes et tout. Ah ouais. Ça te va ou pas? D'accord. Ça te va? Ouais. Mais je dis quoi? Bah, enchanté, comment tu t'appelles? T'as tu gagné. Fais quoi dans la vie? T'as quel âge? Bah, tu viens d'où? T'es né où? T'as une meuf? T'as pas de meuf? T'es célibe? T'as pas de célibe? T'as une moustache? T'as pas de moustache? T'as pas de coupe mulet? Tu vois, tu poses des questions, tu vois, tu parles au mec, tu fais du sport, t'aimes ça? Comme un pote, quoi. Voilà, t'as une bonne bande de potes, comment ça se passe? Tu pars en vacances cet été, regarde, on est le 27 juin. Il fait moche, il fait beau. Mais t'as vu l'Irlande en train de. L'Islande, même 2-1 pour l'instant. Il reste un quart d'heure. L'Angleterre. Ça se précise le truc. Ah ouais. C'est à l'Islande France. C'est comme par hasard, il y a le Brexit et comme par hasard, l'Angleterre va se faire éliminer. Moi, je trouve que le foot, ça ressemble pas du théâtre. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Je ne dirai rien. Ah, le Brexit, j'ai vu. Pas envie d'avoir l'accident de moto, mais je dis quand même que. Bah là, il sort de l'euro en foot. Non, mais en plus, je dis ça, mais je rigole. Il y a un rapport, peut-être. Ah, il vient de se rendre compte. Comme le mec, on dit, le Père Noël n'existe pas, il fait bon. Ne me laissez pas seul parce que je suis trop grand berger. Tôt ou tard, les loups seront mangés par le berger. C'est la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Ces crènes arrivent au hasard, donc pourquoi aller? Je fais ce que je peux pour mes potos et je pense qu'ils peuvent pour moi. Allez, on y va, mon pote. Lino, tu lui annonces et tout le gagnant, et moi j'arrive quand je veux, d'accord? Okay. Allez, bonsoir à toi, comment tu t'appelles? Enchanté. Allez, c'est toi qui fais l'animateur. Ça va sonner chez l'un d'entre vous en numéro caché, mon Lino. On est tous suspendus à ta moustache. Ouais. Attends du V, c'est parti. Allô? Allô. Oui, bonjour, c'est allô. Lino de Guillaume Radio 2.0. Comment tu vas? Ah putain, t'as pas de bol. Je vais intervenir, Lino, parce que t'as pas de bol, il capte mal. Ouais, tu m'entends? On l'entend mal. Ouais, coupe la radio, Frangin, parce que sinon on va t'entendre. Si tu vas laisser 20 secondes de blanc, ça va nous. Ouais. Ça nous casse déjà les couilles. Non, je pense en fait qu'il capte pas. Ouais, je pense que c'est un routier qui roule route, crois, et qui capte on pas. On va le rappeler. Nous sommes en direct. Je vais essayer, il y a toujours 2-1. Il reste 13 minutes. Ouais. 2-1 pour l'Islande contre l'Angleterre. Ça veut dire qu'on va faire France-Islande. Ah, pour l'instant, c'est France-Islande dimanche. Imagine si on perd après. Mais les fameux supporters très sympas, c'est les Irlandais. C'est les Verts. Ah putain, merde, on a pas de cul là. Mon Lino, on a pas de bol là. Ah ouais, on va essayer. Voilà, putain, en plus, tu te rends compte, il gagne un cadeau à 1000 boules et il capte pas pour répondre. Allô. Ah, c'est bon, je t'entends, tu m'entends ou pas? Arrête-toi. Ça va ou quoi? Ça va? C'est quoi ton prénom? Arrête-toi. Ouais, c'est Mika. Enchanté Mika, t'es en train de rouler là Mika? Ouais, attends, je m'arrête. Attends, vas-y, non, prends pas de risque, c'est bon, hein, c'est que. Mais les warnings. C'est que un jeu. Mais parce que tu vois, je pensais pas que t'allais appeler quoi, tu vois. Ah ouais. je comprends. T'as vu que ça marche pour de vrai, hein? Ah, écoute, ouais, bah, des fois tu doutes un peu quand même, tu dis putain, merde. Ouais. C'est normal d'avoir une période de doute dans la vie. Ouais, comme partout. Mais je vous assure que ça marche et qu'on est en direct et que c'est une émission qui se fait étonnamment de manière très familiale. Voilà, nous sommes ici en famille et on tire au sort avec un petit logiciel. C'est un petit téléphone en plastique. Ouais, ça fait rêver quand t'écoutes 0800 avec la grosse voix du mec des jingles. T'as l'impression que c'est Madonna qui répond. En fait, c'est Amina du standard. Ouais, avec JM du standard. On est là. En mode famille. Est là. Il y a deux combinés. On répond. Vous passez. Vous nous appelez. Oui. Non, mais c'est très étonnant de la manière dans laquelle elle est ouverte, l'émission. Je vous assure que c'est vraiment comme ça. C'est la première fois que tu passes à la radio, Mika? Non, je suis déjà passé, mais il y a 3 ans, 4 ans. Avec qui? Depuis le premier jour, en fait. C'est vrai? Ouais, depuis le mois de. Je crois que c'était le 11 juillet 2011, je crois. Ah, putain, c'est marrant rappelle. Comment vous connaissez. Ah, ouais. C'est un lundi. Parce que c'est souvent, on me le dit dans la rue et tout, je t'écoute depuis le 11 juillet. Comment c'est possible, quoi? Le 11-07. 11-11. Ouais, oui, mais merci, Franck. Non, mais c'est ça qui fait retenir. Non, c'est pas ça qui fait retenir. Le 11 novembre déjà. Moi, je connais pas la première fois que j'ai regardé une émission de télé ou une émission de radio. Ouais, pareil. Ça me fait super plaisir, quoi. Ça vous marque. Tu vois, comme si c'était. Comme si ça vous avait fait mal ce jour-là. Ça fait mal aux oreilles, tu vois. Comme une naissance. Oh. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, alors, et donc toi, Mika, tu as quel âge? Tu viens de quelle ville? J'ai 34 ans et je viens de Bordeaux. De Bordeaux, Bordelais? Ah bah, enchanté, ouais. Bordelais. T'es où à Bordeaux? Sur la route, c'est couillon, là. Attends deux secondes. Pardon, tu disais quoi, Guillaume? Non, pourquoi t'as quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je sais pas, il y a des gars en train de faire. Je sais pas, ils sont à genoux par terre sur le bitume, là. Je sais pas. Non. Non, si, il fait caca, je crois, le mec, mais il est con. Lui. Non, c'est vrai. Il est en train de caguer, quoi, sur le parking. C'est quelle route? Sur le National 10, ça a l'air une station de service, là. Ah, d'accord, d'accord. Ah, ouais. Crado, quoi. Putain, d'accord. Ah, ouais. Il fait quelque chose devant. Silence. Oh, bah, enchanté. Tu viens d'où à Bordeaux, Mika? Bordeaux centre, en fait. Bordeaux-Lac, si tu connais. Bordeaux quoi? Bordeaux-Lac. Ah, bah oui, bien sûr. Ouais. Bah, mon père, il travaille à Auchan-Lac. Ah bah écoute, c'est là où je fais mes courses. C'est derrière les Aubiers. C'est ça, tout à fait. La cité, ouais, bien sûr, bah attends, t'es 7 ans là-bas. Bah, dédicace à tous les Bordelais. Hein. Gros bisous, 102.4 fréquence bordelaise. Les Quincons. Les Quincons. T'as mes chimes, juste en arrière. Il me reste, il ferme un œil. Pourquoi tu. Il a l'agonie, on dirait, quand tu parles. Non, mais il me reste. Mais on passe les Quincons. Parce que je suis pas sûr. Toi, tu vas vieillir vite parce que ton visage, tu le tires comme une pâte à modeler. Ah, mais pourtant, ça va, en 5 ans, je suis pas trop changé. Bah si. Non, mais alors le mec, il se branle. Non, mais non. Il a changé. Sur les photos, dire c'est que. Non, mais. Je te dis pas que je suis devenu beau, hein. C'est pas ça, hein. Non, mais c'est parce que c'est en fait les effets sur ton corps, tu les verras à partir de 30 ans. Ouais. Et avant, tu verras pas trop, quoi. Ouais. Mais donc bon, bref, la plastique. Ouais. Bah, dédicace à tous les Bordelais, en tout cas, là. Hein. Tu roulais jusqu'où toi ce soir, hein, Mika? Ben là, j'allais à Lille, en fait. Je fais Bordeaux-Lille, là. Ah ouais. Ah ouais. C'est loin. Ah. Et là, t'es arrivé ou tu repars déjà? La grande place. Non, je suis à peine parti. Je suis à peine parti. Il y a quoi? Il y a 3 heures. Donc j'ai encore toute la nuit à rouler jusqu'à demain matin. Vas-y, bah dédicace alors. Hein. Bah, bon courage, en gros. Hein. Et du coup, tu connais bien l'émission et tout. Ça t'arrive d'écouter régulièrement là? Ah bah, tous les soirs et en podcast. En podcast, quand je peux pas écouter quoi. Mais sinon, tous les soirs. C'est vrai. Ouah, trop merci, sympa. Merci beaucoup. Et là, bon bah du coup, t'es déjà passé à 3-4 ans avec nous? Ouais, il y a 3-4 ans, j'avais gagné une GoPro, pour se dire, donc il y a longtemps, ouais. Ah, t'avais gagné une GoPro déjà? Ouais. T'as gagné, ah, toi. Donc tu vois que ça marche alors, tu savais que ça marchait alors. Et tu oses marronner, quoi. Ah. Donc c'était une semi-surprise. Ah, ouais. Alors, c'est marrant, c'était il y a 3 ans alors, comme quoi ça marche, hein, quand vous jouez. Ouais, il y a longtemps, ouais, il y a vraiment longtemps. Bah, c'était les toutes premières GoPro que tu avais fait gagner, je crois que c'était la Hero 3. Ouais. Bah non, c'est toujours les 3, hein. Non, c'est la 4, t'as raison. Ouais. C'est les drones, les 3. Attends, ouais, je confonds tout. Et il y a la PS4 maintenant. Il y a trop de chiffres. Je suis content pour le drone, sérieux. En plus, alors, toi, t'as vraiment une chatte, mon ami, mais sans nom, puisque si t'as déjà la GoPro, je t'aurais offert la GoPro plus le drone. Ah ouais. Les cadeaux. Faut croire que, ouais. Elle marche plus, ta GoPro? Si. Non, c'est le drone que j'ai explosé. J'avais un drone et en fait il s'est envolé tout seul. Je sais pas où il est parti. Ah ouais, ah, c'est peut-être aussi le pilote qui l'a fait. Sûrement. Y a-t-il quelqu'un pour piloter un drone? Et en tout cas, mon pote, je te l'envoie demain matin. On va te faire le colis, d'accord? C'est trop plaisir. Et on te l'envoie. T'as le drone ou quoi? Avec plaisir. Bon, et je te fais une bise, mon poteau. Je te repasse Flo des cadeaux. Ouais. On va te faire le colis. Tu veux faire une dédicace avant de t'en aller? Bah, une petite dédicace à ma copine, peut-être qui écoute là, et puis bah, aux potes là, puis aux collègues des transports LG. Vas-y, y'a pas de problème, dédicace à tout le monde, hein. A bientôt, mon Mika. Salut, mec. Ciao, poteau, ciao, bonne route, hein, et bonne route à vous tous, hein. Eh, Lino, tu veux faire une dédicace avant de se faire, Maître Gims? Ah, ouais, j'ai vu. Ah, t'es une copine ou pas, Lino, toi? Non, depuis 4 mois. Oh là là, t'es sérieux, t'en as une avant, c'est grosse bien. Grosse relation. Et ça s'est terminé au bout de combien de temps, ta précédente concubine? Le divorce. Deux semaines, moi, ça tient pas beaucoup, les relations. Ah ouais. Ah, t'es comme ça. Et ouais. Pourquoi? Parce que t'es un mec un peu facile? Pourquoi? Comment ça se termine? Non, c'est pas ça, c'est que moi j'aime pas les relations trop longues. Ouais, t'as peur un peu. Ouais, t'es un peu un cutard. C'est ça, en fait. Ouais. Je me dis, à mon âge, de toute manière, ça va pas être à vie. Donc ah, j'ai mais t'as un peu raison. Ouais. Ah bah attends, c'est rien, Lino. Ça sert à rien d'être avec une fille, sachant que de toute manière, on va se quitter à un moment. C'est pas obligé. Ouais. Ah, il y a là, non, mais alors, ah, si, non, malheureusement. Mais là, non, mais là, tu veux qu'on parle de ta vie? T'as un supplice, non, et Amina du Standard qui dit bah, si, c'est possible. Bah, on sait jamais, moi, je crois. C'est quand même rare, à 12 ans, que tu rencontres l'amour de ta vie. Ah, ouais. Voilà. À la télé, il y a des trucs comme ça. J'ai des pas fois. Te. C'est des acteurs. Ne vis pas dans les anges atterrités. Ce n'est pas la vraie vie. Dans les films. Parce qu'Amina du Standard se base sur sa vie, sur les anges. Alors, je ne dis pas la gueule de chez elle. Merci, je ne dis pas la gueule de ses potes, déjà. Non, ils sont normaux, c'est les seuls. Tous les culs en l'air et tout. Tu me rends pas quand j'envoie un SMS, tu le reçois longtemps après, du coup j'avais la réponse. Tu l'as pas lu, salut Louise. J'ai l'impression que j'ai un cochon dans l'équipe, j'ai le standard. Ah ouais? Dès qu'il savoure la blague, il tu te rends même plus compte quand tu. Je l'ai fait là, non? Là, très fort. Ah oui, ouais. C'est vrai? Non. Mais oui. On dirait que t'as vécu 7 ans partout en France. Non, j'ai vécu 7 ans à Perpignan, 7 ans à Bordeaux, voilà, c'est pas compliqué. Ouais. Hein. Et 5 ans au Havre, voilà, non, mais à peu près pareil. Je savais pas que tu étais animateur à la télé de W9 Top 30. Ah non, mais alors, et ça fait 150 fois qu'ils diffusent le truc. Oh. Ah, ce soir. Je te jure, c'est une multidiffusion. Ah, la bande, elle doit être usée. Ouais. Oh. Elle s'est vue il y a pas longtemps aussi. Ouais, bah, elle s'est diffusée hier. On a enregistré l'émission et puis c'est diffusé tous les ans et demi. Ça fait un an et demi. Hein. Ouais. C'est bien. Mais ça vient de se faire 2 ans et c'est diffusé, mais genre 5 fois par vacances. Quoi. Tous les 3 mois. Et ils kiffent. Et il y a toujours autant de monde qui regarde et tout. Bah, c'est, voilà, parce que vous kiffez. C'est bien, c'est top 50. C'est sympa. C'est de la musique. T'es en famille, t'es entre amis. Oui, tu chantes. Ça s'enchaîne, c'est des artistes et tout. C'est pas PNJ, tout ça. Salut Guillaume, salut les mecs, à cause de votre canular à la con. J'ai usé mon crédit, mais j'ai eu peur que vous soyez mangé par le lion. Salut gros. Ah salut. Ah, je suis désolé, on a fait croire qu'on se faisait manger par un lion il y a quelques jours. Salut Théo de Villeneuve-sur-Lot, aussi dans le 47. Big up, salut. Bisous. Alors on se raconte un petit peu nos histoires. Et Lino, alors pas de gonzesse alors. Toi, t'es la gonzesse, t'oublies toi. Bah, c'est pas mon style, c'est pas mon genre. Ouais. J'aime bien dire le mot gonzesse, ça m'énerve un peu, je trouve ça moche. C'est, j'aime bien un les mots moches. La gonzesse. Ouais, ça fait vraiment. Ouais, ça fait penser au tonton dans le sud. Ouais. Alors, t'es la gonzesse, ça. La petite. Il est lourd, ce mec. Il est lourd. Ah oh, putain. Et alors, attends, mon Lino, là. C'est quoi ton genre de nana, toi? Qu'est-ce que. Genre, si je te. Je sais pas, une star que tu trouves jolie en nana. Oh. Il y a. Je sais pas trop. C'est sympa, ça me dit. Ou une chanteuse. Ouais, une chanteuse, ouais, toi. Sportive. Ou un personnage de jeu vidéo. Il ouais. Y a Selena Gomez qui est pas mal. Ah, elle est belle. Petite brune. Son dernier clip, ouais. Ouais. Ah, son dernier clip. Oh là là, ouais. Ah, j'ai pas vu son dernier clip. Qu'est-ce qu'il a, son dernier clip? Elle est dangereux, ouais. Ah, il est dangereux. Oh là là. Mais le ringard. Non mais c'est pas possible. Tu veux que je dise quoi? Non, mais c'est énorme, c'est que JM du Standard, pour vous dire, on est allés ensemble tous les deux à Bastia ce week-end pour animer le truc et tout. Et à un moment donné, on rencontre un mec complètement bourré sur une place. C'était un ancien copain de JM du Standard de l'époque. Poteau, ouais. Oui, bah un ancien copain, un poteau, c'est pareil. Un poteau de l'enfance. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et le mec complètement rebou, mais alors bourré de chez bourré. Par hasard, vous l'avez croisé? Non, il a envoyé un message, il a dit on est vers la place et tout, il arrive, mais le mec il titubait et tout, il fait ah, ça va bien. Il était à l'apéro depuis 6h. Attends, il était à l'apéro depuis 6h, il était minuit et demi, une. Ah ouais, donc il était en forme. Non, mais le mec, attends, et donc le mec il arrive, il fait putain, ah il est sympa ce JM, ça m'a fait du bien de le voir. Bon, il faut le dire, hein, il est vite au lourd. Hein. J'ai dit, ah bah c'est un vrai pote, le gars. Salut Guillaume, tu te rappelles pas Tex, tu serais. Attends, heureusement que tu t'appelles pas Tex, t'aurais été un soutif Playtex. Ah ouais, c'est Playtex, c'est une marque de soutien-gorge, c'est Choupiné de 34 ans. Salut, gros. Lui, il va devenir un bon enculé putain, Mandorère Thiago du 93. Salut. Les femmes, c'est très surfait, y'en a qui dit. Voilà. Ah ouais, non, mais tu t'as raison, mon Lino. Hey, c'est pas à 12 ans que tu vas te mettre en couple pour la vie. Non, mais attends, moi j'ai un pote qui s'est mis en couple à 13 ans, il a eu un enfant avec la fille à 16 et tout, donc ça peut arriver. Ah ouais. C'est rare, mais. Non, mais il y a des histoires après. Gens, ouais, chaud, bah, ouais, mais il a pas choisi, tu sais. Parfois il y a des débuts de grossesse, la capote est pète, parfois tu vois pas. Enfin, il peut y avoir plein d'histoires, tu sais, à la con. C'est chaud quand même. Mais en tout cas, mon Lino, c'est vrai que t'as raison, il faut en profiter un petit peu et puis tu te mettras en couple quand t'auras l'envie de te mettre en couple. Mais c'est vrai que amuse-toi, faut pas se mettre en couple trop tôt, ça sert à rien. Ouais. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est pas comme ça que. Voilà, t'as le temps en plus. Hein. Voilà, exactement, j'ai envie de te dire. Profite de l'instant présent. Ah, t'es philosophe. Tu la trouves comment, Amina du Standard, physiquement? Sympa. Ah, c'est horrible ça, j'adore. Non, c'est vrai. Et tu le trouves comment, Julien Stagiaire? Attention, mec. Oh, il est trop mignon. Ah. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Alors, ça va, je prends comme un compliment. Attends, il y en a qui dit Jérôme du stagiaire parle de sa vie qui n'a pas marché. Attends. Ah, c'est qui? Non, non, il y a Julien le stagiaire. Voilà, salut tout le monde. Et Jean-Marc, JM du standard. Voilà, Jérôme du stagiaire. JM. Désolé, les gars, je sais que c'est compliqué et tout. Bye bye l'Angleterre, Grégo. Non, non, il reste une minute. C'est le Guillaume Morgan Serrano, ton patron a dit que t'étais renouvelé sur Twitter. Alors, oui, mais j'ai toujours pas eu mon contrat. Donc, moi, ils m'ont dit qu'ils avaient envie de continuer, très envie, tout ça. Moi aussi, hein, j'ai très envie, j'adore ici, je m'amuse bien, on s'amuse bien ensemble et tout. Le seul truc, c'est que j'ai pas travaillé au black. Hein. Sur l'énergie quoi. Donc j'attends mon contrat, donc je vais pas vous dire que j'ai signé, ça serait vous mentir. Donc, ouais, bah oui. On sait jamais dans ces milieux-là, tu sais, il suffit que sans faire exprès, je fasse tomber du café, mon café sur le fils de mon patron, et puis d'un coup, je peux me retrouver illico presto, me retrouver à être animateur sur RFM. Ah oui, et là, c'est le drame. Et là, je ferai le RFM. L'engrenage. Tour, je vais me retrouver des stylos qui écrivent pas, je vais me retrouver. Des micros qui marchent pas. Attends, je vais me retrouver envoyé du Nolwenn Leroy. Non, c'est un mauvais exemple. Je vais me retrouver envoyé du. J'en sais rien. Moi, bah putain, à l'ancienne, les années Céline 80. Dion. C'est qui fait les tournées années 80? Jeanne Masse. C'est ça, ouais. Ouais, ça va. Désirless. Voyage. Chante, chante, chante ce refrain qui te plaît. Oui. Allez, bienvenue. Attends. Et bienvenue sur le Party Live. Party for life. Ah, non, c'est quoi ça existe. Ouais. Attends. C'est la 80e partie. Bienvenue sur la 80e partie. On se fait les plus gros hits des années 80 et 90. Et dans un instant, une nouveauté, Yakalelo. Et le petit jeune vient d'arriver, Michel Sardou. D'ailleurs venu chercher le repos de l'âme, mais pour le cœur un coup de meilleur. Et c'est terminé l'Islande. Oh là ouais. Et on joue contre l'Islande. C'est énorme. Être en demi-finale de la Coupe d'Europe. Ah, attends, il est pas encore De l'Euro. C'est bon. Attends, ça ferait plaisir. On dit Coupe d'Europe ou pas? Non. Si, ouais, c'est l'Euro. C'est l'Euro. En vrai, c'est la Coupe d'Europe. C'est la Coupe d'Europe, c'est plus pour les clubs. On s'en bat les clubs. On s'en bat un peu tous. On peut l'appeler la Coupe du Monde aussi. On peut aussi dire la Coupe du Monde. On peut dire le foot aussi. Bon, et en tout cas, non, ça fait super plaisir. Ouais, c'est l'Islande. L'Islande, voilà. France-Islande dimanche, 15h. C'est énorme. C'est pas fini. Non, 21h. Au Stade de France. Je te dis. À 15h, tu peux y aller. C'était dimanche que c'était à 15h. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, cette semaine, c'est 21h. Ouais. Je vais y aller. J'ai une invitation en plus. C'est mon premier match de foot depuis très longtemps. Salut, bonne nuit demain. J'ai 3 évals à 8h. Putain, gros bisous. Merci beaucoup pour le message. Qu'est-ce qu'il y a, Lino? Tu parles à qui, Lino? On t'entend. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Hey, t'es à la maison ici. C'est ton émission. Oui. Hein. C'est au top, Lino. C'est combien de temps que tu me connais, Lino, émission là? Oh, ben pas longtemps. Ça doit faire un an, peut-être. Ah ouais? C'est déjà bien. T'as découvert comment, toi, mon Lino, là? Bah, en fait, si tu veux, une première fois, je t'ai écouté. Ouais. Et en fait, j'ai fait une connerie. C'est qu'en fait, je t'ai envoyé un message et je pensais que c'était gratuit. Ah. Et je t'ai envoyé un message. Et parce que moi, direct, je pensais qu'on se connaissait et tout. Je pensais que j'avais vu dans la rue et tout. J'étais parano. Et la plupart du temps, je t'écoutais pas en live. Je t'écoutais sur YouTube. Ah ouais, putain, et c'est par des potes que t'as découvert l'émission? C'est comment ça s'est passé? Voilà. C'est par des potes. Ah putain, c'est énorme. Merci les potes. Ouais, hein. Merci. Grâce à YouTube. Hein. Ouais. Et tu fais du sport? T'as une voix à faire du sport? T'es sportif? Ouais, je. Qui a Je fais beaucoup de sport. Ah non, c'est pas moi. C'est toi, Mylène Sandard. C'est moi, pardon. Toi, t'es allé dans le micro. Non, mais elle prend même plus la tête de tourner. Même plus la tête. Je crois que t'avais rigolé. Je te jure que c'est pas une vanne. J'ai un problème depuis 4 jours. J'éternue en continu. Je peux plus me retenir. Non, mais ouais, elle l'a pas vu arriver? Non, mais c'est une catastrophe. Je croyais qu'elle rigolait. Non, mais en fait, t'es rot en même temps. Ah non, mais il y a tout ça. C'est trop chelou. Ah, c'est explosion là, de mon corps. C'est horrible. Rien. Alors, vas-y, excuse-moi, mon Lino. Tu sais du sport, tu sais quoi? Ouais, je fais du foot. Ah ouais, donc tu suis un peu la France ou pas du tout? Je regarde pas le foot, mais je fais du foot. Ah bah pareil que toi. Ouais. J'adore jouer, mais je regarde pas. Ouais. À part quand c'est le. Ouais, là, tout le monde regarde. À partir de la demi-finale, je regarderai. En quart de finale, je vais regarder. Là, c'est dimanche. Dimanche 21h. Voilà. Salut l'équipe dédicace, c'est l'équipe de Saint-Germain-en-Laye. Je vais vous dire que j'ai un problème de jambe et on ne trouve pas ce que j'ai et je souffre. Et bah, laisse-moi ton numéro, je vais t'appeler avec plaisir. Bon courage. Vous pensez qu'on va gagner contre l'Islande, du SSG1? Je sens que l'Islande, c'est la surprise. Après, oui. Après, malheureusement, oui, la France va passer dimanche, mais après, il y aura l'Allemagne ou l'Italie. C'est à la maison. C'est à la maison, au Stade de France. Non, oui, mais. C'est la folie. C'est la folie. Ils ont galéré hier. C'est pas grave, tu vois. Ils ont galéré avant. Ça les a mis en confiance à l'Allemagne. On sent qu'on est limite quand même. Ils galèrent trop. On est limite, mais on passe à chaque fois. L'Islande, ils sont sereins quand même. Il y a le Brexit aussi, là, vendredi. L'Angleterre qui est sortie. Ils sont en forme, les Anglais, là. Est-ce que c'est 1900 le Brexit? Non, je sais pas. Non, mais t'as pas allumé du tout les infos depuis une semaine. Non, non, j'étais en autarcie, là, tout le week-end. Sur Facebook, il y avait Brexit. Non, mais tu peux c'est pas. Un pays en Amérique du Sud. Non, c'est pas possible. Ah merde. De quoi? Non, c'est vrai. L'Angleterre qui sort de l'euro, oui, ouais. Ça je sais. Non, ça, pas ça, au ça, foot. Non, je parle pas de foot, je parle de politique. Ah, bah aussi, oui. Ah, bah oui, c'est ce que oui, oui. Les deux, du coup. Ah, L'Angleterre, l'Europe. Ouais, le Brexit, ça s'appelle. Oui, bon. Et non mais t'as pas vu aux infos du tout, ça si, tombe partout, même sais. Sur Facebook, je sais pas, moi j'allume Twitter, oui. Facebook, ils ont voté dimanche. Non mais effectivement oui, j'ai vu que ça avait été voté et qu'ils sortaient de l'euro, mais j'avais pas entendu le terme, non. Eh ben très bien. Salut, est-ce que les messages ça, eh ben, alors, allez, si vous voulez passer les gars, vous êtes à la maison hein. Je vais vous faire une photo avec la cagoule Tortue Ninja dans 2000. Ah la tête que t'as. Je vais vous faire ça putain, avec le casque et tout là. Les grosses bon, oreilles. On va se faire mon lino là, on va se faire ma beauté et je te repasse Amina au standard pour te prendre le cadeau, d'accord? D'accord. Moi, tu fais un petit truc. Je t'embrasse, mon Lino. Tu veux faire une dédicace avant de partir en vitesse? Ouais, je veux bien. Donc, dédicace à Thomas, à ma maman, où aujourd'hui c'est son anniversaire. Ouais. Donc, aussi à mon papa, à Hugo. Bon anniversaire à ta maman. Bon anniversaire. Ah, d'accord, merci. Et ouais, comment s'appelle ta maman? Elle s'appelle Séverine. Eh ben une bise à Séverine. Bon anniversaire. Salut, Séverine. Bon anniversaire, madame Séverine. Ouais. Eh ben une bise. Et dédicace à Maury, parce que grâce à lui, j'ai pu passer à la radio. Ouais, eh ben y a pas de problème. Dédicace. Putain, on est en train de mettre les cagoules. J'ai une sandale, ça lui fait une tête. Touche. Ah ouais, je le trouve beau. Ça me va pas les bonnets. Putain, mais alors là. T'as pris une tête à bonnet. Eh, bah t'embrasses à Maury pour moi, Lino. Ok. Ok, je t'embrasse, mon pote. Bon courage hein, pour la 5e l'année prochaine et tout. Et si tu veux repasser avant, t'hésites pas. Tu fais quoi cet été? Tu pars en vacances? Tu fais quoi? Non, je vais pas bouger parce que j'ai des travaux. Ma mère, elle prévoit une super maison, une nouvelle maison. Là, c'est une grange, en fait, c'est que des ruines. Ouais. Et ça va prendre à peu près un an. Et là, dès cet été, on s'y met à fond. D'accord. Donc, bon, et eh ben alors, bossez bien les travaux, là. Je t'embrasse, mon poteau. Je t'en passe à Mina au standard, ouais. Ok? Oh, okay. Allez, un bisou, à très vite. Salut mec. Ciao gros. Okay. On se fait Gims maintenant, ma beauté. Juste après, on fait un jeu qui s'appelle le jeu des faits divers. On va jouer avec deux d'entre vous qui allez représenter le peuple. Vous allez devoir dire vrai ou faux. Il faudra à chaque fois savoir si c'est vrai ou faux, des histoires de meurtres et de faits divers. Flo des cadeaux. Tu vas nous raconter 10 histoires. Ouais. C'est toujours sur le thème des femmes. Que avec des filles, ouais. À chaque fois, ça change. Hein. La semaine dernière, c'était la Belgique. La semaine dernière, c'était. Voilà. Les animaux. Ce soir, c'est les femmes. On va voir si c'est vrai ou si c'est faux. Il me faut deux joueurs, les gars. Vous venez jouer avec nous en 2 minutes. Vous m'envoyez Guillaume et je avec votre numéro au 612. Maintenant, je vais vous appeler tout de suite. Guillaume et je avec votre numéro au 612. Attends, on a passé que deux morceaux depuis une heure et demie. Hein. Bah, que deux, ouais. Là, c'est trois du coup. Voilà, c'est musical. Allez, on se fait plaisir. On se fait Gims, ma beauté. Guillaume et je avec votre numéro au 612. On vous appelle, on speed, on vous appelle, on prend deux d'entre vous. Venez jouer avec nous, vous aurez juste à dire vrai ou faux. On se fait Maître Gims, ma beauté. Les One Republic, on est ensemble jusqu'à minuit tous les deux. À 21h minuit sur Énergie jusqu'au 15 juillet. Je t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais. Je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais ce n'est pas d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent, tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté, repose-toi, ma beauté, repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté, repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Laisse-moi de... mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne, fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, et dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Avant à la radio, vous aviez l'habitude de vous ennuyer. Eh ben on est désolé de casser votre routine. Parce qu'ici on fait tout le temps n'importe quoi. Tous les soirs, 21h minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 en direct sur Énergie. Et avec Mom. On se fera les One Republic après aussi, on se fera plaisir avec Wherever You Go, Wherever I Go, pardon, le nouveau One Republic. 22h58 les gars, bon courage si vous rentrez, si vous sortez aussi entre potes et tout là. On est à l'ancienne ici, hein, en mode famille, le soir, vous passez avec nous, vous nous appelez. C'est gratuit sur le standard si vous nous appelez depuis un fixe, 0800 70 42 48. On va retrouver juste en 10 secondes avant de faire le jeu des faits divers. Vous avez été hyper nombreux à nous appeler. Il y avait Damien qui était là, 25 ans, du 76. Bonsoir Damien. Allô. Romain, 15 ans après. Ça va ou quoi, salut, Damien? Tranquille. Salut. Ça va, ça va. Enchanté mon Damien. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. Elle était là, Vita, avec ouais, nous, Énergie Music Tour de Bastia. Là. On a bien rigolé. Ça va, tu fais quoi dans la vie, Damien, toi? Moi, je suis cuisinier. Cuisinier? Ok, très bien. Ouais. Et tu bosses dans le 76, c'était pas loin de Rouen, alors, du Havre? Je suis à côté de Rouen, à 30 secondes en voiture. Donc. C'est vrai? Ah putain, côté. On est venu dimanche dernier faire l'émission, on a trop rigolé. Ah, c'est trop bien. J'étais là. T'étais là? J'étais là. Ah, sérieux? J'étais là, oui. Ah, oui, j'étais on là. Vu. Ouais, trop sympa, mec, merci. On s'est vu, on a fait les photos et en moto, oui. En moto, moi. Je me rappelle de toi. Et mais oui, bien sûr, avec un blouson noir. Bering. C'est ça. Un gros blouson noir en moto. Hey, ouais. On a parlé bécane. Oui, c'est vrai. Eh avec, oui, un Ducati branleur. Exactement, un Ducati de branleur. Mais ouais, putain, c'est trop drôle. Hey, ça fait trop plaisir quand on fait des émissions. C'est pour ça, comme ça, après, quand on s'est déjà vu, on se rappelle un petit peu des visages. On se connaît après. Bah ouais, c'est ça. Moi, voilà, je vous écoute depuis tout le début, la première émission, vraiment. Donc, il fallait vous voir. Hein. C'est trop cool. Et ça t'a plu, ça va, de venir voir et tout l'émission? Ah ouais, vraiment. J'aurais bien aimé passer toute l'émission avec vous, mais bon, on était là quand même. C'était déjà vraiment cool. Il y avait beaucoup de monde. Hein. Et il fait chaud. C'était vraiment blindé. Ouais. Ça nous a fait vraiment, on a trop kiffé et tout. C'était génial, quoi. Bon, en tout cas, bienvenue à l'antenne, hein, gros. Et tu voulais réagir par rapport à ce qu'on disait juste avant, les conneries qu'on avait fait au boulot, en boulot d'été et tout, là. Ouais, donc en gros c'est pas une connerie volontaire, hein, c'est plutôt involontaire. J'ai en fait mis le feu dans la cuisine en fait. Donc comme je suis cuisinier, voilà, j'ai mis le feu au piano en fait, tout simplement. Donc, le piano c'est là où il y a les. C'est la gazinière, quoi, non, ouais. Voilà, c'est une gazinière qui fait quand même on va dire 3 mètres de long. Ouais. Donc avec au moins 6-7 feux, des plaques, des friteuses, de la grillade, tout ça. Et comment t'as mis le feu à ça? Et en fait, voilà, justement, le fourneau était pas très, très bien adapté. Donc, déjà, il avait 35 ans, le fourneau, environ. Donc, ouais, un bon vieux fourneau. Et en fait, la grillade était collée à la friteuse. Ouais. Et donc, du coup, toutes les graisses coulaient entre la grillade et la friteuse. Et les graisses brûlées, bon, il y a un moment donné où ça prend peu, quoi. Donc, il a fallu que ce soit moi le jour où j'étais à la grillade. Et ça a foutu le feu, en fait, à la friteuse en nettoyant la grillade, en fait. Ouais, mais donc, ça, tu peux rien, en vrai. C'est vraiment pas de chance. Oui, non, c'était vraiment pas de chance sur le coup parce que c'était moi. Et puis bon, j'ai un peu nettoyé à l'arrache la grillade parce qu'on est en plein service. Et il faut pas nettoyer à l'arrache, entre guillemets. Donc bon, et puis au final, ça a foutu le feu. Donc sur le coup, on avait déjà prévenu plusieurs fois le patron comme quoi qu'il fallait mettre une séparation, mais il voulait rien savoir jusqu'à ce que le feu arrive et puis qu'il dise bon, on va mettre une protection. Ah, c'est ouf. Ah, tu peux vite te brûler avec de l'huile. Dangereux, ouais. Ah, les friteuses, franchement. Ouais. Ah, attends, je voulais dire un truc. J'ai vu une vidéo, truc de ouf. Tu sais, il y a une blague à faire. Tu prends un sèche-cheveux, tu mets de la farine dedans pour un pote. Ouais. Et en fait, quand il s'en met, ça asperge le matin de trucs. Il y en a partout après. Et bah, il y en a un qui l'a fait, sauf qu'en fait, il faut savoir que la farine, c'est inflammable. Et quand c'est très chaud. Et bah, du coup, ça fait une flamme sur la tête de sa mère. Ouais. Dans les yeux. Attends, mon pote, une flamme, mon gars, mais alors à 2-3 mètres. Parce qu'en fait, c'est très volatile, la farine. Et en fait, quand ça arrive à une certaine température, il y a des matières comme ça, il faut chauffer un peu plus que les autres. Genre avec un briquet, tu n'y arriveras pas. Ouais. Mais si tu laisses pendant quelques secondes, ça va cramer. Ah, je savais pas. Et là, en fait, ça a fait une énorme flamme. Et alors, tu verrais, la mère, elle s'en fout. Elle a eu quoi, la mère? Elle est au niveau du lavabo. Donc, elle se met de l'eau, mais elle n'a plus de cheveux, quoi. Ah merde, et surtout sur le visage. La blague de merde. À ne surtout pas faire la blague de la farine. Moi, je voulais la faire à mes potes et tout. Je me suis dit un jour en caméra cachée. Ouais. Et en fait, non, parce que si t'as une flamme qui sort, mon gars. Ah, c'est chaud. En plus, le mec, il a filmé parce qu'il voulait faire une balle à sa mère. Mais il a quand même posté la vidéo, voilà, du coup. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est pas bien, il a buzzé. Enfin, il a voulu buzzer. Non, mais alors, sur le dos de sa maman. Ta mère, elle se brûle. Tu mets pas la vidéo sur internet. Regarde pour toi, quoi. Oui, il y a eu le Brexit et là, ils ont eu l'Euroxit. Adieu l'Angleterre. Ils sont sortis de partout. Salut, Jolin du 78. Bonsoir à toi, ma chérie. Bonsoir à toi. On t'embrasse très fort. Merci d'être là chaque soir aussi. Ça fait plaisir. On reconnaît un petit peu les blazi-blazou de ceux qui ont des messages régulièrement. Damien qui était avec nous. Et puis alors, il y a Elias et Simon qui sont là. Bonsoir, les gars. Enchanté. Salut les gars. Simon qui est là d'Olin et Ilyès qui est là de Montpellier, c'est ça les gars? Ouais, c'est ça, ouais. Eh bon, chantez les mectons, hein. C'est plaisir. Salut. Vous connaissez pas, hein. C'est deux lignes téléphoniques différentes, hein. On vient de vous prendre au hasard. Ouais. C'est la première fois que vous entendez vos voix. Alors Ilyès, tu as 15 ans, toi, c'est ça Montpellier, hein. Ouais, c'est ça. 15 boules. Et Simon qui est là, tranquillement, de l'un, qui a 19 ans. Tu fais quoi Ilyès dans la vie? T'es en troisième ou en seconde, toi? Non, seconde. Là, tu passes en seconde, là? Non, je passe en première. Ah ouais, bien. Putain, t'es en vacances, du coup. 3 mois de vacances, la chance. 3 mois sans branler les couilles. Ça c'est beau, ça. Tu fais quoi cet été? Tu bosses ou pas du tout? Non, je vais aller en vacances avec mes parents, partir en Espagne. En Espagne, trop bien. Ouais. Tu vas où? Non, je sais que tu connais, c'est Marina d'Or, c'est genre un complexe hôtelier avec un parc d'attractions. Ah, Marina d'Or? Ouais. Non, pas du tout. Non. Marina d'Or, attends, je vais regarder. Tu connais pas la ville? Non, c'est pas une ville, c'est comme un village artificiel. Ah oui, à Oropesa del Mar. Voilà. Ah ouais, ça a l'air sympa. Ouais. Ah ouais, putain, c'est bien noté tout ça, tu vas kiffer. Il y a des beaux hôtels. Il y a de l'eau partout. Ah ouais, c'est aquatique. Il y a de l'eau, il y a des nanas. C'est bien, mais. Qui vient? Tu pars avec qui? Avec tes darons? Ouais, avec mes darons, ma soeur. Ouais, t'as des frères et soeurs? Ouais, j'ai qu'une soeur, une soeur, 19 ans, et voilà. Trop bien. Eh ben vas-y, vous allez kiffer. Tu t'entends bien avec ta sœur ou elle est relou un peu? Oui, non, je pense ça va. On s'entend bien. Enfin, certes, c'est normal, on se dispute comme tous les frères et sœurs. Mais... Ouais, c'est clair. Ça va. Tu la tapes parfois ou pas quand elle t'énerve? Non. Merci bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Il faut pas. Elle fait 20 cm de plus que moi. Ah, c'est vrai? Attends, et Simon alors? Simon qui est là dans Yona, du zéro. Dans l'un. Salut Simon. Eh ben, enchanté. Tu fais quoi dans la vie, Simon, alors toi? Alors moi, je suis étudiant en BTS technico-commercial à Mâcon. BTS de branleur, ça. Ah ouais. Voilà, exactement. Non, je rigole, pas du tout. Non, mais c'est pas. Et en plus, je sais pas du tout. J'ai failli le faire. Je sais que c'est les mecs qui font vachement bosser et tout. On dirait pas parce qu'on dit vendeur, c'est facile, c'est pas vrai du tout. Et les techniques à apprendre. Non, mais attends, le technico, surtout, qui est compliqué. Comment aborder le client. Donc bravo à tous les mecs qui font le BTS. On vous fait un bisou, les gars. Alors attends, normalement dans les sèche-cheveux faut mettre du talc, pas de la farine, il est con. Mais pareil. Le talc, c'est de la farine un peu. Il ne faut pas mettre de poudre en fait dedans, ça prend feu maintenant. José du 26 là. Oui, de la farine mais du chocolat en poudre, c'est pareil les mecs. Il faut mettre quoi alors pour la blague? Et tu mets pas parce que de la poudre en fait ça prend feu, ouais. Tanguy du 60. C'est pas la blague quoi. Après 8 jours en Bosnie pour un pèlerinage, je suis heureux de vous retrouver, je suis conducteur de bus. Salut Reynald. Salut mec. Putain, énorme, t'as fait un pèlerinage de quoi en Bosnie, c'est ouf ça. On se raconte nos trucs hein. Alors, c'est qui parle? Simon ou Elias là qui chuchote? Quoi? C'est toi Elias? T'es avec quelqu'un Elias? T'es avec ta soeur? Non, c'est toi Simon? Moi j'ai des clignotants peut-être, c'est ça? J'entendais chuchoter. Alors les garçons, je vous explique le jeu, vous tous chez vous aussi, on joue ensemble. On est jusqu'à minuit, hein, ça va passer vite. Ouais, c'est vrai. Je vais mettre une petite musique de pute, une petite musique qui stresse. Ok? Allez, attention, on y va en mode putassier, hein, c'est parti. Je mets une musique comme ça, d'accord? À partir de maintenant, flow des cadeaux. Ouais. Il s'appelle Flo, vous avez compris. Il s'occupe des cadeaux, donc on l'appelle Flo des cadeaux. Normal. Pour ceux qui écoutent l'émission de temps en temps et qui reconnaissent. Flo des cadeaux, tu as écrit et tu as pris des vraies histoires. C'est un mélange de vrai et de faux. Ouais, c'est ça. Par contre, soit l'histoire est totalement vraie, soit l'histoire est totalement fausse. C'est ça. Tu ne modifies pas les histoires vraies. Non. Donc, tu vas raconter 10 histoires. Il va falloir savoir lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Simon, Iliès, vous me direz juste vrai ou faux, d'accord? D'accord. Ouais. Vous avez le droit de parler avec nous, hein, Gérard. Ouais, oui, vous avez le droit de dire attends, ouais, c'est ouais, bizarre, je trouve ça louche. Il a bugué. Ouais, ouais, il a bugué, il a l'air mytho. Voilà, ok. Alors, je vais mettre maintenant une petite musique paranormale, encore pire, j'en sais rien. Attends, tiens, même. Attends. Voilà, Flo les cadeaux, raconte une histoire de meurtre, c'est que en rapport avec des femmes. Ça fait plus la mafia, non? Ouais, mais. Il y a des meurtres avec la mafia. Il y a pas mal de meurtres avec les mafias. Ouais, ouais. Flo les cadeaux, première histoire, s'il te plaît. Et vous pouvez jouer avec nous, hein, vrai ou faux. Vous pouvez jouer entre vous, chez vous, ou pareil avec des potes et tout, si vous rigolez en voiture ou quoi, ou en famille. On t'écoute, Flo des cadeaux. Première histoire de fait divers ou de meurtre. Alors, ça s'est passé aux États-Unis, en Arizona, à Chandler. C'est une femme qui a essayé de tuer son mari qui était dans le coma. En fait, elle a essayé d'injecter son caca dans la perfusion et les infirmières sont arrivées juste au moment où les matières allaient rentrer dans ses veines. Donc du coup, il n'est pas mort, son mari, mais si jamais c'était rentré, il aurait été empoisonné. Donc en gros, elle avait une seringue et elle était en train d'injecter son caca dans la perfusion de son mari. Oh là. Alors, on va pas laisser paraître nos idées, nous, l'équipe. Ouais. On va d'abord demander à Simon et Iliès, nos invités. Iliès, vrai ou faux? Juste poser une question. Tu veux juste répéter la ville? À Chandler, en Arizona. Ok. Franchement, je dis. T'as une oreillette, Iliès? Non. On est sur ton fixe, là? Ouais. Ah, fais gaffe juste à pas souffler dans le téléphone. Ah, d'accord, ok. C'est pas grave, t'inquiète. C'est les fixes. T'inquiète pas, c'est des fixes. En fait, juste il faut que tu décales un peu le téléphone et que tu souffles vers l'extérieur, sinon ça fait. Okay, c'est normal, c'est des fixes à l'époque, ça faisait ça là. Ouais, à l'ancienne. Quand on appelait. Moi, toi, tu dirais faux, yes. Tu dirais qu'elle a pas empoisonné son mari avec son caca. Non. Toi, Simon, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je pense que c'est faux aussi, parce qu'à la limite, s'il avait été. Je sais pas. Elle aurait peut-être fait un truc avec de l'alcool ou un truc comme ça, mais le caca, ça paraît bizarre, quoi. Je sais pas d'où elle l'aurait sorti, en fait. Il y en a qui disent c'est bien une invention à Flo des cadeaux. Alors toi, tu dirais faux aussi, Simon. Ghost 18. Je stagiaire. Vrai, je veux dire vrai. C'est possible. J'aime du standard. Ouais, je veux dire. Et j'ai expliqué. Ouais, moi, je veux dire vrai. Ça me semble tellement farfelu que. Ouais, je veux dire vrai, ouais. Je sais pas. Toi, si tu veux tuer quelqu'un, tu Ah non, je le ferai pas, mais t'imagines. Non, mais... En plus, comment tu le mets dans la poche? Non, mais voilà. Encore, si tu veux tuer quelqu'un, tu prends une seringue d'eau de Javel. Ouais, voilà. Tu sais pas, un produit mais mortel. Là, il a du chier sur le. Tu le prends lit. L'essence et tu lui mets dans les veines. Je pense que de l'essence dans les veines, tu restes. Mais elle avait pas le choix, là, c'est de le tuer, tu vois. Mais non, mais tu. Déjà, va mettre de la merde dans une seringue. Ouais. Quoi. Merci, j'ai laissé ma phrase d'abord. C'est l'envie de le tuer, je sais pas. Dans la merde, il y a des bouts. Il y a des morceaux. Dans une seringue toute petite. Elle compresse. Ça dépend ce que t'as mangé. Une seringue de caca. Il est à l'hôpital, le mec. Mais. Oh. Je dis. Attends, Amina du standard, s'il te plaît. Non, je pense que c'est faux. Tu penses que c'est faux? James Zahn, je dis que c'est vrai. Ouais, je sais pas. En fait, James Zahn, c'est un peu le chien-chien de jeune stagiaire. Non, pas du tout. C'est vrai. Pas du tout. Oui, tu as raison, Guillaume, c'est vrai. Non, jamais. James Zahn, c'est pas un leader, c'est un suiveur. Jamais je le suis. Tu prends jamais ses décisions. Il y a un mouton, mec. Il y a un mec qui dit je sors, il sort. Il y a un mec qui dit j'ai faim. Pas ce soir, je suis fatigué. Mais non, mais c'est moi qui le dis à chaque fois. C'est pas lui qui va te porter. Ah, mais si. Non, moi, je pars vers le vrai. Ah, mais si. C'est pas un malheur de exactement. Julia, qui est en stage chez nous, ça va ou quoi? Salut Guillaume. T'as passé un bon week-end? Ouais, génial, super. Moi, tu penses vrai ou faux l'histoire de la merde? Moi, je pense que c'est faux parce que je connais. Je connais la merde. J'ai essayé de le faire et ça marche pas. Flo des cadeaux, je vois pas comment on peut mettre de la merde dans le sang de quelqu'un. Enfin, je. Je sais pas. Ouais, c'est faux. Non, mais je suis d'accord. Après c'est il faut savoir que les histoires les plus ouf à chaque fois, c'est les vrais. C'est pour ça que je dis vrai aussi. Mais voilà. Je passe jamais au jeu des filles, j'aimerais trop. Au pur ensemble, puisque votre émission est la meilleure du monde. Merci, ma salope. Je t'embrasse très fort. Alors, attends, tu dis quoi? Tu dis faux, Julia? Flo des cadeaux, la réponse est. Tu donnes pas ta réponse? Ah si. Ah ouais, parce que j'ai failli faire un sans faute la semaine dernière. Ouais. Ouais, je vais dire que c'est faux. Mais la non. réponse est. Eh ben c'est vrai. Merci, le vrai, elle est là. Putain, c'est dingue. Alors, ça. Ah oui, c'est possible. Ah, j'aime bien quand ça commence comme ça. On nous a pas des gens chelous ici. Ouais. Non, mais... Ah mais c'était vraiment tout liquide, c'est impossible. Bah ouais, on était pas c'est là. Mais c'est la chiasse quoi, la brie. Ah ouais. Imagine qu'elle fait gicler le contenant de la. Je vais demander à Julien Stagiaire, j'ai besoin de couper les SMS. Oui, moi j'ai le foot, hein, d'accord. Amina du standard aussi, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui. Tu vois, Amina du standard, comme par hasard. Moi là, elle a eu faux, donc sinon j'aurais accusé qu'elle a triché. Bah oui. Pas de preuve avec la merde. Ouais, non, mais si, parce que tu peux retrouver l'ADN. Ah bah l'ADN. Ouais. Mais bah, oui. Je pense qu'il y a l'ADN sushi ouais. quelque part. Pire, les enquêteurs, trois jours après, ils frappent à ta porte. Mais ils l'ont retrouvé du coup. Ouais, mais là, elle a été arrêtée juste avant en fait. Ouais. Et mais après, je peux comprendre que tu veux tuer ton mari dans le coma. Si ça fait 20 ans qu'il est en coma, qu'il peut plus bouger, qu'il souffre. Ah, mais tu le débranches au pire. Mais je comprends que tu essayes d'arrêter un truc. Enfin, c'est pas comme si tu le tuais et qu'il est en train de dormir. Il fait pas de la merde. C'est pas bien, faut pas le faire. Surtout. Ouais, c'est interdit de tuer les gens, on rappelle. Hein. On rappelle la base. Ah, tu vas en prison sinon. Il y a tellement d'histoires un peu tristounes, tu vois, où t'apprends que ton fils il bouge plus. Enfin, tu vois, que t'as envie de l'aider limite. Ah, c'est un débat. Où tu vois souffrir, tu vois. Les grands-parents. Là, c'était suite à une intervention chirurgicale. Donc, je pense c'était plus un conflit. Ah, suite à une... Ça veut dire quoi? Bah, en gros, il a été dans le coma après une intervention chirurgicale. Ah. Que ça a foiré. Donc, il n'était pas dans le coma depuis des mois et des mois. Ah ouais, d'accord. Bon. Bon, c'est pas trop, mais en tout cas, parfois il y a des histoires un peu tristes, on va pas juger, mais on va redemander à Flo Descalo une deuxième histoire, puisqu'il y a zéro pour Iliès, zéro pour Simon, hein, voilà, du coup. personne a eu bon, on va continuer, Flo Descalo. Alors là, c'est au Mexique, à Monterrey, c'est une sans-abri de 38 ans qui a été retrouvée dans la rue avec le visage et les jambes remplies de sang. Et en fait, elle venait d'accoucher dans la rue et elle a mangé son bébé et son placenta. Donc les gens ont appelé les secours, elle a été admise à l'hôpital où elle a passé des examens psychologiques. Attends, elle a mangé son bébé? Oui, elle venait d'accoucher dans la rue et elle a mangé son bébé, le placenta. Donc elle était remplie de sang, c'est pour ça que les gens ont appelé les secours. C'était où ça? À Monterrey, au Mexique. Simon, c'était Iliès qui a répondu en premier. Simon, vrai ou faux d'après toi? Franchement, je dirais peut-être vrai, parce qu'il y a moyen, parce qu'au Mexique, les SDF, ils sont peut-être pas aidés, puis s'ils ont vraiment rien à bouffer, qu'ils souhaitent qu'elle fasse un gosse, enfin, fallait pas l'élever. Donc, je dis vrai, il y a moyen. Ouais, mais alors, ce soir, il n'y a plus de filtre. Les SDF, ils sont pas aidés, ils ont qu'à bouffer leur gosse. Non, non, les gars, non. Je pense très fort, je sais que vous êtes nombreux en plus à nous écouter dans la rue et tout ça. On a beaucoup de messages. Parfois, vous avez des portables et vous avez. Parfois, du boulot même, vous n'arrivez pas à trouver de toit, etc. Déjà, je vous embrasse très fort. Je pense très fort à vous. Je vous kiffe, les gars. Vraiment, gros bisous à vous. Et alors, de deux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, c'est notre histoire. Simon, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vrai d'après toi? Ouais, moi je dis que c'est vrai. Iliès, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux là? Ouais, vrai quand même. Parce que vrai? Je sais vraiment, j'hésite entre faux et vrai. Mange son enfant. Ouais, non, faux quand même, parce que je pense pas qu'elle puisse manger tout son enfant. Enfin, les os et tout. Bah, c'est faux. Trop d'infos, la ville, le Mexique, là, c'est faux. J'étais vrai avant. J'ai déjà dit faux. Ouais, c'est j'aime le standard. Ouais, je voulais pas écouter sa réponse pour pas que vous. Ah, tu voulais dire en premier. Voilà, vas-y. Bah, je vais dire faux aussi. Non, Guillaume, t'as une copie. Non, mais non. La minute du standard. La prochaine, j'écoute pas. Ouais, je dis vrai. Parce que je me dis que c'est possible en fait qu'elle veuille faire disparaître les preuves. Genre pas le mettre à la poubelle ou quoi, plein d'histoires comme ça. Comment tu fais pour manger le crâne? Bah, j'ai même pas envie de penser, mais c'est peut-être possible. Tu fais un cendrier? Ah non, ouais, non, c'était la semaine dernière. C'est des cadeaux qui avaient raconté l'histoire. Il y avait un mec qui avait. Julia qui est en stage avec nous jusqu'à Moi je dis que c'est faux parce que par esprit maternel, tu peux pas manger ton enfant. Mais le placenta, c'est le truc le plus bon pour la santé qui. Ouais, je sais. Alors ça peut être possible. Pour ceux qui voient pas ce que c'est une sorte de liquide et c'est ce qui enveloppe en fait le bébé dans le ventre de la mère. Dans sa bulle. Et d'ailleurs, il y en a qui mangent du placenta. Oui, c'est vrai. Il paraît que c'est hyper bon. Ouais. Tu peux pas en acheter de toute façon. Alors après l'instinct maternel. Bien sûr, tu peux manger du. Bah si, tu peux acheter du placenta de porc ou quoi. Bah si. Ah oui, d'animaux. Petit placenta mayo là. Et. Acheter du placenta. J'ai jamais goûté. Tous les bébés dans les mammifères en fait sont dans du placenta. Et t'as jamais mangé du placenta de poule ou quoi? Mais oui, c'est une blague. Regarde-le. Hey, moi comme un con, je dis bah ouais, on peut rester, on peut. Au barbecue. C'est ça, c'est bon. Tu t'es jamais fait acheter du placenta? C'est bon. J'ai compris au début. Non mais tu veux prendre une placenta saignant ou pas? Ouais, une bavette placenta, ce que tu veux. Non, c'est autre chose. La bavette, c'est un morceau et le placenta, c'en est un morceau. Ouais, ouais. J'ai écrit au début, putain, et je suis con, je suis naïf. Les pâtes aussi, les pâtes au placenta. Un risotto de placenta. C'est dégueu. À Minnesota, mange des couscous placenta. Couscous, boulettes de placenta. Donc c'est pas possible, il y en a pas. Un Mac placenta. On se raconte un petit peu. Non, mais c'est pas vrai, évidemment. Alors, vas-y. Donc c'était vrai pour les deux garçons avec nous au téléphone. Non, moi c'était faux. Ouais. Ah, Iliès, c'est dit faux, pardon, si j'ai fait une connerie. Pardon. C'est un peu grossier. Flo pour toi. Faux pour toi, Iliès. Et donc, moi je dirais, écoutez-moi, putain, j'ai encore me. Non, mais suis-nous. Non, mais ce soir, c'est pas ma soirée là. Non, c'est notre soirée que j'aime. Non, mais j'ai 0 sur 1, ça m'énerve. Il faut comme nous. Écoute, manger son bébé, pour moi, c'est trop gros. Je me dis, le mec, il a inventé l'histoire. L'œil et tout, comment tu veux manger l'œil? Non, mais après, il a bouffé une partie. Et les dents? Il n'y a pas les détails. Après, il n'a pas donné des détails. Est-ce que la fille, elle avait pris une drogue? Tu sais, il y a des drogues de ouf au Mexique. Elle a été admise en hôpital psy. Il y a les cartels et tout ça. Il dit ça pour que tu dises vrai. Ah là. Donc là, c'est là, faux. Eh ben je vais dire vrai, Flo des cadeaux. Non, ah, je suis pas. Par contre, Flo des cadeaux, si tu m'as induit en erreur. Il y aura une bagarre. Balayette, balayette. Non, je dirais vrai. Et la réponse est. Bah c'est faux. Amina du standard, on va sortir. Ah, mais je suis dégoûtée. Énorme. Merci Julia qui est en stage chez nous jusqu'à l'été. Je demande même à tous les stagiaires ici, putain, il y en a pas un qui va m'aider. Ah, pardon. Je t'ai dit faux. Bon, on est en train de jouer sur Énergie, si on est d'arriver. Guillaume, Radio 2.0, il est 23h17. On essaye de trouver les bonnes réponses ce soir. Alors, du coup, c'était t'avais dit quoi? C'était faux? Oui, c'est faux. Donc, c'est Iliès qui a marqué un point. Bravo. Oui. Et zéro pour Simon. Faites gaffe, il y en a un qui touche à quelque chose dans la pièce chez lui, ça fait un peu de bruit à l'antenne. Faites gaffe à rien frotter sur le téléphone, les poteaux. Flo des cadeaux, on t'écoute. Écoute, si tu veux bien, pour la troisième histoire. Alors là, c'est en Autriche. Alors, pour une fois, c'est pas une histoire de meurtre. C'est une femme de 85 ans qui a détruit 1 million d'euros en liquide. Elle avait ça en billets de 100 et de 500 juste avant de mourir. C'était pour pas le laisser à ses enfants. Elle a aussi détruit tous ses livrets d'épargne. Et la Banque Nationale Autrichienne a assuré qu'en fait, elle remplacerait les billets qui avaient été détruits. Iliès. Vrai. Ouais, Simon. Faux pour Simon, Julien Sagier. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Gilles Zandard. T'es une foule, j'aurais dit vrai aussi. Oh là là. Gilles Zandard, prends toutes les réponses de Julien Sagier. Mais non, c'est son dieu, Gilles Zandard. Non, j'ai pris moins un culte en moi. Si je veux pas te placer quand je me traîne la frappe comme ça, gâte. Rico, rico, je débarque. Ratatata. Fais qu'à faut hep, c'est pas patatata. Toujours. On est en direct sur la première radio de France, les gars, premier média en France ce soir à partir de 22h d'habitude. Là, c'est 21h minuit jusqu'au 15 juillet. On prolonge de 3 semaines ensemble sur Énergie pour profiter au maximum tous ensemble le soir pour faire de la radio la passion. Certaines chiennes font ça avec leurs petits quand ils ne sont pas viables, elles les mangent. Oui, c'est vrai. Mais c'est des chiens, c'est pas des gens. Gauche de 18. Oui, c'est ça, on reste des animaux pour certains. Oui, oui. Julia qui est en stage chez nous, te trompe plus. Non, j'ai dit faux tout à l'heure. Alors, vas-y, j'ai dit faux. Ouais, non, tu dis faux. Là, je dis vrai. T'avais dit faux. Ouais, j'avais dit faux. C'était faux, ouais, c'est vrai. T'as raison, en fait. T'as raison, putain. Ouais. Et là, vas-y. Elle est en train de dire ta gueule. Non, je te dis la vérité, toi. Non, là, je dis vrai, franchement, vrai. Vrai ? Ouais. L'histoire, c'était détruire les billets. Elle a détruit 1 million d'euros. Bon, je ne jouerai pas à cette histoire, je la connais, je sais que c'est vrai. On l'avait dit dans les insolites il y a très longtemps à la radio. Je sais qu'elle est vraie. Non. Et la réponse aux des cadeaux. Oui, c'est vrai. On a encore raison. Voilà. Qui avait dit faux? Personne, du non. coup. Amina du standard, t'avais dit? Bah, je m'as pas posé la question. Ah merde, j'ai oublié. Ah. T'aurais dit quoi? Non, en vrai, j'aurais dit faux, donc tant mieux. Mais t'as été honnête. Bravo. Merci de ta franchise, Amina du standard. Et vu que c'est faux, bah Simon qui marque un point. Un bien point joué. Pour Simon, un point pour Elias. On se fait le nouveau One Republic. Et juste après, on continue. Vous bougez pas, Elias et Simon, les gars. Ouais, et juste après, on parlera de cucu, un peu de fionfion. Et on va faire le jeu des hôtels aussi jusqu'à minuit. Là, il est 23h19. On passe la soirée ensemble. Bonne nuit et bon été, les gars. On prolonge un peu l'été, même l'été. Guillaume, Radio 2.0, 21h minuit. En mode d'été, on change d'une heure, on décale d'une heure. On profite que l'autre soit pas là. Koé, qui est là plutôt d'habitude, on arrive plutôt sur Énergie. Looking for something new. 'Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try. Feel the same. And now I can lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I can try, looking for something new. But wherever I go, I'll be looking for you. Wherever I go, I'll be looking.

take time with this. Cock up your bomba, sit down on it. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Certains veulent le tenir dans les bras et d'autres, non. Je le coupe en, avec la hache, je le coupe en mille morceaux. Tous les soirs, 21h minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 en direct sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne. Je rêve de thunes de voyage, j'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage, on va changer de paysage. J'étais dans la lune, puis sur terre, je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bas de terre qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère, comme mes potes qu'on est. Salut Guillaume, super ce jeu du vrai ou faux, dédicace au lycée Le Sage, bisous Kaira, salut Kaira là. Salut. Allez, on se retrouve avec Simon Eliès. Alors, il y en a un des deux qui a un petit son, il y en a qui me disent par SMS, il y en a un qui doit avoir un haut-parleur, c'est très gênant à l'antenne ou la radio derrière. Vous n'avez pas la radio derrière les mecs là? Non, moi je veux la dire. J'ai arrêté sur le parking là. Ouais, d'accord, c'est pas grave, t'inquiète mon Simon, t'inquiète mon Eliès. Hey, on est là pour jouer. Je viens de vous mettre la photo sur Twitter, hein, Guillaume Play, P-L-E-Y. Si vous voulez aller voir, je viens de vous mettre la photo, on a reçu les cagoules des Tortues Ninja, ça nous donne un air de débile. Puissance maximale. Non, mais allez voir en deux secondes. Attends, je vais retweeter avec le compte d'énergie là. Attends, j'en profite, hein, ils m'ont mis admin alors je. Ah ouais. Attends, en mode Ninja Turtle 2. Ah non, parce que JM du Sonar, il a fait sa photo en solo. Comme une petite pute, alors attends, c'est pas grave. Je l'ai fait aussi. Non, t'as le droit, Gilles. Je l'ai fait. T'as le droit, Gilles Sanda. Non. T'as le droit, je te dis. Ah, merci. Bon, je viens de vous mettre là, voilà, la photo de l'équipe à l'instant, si vous voulez les mater, sur Instagram aussi. On est combien sur Instagram? Je crois qu'on est 517 000. Ouais, 500 déjà, merci les gars. Là. Merci. On est en route vers les 550 000 et les 600 000 après sur Insta. Sur Facebook, on est 1 940 000, ça y est. C'est beau. Merci de nous retrouver. On arrive, on est à 60 000 des 2 millions. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Amina du Standard nous fera un striptease à l'Olympia pour les 2 millions. Ah, ça c'est beau ça. Bah oui, tant qu'à faire. On lui fera bouger le boule. Et m'a dit, à 2 millions, je bouge mon boule. J'ai pas compris. J'ai salut les gars. Il manque Donatello. Ah bah je sais pas, on a pris les cagoules au hasard. Bah c'est le violet, je crois. On va mettre Donatella, du coup, on mettra Amina du Standard. Elle peut se mettre entièrement dans la cagoule. C'était super de passer avec vous à la radio. Continuez comme ça. Marie-Françoise de Corse, trop sympa. Gros bisous, Marie. Bisous. Super. Salut, ce jeu vrai ou faux, j'adore. Ah bah, c'est sympa. Ouais. Gros bisous, Karin. Merci. Alors, on y va, on continue. Simon d'un côté, Eliès de l'autre. Il faut savoir si c'est vrai ou faux. Attention, on termine. Pour l'instant, il y avait un score de 1 partout, Eliès et Simon. Et il faut juste dire vrai ou faux si vous venez d'arriver. Il faut juste deviner, vous pouvez jouer chez vous. Hein. Le but du jeu, c'est ça, c'est vrai ou faux, l'histoire de Flo des cadeaux. On t'écoute, Flo des cadeaux. Alors là, c'est en Inde que ça s'est passé, à Sagar. Toujours en rapport avec des femmes, ce soir. Ouais, c'est une femme qui s'est pris en fait un gros morceau de glace de la taille d'un ballon de foot. Ça lui est tombé sur l'épaule, c'est tombé du ciel. Et en fait, c'était des excréments et de l'urine congelée qui sont tombés d'un avion. Elle a été transportée à l'hôpital, mais sa vie n'était pas en danger. Simon et Eliès. Ça paraît tellement gros, mais tout à l'heure, je me suis fait avoir. Simon, tu dirais vrai ou faux? Ouais, faux, quand faux, même. Faux, Eliès. Ouais. Oh, moi, pareil, faux, parce faux. Que, ouais, non, ça peut pas se combler d'extrêmement, enfin, je sais pas. Flo des cadeaux, la réponse était. Bah, c'est vrai. Alors, hé, juste, j'aime ça, me dis pas, il me regarde, il me dit, moi, je le sais. Alors, quand tu dis, moi, je le sais, c'est que c'est vrai. C'est pour ça que j'ai pas demandé les clés parce que j'ai même pas vu moi. Alors ce genre de mec là. Ah ils sont relous. Non mais on a un temps rouge. Non mais le genre de mec comme Flo des cadeaux. Je vous explique. Comme JM du Standard, pardon. Attends, c'est quoi ce bruit? Les genres de mecs comme JM du Standard, c'est le genre de mec qui va regarder un film. Non. Il va te raconter la moitié. Il va te dire ah putain, et à la fin quand il meurt et tout. Non, je dis pas qu'il aime bien spoiler. Mais non, il te donne les trois quarts des trucs et il te fait comment il fait. Attends, je peux pas te dire à la fin. C'est sévère, hein, c'est sévère. Hein. Suspense. Attends, franchement, décapitation, Guillaume. Je te dis pas s'il meurt, mais décapitation. Je parle du bureau des jeunes, Guillaume. Et le mec, à chaque fois, il me spoil le truc. Une fois, ça. JM du Standard, c'est moins un point pour toi. C'est vrai, il gâche tout. Même s'il n'y a pas de point pour vous, c'est moins un point quand même. Allez, je vais bien l'histoire. Allez, on continue. Si tu veux bien, Flo Descrado. Donc 0 pour Iliès, 0 pour Simon. Alors, j'ai l'impression que vous faites un carton, Iliès. Ah, ouais. Je vais vous dire la vérité, c'est que moi aussi, j'en ai pas un bon. Hein. J'en tiens pas une depuis tout à l'heure. J'aime bien quand c'est comme ça. Ce soir, c'est très dur. Ça va, mon Iliès, toujours? Ouais, ça va bien. Ouais, attends, tu t'as mis le haut-parleur, là, Iliès? Non. Ah si, on Ah si, alors, t'as plus la même voix que tout à l'heure. Ah si. Bah, j'ai juste écarté un peu le téléphone. Ah, rapproche. Ah, ok. Allez, on continue, si tu veux bien. Pour le match, ça. Allez, les bleus. Il y a toujours mon petit tromblon à côté. On y va, Flo des cadeaux suivants. Alors là, ça s'est passé au Canada. C'est une femme qui était incarcérée à cause d'un meurtre. Qui en fait s'est battue. Écoute, après, je vais travailler. Ah ouais. Ah, vas-y, pardon, on recommence. En gros, c'est une femme donc, qui était en prison au Canada à cause de meurtre. Et en fait, elle s'est battue avec sa co-détenue. Elle s'est battue avec elle jusqu'à ce qu'elle tombe inconsciente. Et pendant qu'elle était inconsciente, elle lui a découpé les seins avec du fil dentaire. Du coup, il y a tous les gardiens qui sont venus. Elle a été transférée dans une prison de haute sécurité. Et elle a eu 37 ans de prison qui ont été ajoutés aux 96 qu'elle avait déjà. Mais elle est morte, la dame? Non, elle a juste eu les seins coupés. Coupeuse de seins. Enfin, en tout cas, elle est pas morte. Vous comprenez pourquoi je pose ce genre de questions? Je trouve ça louche, mais enfin, ouais. Bon. Iliès, vrai ou faux? Faux. Faux, d'après toi? Ouais. Simon? Ouais, non, faux. Elle a pas du fil dentaire en prison. Enfin, je sais pas. C'est vrai. Mais après, tu peux toujours aller toucher, ouais. C'est bah, c'est faux. Il y a eu deux vrais avant, par hasard. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, je me suis bouché les oreilles. Vrai ou faux? Ouais, faux. J'ai pas entendu. Non, faut arrêter. Mais faut arrêter. C'est gênant. Demandez-moi la prochaine fois. On dirait le mec lourd. Allez, je te demanderai avant. Voilà. Donc, vrai ou faux? Faux là. J'ai faux, pas entendu. Amina du Sauveur. Ouais, non, faux aussi. Tu peux pas découper des seins avec du fil dentaire. Julien qui est en stage, jusqu'à l'été là. Moi, ce qui me la puce à l'oreille, c'est que tu prends pas 37 ans de prison de plus pour couper deux paires de seins. Une paire de seins. Bah, quand même, ça c'est possible. Je dirais. Flo des cadeaux, je dirais vrai. Moi aussi, je dirais vrai. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai envie de continuer dans ma lancée, Flo des cadeaux. C'est vrai? Ouais. C'est faux. Bah tu fais bien de continuer, ah, c'est faux. Ils pas... Il y a que Julia qui est en stage chez Lizzie, là, qui est pareil que moi en fait, non? Ouais, ouais, j'ai dit vrai, ouais. T'es vrai? Oui, j'ai dit... merde! Bien joué, toi. Bien joué, ouais, je me suis trompé. Mais bon. Putain, bon. Non, mais c'était faux là. Oui, c'est faux. C'était faux. Oui, donc bah, vrai, oui. On a fait deux vrais, ouais, c'est ça. Putain. Chier, quoi. Bon, c'était faux, donc un point pour Simon, bravo les gars. Et moi j'ai juste Guillaume. Bravo les gars. Eh ben, on continue notre histoire, JM du Standard, quand je fais des cadeaux quand tu veux. Hein. Alors là, ça s'est passé au Texas. C'est un ado de 13 ans qui, en fait, a avoué à ses parents qu'il avait pénétré le chien de la famille avec son doigt. Et du coup, pour le punir, le beau-père lui a mis une serviette sur le visage et il l'a étouffé avec de l'eau. Et sa mère, après, a accroché une corde à ses testicules et le tiré par les testicules pour qu'il avance. Et ils ont été arrêtés et le garçon a été placé en foyer. Oh non! Iliès! Vrai. Vrai, putain. Simon. Bah si c'est. Ça se peut que ce soit une famille sado, donc vrai. Putain, mais moi j'y comprends plus rien ce soir, je fais que de la merde. J'y aime du standard. Moi je vais dire faux, mais c'est dans quelle ville? À Kaufman, au Texas. Ah, je sais dire. Vrai. Je suis vrai. Le petit il a pété un peu. Amina du standard. Non, faux, c'est ce qu'il y a de l'horreur, attends. Ouais. Faux. Julia qui est en stage. Ah, faux. Ouais, je suis en stage. Bon, tout le monde, beaucoup de faux, j'aime le standard. Faux, moi j'ai dit faux. Faux, j'exagère. Vrai. Voilà. Vrai. Vrai. Je dirais faux, mais bon, j'en touche pas une ce soir, donc je continue. Mais vrai. Je dirais faux quand même, là, faux des cadeaux. Et la réponse est. Bah, c'est vrai. Ouais. J'ai un sans doute. Ah, bravo. Ne me laissez pas seul, parce que je vais trop qu'un berger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barre. Pour mes photos, et je pense qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter. Je prends la vie comme un combat. Tu veux t'évader, partir de là. Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que t'as fait comme un chinois. Putain de merde. Bon, ah ouais. Ah là là. J'en ai pas touché une. Oh. Ah non. Faut m'écouter. Comment c'est possible ça? Bon, allez, on continue. On va pas s'éterniser. C'était vrai. Hein? Oui, c'était vrai. Et donc, un point pour Iliès, 3 points et 3 points pour Simon. Vous êtes égalité parfaite. Ouais. Allez, une dernière, et puis ensuite, jeu des hôtels, on parle de cul. Il est l'heure après. Attention, Flo des cadeaux, dernière, avant-dernière histoire. On en fait deux encore. Ok. Et ensuite, je vous filerai les PS4 ouais. Avec le jeu Lego Star Wars, le réveil de la force qui sort cette semaine. Ouais, demain. Demain, et il y aura une seule question à répondre. On va y jouer. La question est donnée, hein, les gars. C'est vraiment pour refaire le jeu. Attention, On y va, c'est parti. Sinon, je m'en vais en courant. Flo des cadeaux, t'écoute. Avant-dernière. Alors là, c'est un peu compliqué. Ça s'est passé donc en Pologne, à Cracovie. C'est une infirmière qui a volé 3 bébés dans des maternités à 5 ans d'intervalle. Elle en a volé 2 une première fois en 2002 et le 3e en 2007. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est fait avoir. En gros, elle a été repérée par les caméras de sécurité. Et quand la police est allée chez elle, ils ont découvert donc les 2 premiers bébés qu'elle avait volés, qui avaient donc 5 ans et qu'elle élevait en cachette, et le bébé qu'elle avait volé dans le 2e hôpital. Et du coup, elle a été condamnée à 30 ans de prison et les enfants étaient remis à leurs familles respectives. Simon ? Bon, ça, ouais, je dirais vrai, il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, ouais. Bon, quand même. On te vole ton enfant, tu l'auras à 50. Hein, non, mais je veux dire, c'est déjà arrivé, quoi. C'est pas... Ouais, il y est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je dis faux. Faux, yes. Simon, vrai. Je vais s'agir. Ouais, c'est vrai. Ouais, JM du standard. Ouais, vrai, ouais. Vrai, Amina du standard. Ouais, vrai aussi. Julia qui est en stage. Ouais, vrai. Vrai ? Ouais. Que des vrais ? Bon, moi, je dirais que c'est vrai aussi. Allez, la réponse est... Bah, c'est faux. Alerte au nul. Oh là là. Alerte au merde. T'imagines comme d'être heureux quand tout le monde se trompe. Ah là là. Jubilé. De voyage, j'en ai besoin du village. Prenez des shorts dans le bagage. On va changer de paysage. Tête dans la lune, pieds sur terre. Je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus mal d'air qui seraient prêts à tout donner. Putain de merde, j'en ai ras le cul. Bon, attends, je vais me concentrer, c'est la dernière. Donc t'avais dit que c'était... C'est faux. C'était faux, et donc Ilyes qui marque un 4e point. Bravo. 3 points pour Simon. Pour Simon. Attention, Flo des cadeaux, dernière histoire. Alors ça s'est passé en Inde, c'est une femme de 60 ans qui est allée chez le médecin parce qu'elle avait mal au ventre, et ils ont fait des radios, et en fait ils ont découvert le squelette d'un bébé de 36 mois dans son ventre. Elle était tombée enceinte à 24 ans, et les médecins lui avaient dit que son bébé serait mort-né. Et elle est partie de la clinique et en a parlé à personne. Elle a été opérée et le squelette a été retiré. J'ai pas bien compris. Il y avait un bébé mort dans le ventre. En gros, elle avait 36 mois. Non, 36 ans. C'est un film. Elle avait un squelette de 36 ans dans le ventre parce qu'à 24 ans, elle avait fait une fausse couche, en gros. Oui, mais c'était un bébé squelette, quoi. Ouais, voilà. Et elle en avait parlé à personne. Et du coup. Elle a digéré le bébé, quoi. Bah, elle l'avait encore dans le ventre à 60 ans. Il n'y a plus que le squelette. Oh, ouais. Ilyes. Moi je dis c'est faux parce qu'elle a bégayé. Simon ? Moi je dis c'est vrai parce que je connais l'histoire et puis c'est vraiment arrivé. J'avais vu une photo de. Moi aussi j'ai entendu l'histoire. De justement de la truc. Ah, enfin, c'était assez horrible. Je sais qu'elle est vraie l'histoire. Flo des cadeaux. Le texte c'était une momie dans son ventre, enfin un truc comme ça. Ouais, et la réponse c'est Oui, bah oui, c'est vrai. Ah là là là là là là là là. Bon bah, un point pour Simon, égalité du coup. Ce qu'il a dit que c'était vrai, Ilyes a dit que c'était faux. 4-4 et une dernière. Qui départage, c'est le but en or, Flo des cadeaux. Ouais. C'est l'histoire en or. Alors, c'est au Luxembourg que ça s'est passé, c'est à Dekirch. Désolé pour la prononciation. C'est une fille de 16 ans qui a tué sa sœur en l'étranglant avec ses propres cheveux. Elle avait des cheveux très longs, elle l'a tuée avec, elle a pris la fuite. Et c'est les analyses ADN sur le site du crime qui ont révélé que c'était sa sœur. Les analyses ADN. C'est nouveau. En gros, ils ont retrouvé ses cheveux, donc du coup, ils ont chopé que c'était sa sœur. Et ils l'ont retrouvée à Arlon en France. C'était sa grand-mère qui l'a cachée pour la protéger. Non, Arlon en France ? Oui. C'est en Belgique, Arlon. Hein. Ah, en Belgique. Pardon. C'est louche tout ça. Attendez, parce que alors Arlon, je sais, moi, je connais très bien, j'ai plein de copains à Arlon en Belgique. Grosse dédicace. Donc ça sent l'histoire inventée. Ça sent l'histoire inventée. Alors, et vraiment, les mauvaises, les dernières, elles sont mauvaises, hein, Flo des cadeaux là. Ah bah. T'as fait de la merde un peu. Hein. Ah, le squelette de 36 ans. Il y a Arlon en France ou pas? Il peut y avoir une ville qui s'appelle aussi Arlon, parce qu'il y a une ville qui s'appelle Montréal, il y a une ville qui s'appelle. Non, j'ai le standard en France. Hein. Ouais, ça sort pas. Et ben alors, donc on va dire que c'est en Belgique, hein, du coup, parce que moi je sais que ça existe en Belgique, j'ai des copains qui habitent. Non, je me suis trompé, c'est en Belgique. D'accord, ok. Donc dans ton mytho, tu t'es trompé? Non, c'est pas dans mon mytho, non. Non, justement. D'accord, ah, justement. Non, justement, c'est pas dans mon mytho. Non. Comme le mytho Flo des cadeaux. Flo des cadeaux qui mytho. Je n'y arrive pas, mais qui continue de mytho. Ils se trompent dans les villes et même dans les pays. D'habitude il offre des cadeaux, là il fait des mythos. Non mais arrête, il faut des cadeaux. Bon allez vas-y, raconte ta salade là. Raconte ta salade mâche là. Elle a donc elle a été retrouvée donc, chez sa grand-mère qui l'a cachée à Arlon en Belgique. Et elle avait tué quelqu'un à coups de cheveux. Elle l'a étranglé avec ses cheveux. Avec Simon, tu crois que c'est vrai, tu crois que c'est faux Simon? Ne me laissez pas ça. Bah franchement... C'est le but en or. Hein. Ah ouais, attention. Ah. C'est le pénalty. Allez, vas-y, vite. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Allez, faux. Faux ouais. Ilyes Moi, je dis vrai. Eh ben, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va gagner. Oh là là. Il y avait quatre partout, ils sont pas d'accord. Si c'est vrai, Ilyes gagne. Si c'est faux, c'est Simon qui gagne. Attends, juste la dernière, j'ai un stagiaire. Ouais, c'est faux. J'en ai peut-être il une a trop bonne. Bugué, il était pas sûr de lui, là. Je dirais que c'est faux. Arlon, ouais, je vois. JM du standard. Moi, je vais dire vrai. Parce qu'après, je vais dire, ouais, je vous ai prévenu et tout. Julia qui a un stage. Je dis faux, moi. C'est faux. Faux ouais. Amina du standard. Non, faux. La mamie, elle va pas héberger quelqu'un qui a tué sa petite fille. C'est sa deuxième petite fille. Après, ça dépend du contexte. Hein. Ah, avec les cheveux. Pourquoi elle a tué sa sœur? On sait pas pourquoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas la raison. On sait pas pourquoi. C'est bizarre. Ah, hein. J'ai pas la raison, moi. On sait pas pourquoi. Mais attends, oh là mais là. T'es sûr que tu veux continuer dans ton mytho jusqu'au bout? Non, mais il écoute, allez. Pour l'instant, je pense que t'as tout bon, donc tu ferais bien de dire ce que je te dis. Ah. Oh là là. Ah, l'arrogance. Je vais dire que c'est faux et la réponse est. Non, c'est faux. Bon, hey, merci beaucoup, bravo. Et donc c'était faux. Et donc ouais. Simon qui gagne. Ilyes qui a un point de moins. Mais ouais, on va dire que c'est à peu près égalité. Vous avez tout défoncé, les copains. On va vous donner cadeau à tous les deux. Simon, tu veux faire une petite dédie, gros? Bah ouais, bah dédicace à tout mon BTS, hein, du coup, à Macon. Ouais. Je sais pas s'ils écoutent Énergie, mais bon voilà. Bah pourquoi ils écouteraient pas Énergie, tu veux? Il y a Énergie à Macon. Ah, ouais. Ah mais ils font la fête là, ce temps-là. Ah ouais. Bah, tranquille. On les emmerde. Non, bah, dédicace à tous mes potes, hein, je leur ai fait passer l'info, et puis voilà. Vas-y, y a pas de problème. Hein. Enfin, eh ben, écoute, merci. Si moi je te repasse tes potes en soirée, du coup je te raccroche. Oh. Tu sens que tu m'as vexé ou pas quand Non, mais moi j'écoute. Hein, radio. Hein. Bah, c'est gentil. Non, mais je rigole en plus. Et tu sais, si on est première radio de France, c'est-à-dire qu'il y en a qui écoutent aussi. Hein. C'est grâce à toi. Ouais. Sinon, c'est première radio. Ce soir, j'ai galéré pour passer à ta radio. Hein. C'est vrai, pourquoi? Je sais pas. J'ai fait tous les numéros là. Ah bah ouais, bah, ça c'est parce que il y a des mecs qui de l'Ardèche. Du coup, j'avais un long voyage et du coup, bah, j'ai joué à tous tes jeux. Ah, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Bah, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent à Macron. Du coup, ça fait un embouteillage au stade. Ouais, ça va être ça, je pense. Ah, mais, et merci en tout cas, François, d'être passé. Je te repasse Amina. Ouais. Et ça va pas être une partie d'accord. de plaisir, mais bon, c'est obligatoire. Bon courage. Bon, bon cadeau. C'est le passage chez la mère Mackerel. Exactement. C'est un peu le passage chez la CPE, Amina des standards. C'est ça. C'est bon, tu te fais un petit peu fouetter, mais enfin bon, tu sais, il y en a qui trouvent du plaisir. Et je comprends. Ilyes qui est là, juste 15 ans, Montpellier. Tu voulais faire une petite dédicace, mon pote, avant de partir aussi, toi. Dédicace à Chloé qui m'écoute là. Ouais. Jean-Baptiste, ma soeur, mon cousin. Ouais, j'ai l'impression d'être revenu dans les années 80 avec ce son-là. Ouais. Et dédicace à vous, vous êtes les meilleurs, bonne émission, tout ça. Merci, frère. Merci. Ouais, c'est gentil, Ilyes. On peut lire. On s'était vu qu'on était venu faire une émission avec Rémi Gaillard à Montpellier. Ouais, 2013, ouais. Il y a 3 ans. Non, mais je vous ai vu, mais genre. Je vous ai vu de loin, mais genre, je vous connaissais pas trop en fait. Ah, c'est vrai? Donc t'es pas venu quoi. Tu nous avais vu où? Sur la place? Place de la Comédie? Oui, sur la place. C'est vrai? Je me disais, c'est quoi ça? Il disait, pourquoi il y a autant de monde là-bas? J'ai regardé de loin, j'ai vu des gens, j'ai dit, oh. Il faisait bon pas, c'est sympa. Mais merci beaucoup, écoute. Eh ben écoute, je t'embrasse. Je te repasse aussi à Mina du standard, d'accord, Ilyes? C'est la corvée maintenant, c'est la corvée. C'est comme à la fin du repas, on va faire la plongeage. Bonne chance. Non, c'est pour rien. Allez, bisous, Ilyes. Salut Simon, bisous les gars. Ciao. Ciao. On va parler de QQ, on va prendre standard QQ et mec articule plus. Juste après, je fais des hôtels, on se fait juste Céline Dion. Olivier Dion. Oh là là. Céline, c'est une autre. Oh là là, et le mec, il est fatigué. Ah ouais. Bon, on est lundi. Il y a l'épreuve du temps. Ah ouais. Céline Dion. C'est le même nom. Non, mais je vous explique, je reviens de Corse ce matin, les gars, j'ai dormi pas beaucoup. Attends, j'avais Céline Dion en plus. Voilà, en plus hein. Je sais plus où la mettre. Ah ouais, je sais pas, c'est Céline Dion ça. Bon, ça va écouter. Ça. Allez, on se fait Justin Timberlake et on se fait Olivier Dion de mes propres ailes juste après la PS4 avec le jeu Lego Star Wars. Je vous l'offre juste après le réveil de la force. La 23h46, la PS4 a gagné. Il reste dernier quart d'heure sur Energy. Je sais ce que je laisse, c'est à contre-coeur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme bon le debout. Mais il faut s'en aller quand il le faut. Croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut. De mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Que la jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meure, sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous. Quand un bon levier dans les bras. Ok. Et d'autres, non. Je le coupe avec la hache, je le coupe en mille morceaux. Tous les soirs, 21h minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 en direct sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne. On se fera un snake après le nouveau talk. On sera un plaisir. Et Mickaël aussi qui arrive tout à l'heure dans 10 minutes, à qui on passera le relais du coup à partir de minuit plus tôt. Parce qu'on fait 21h minuit sur Énergie. Soyez les bienvenus, les gars. Merci beaucoup. Déchire le morceau de Snake. Juste avant, il y avait Raphaël qui nous avait appelé. On va juste parler de QQ et on va faire un jeu des hôtels avant de terminer. D'abord, j'avais juste des cadeaux en 30 secondes. On a une PS4 à vous filer là. Ils nous ont filé ça tout à l'heure. PS4 plus le jeu Lego Star Wars, le réveil de la force qui sort demain. Le jeu Lego, voilà, ceux qui kiffent les jeux Lego, il sort demain. Star Wars, le réveil de la force, c'est un gros jeu qui fait à chaque fois beaucoup d'achats, etc. Donc s'il y en a qui le veulent, il faut juste me répondre à une question qui est très simple. Voilà, c'est pas nous qui organisons, ça c'est un petit peu indépendant, mais ils nous ont donné le jeu. Il faut juste faire une question en rapport avec le truc. Hein. Ça fait un peu question de TF1. J'ai fait la question la plus facile pour ceux comme moi qui connaissent pas bien Star Wars. Mais je pense que je suis pas le seul à pas avoir vu aucun Star Wars. J'ai juste vu le dernier. Ouais. La question est. Vous envoyez Guillaume et la réponse au 612. Amina du standard va prendre un numéro direct. Oui. De quelle couleur est le costume de Dark Vador? Ah quand même. J'ai eu un doute, mais... Il y en aura 5 de questions cette semaine, je sais même pas ce que je vais faire demain. Ah ouais. Pour que tout le monde puisse connaître. Comme dirait JM. Ah ouais. Ah ouais. Comme dirait JM. J'ai bugué. Guillaume et juste le mot, la couleur en fait, avec votre numéro de téléphone dedans, au 6-11-12. Voilà, je vous file la PS4 avec le jeu Lego. Profitez-en puisqu'il est plus tard, il y a moins de monde qui joue. Profitez-en avec plaisir. Salut au cirque Italo Medini. Et bisous à ma copine Loan. Moi perso, je trouve qu'Amine Dessin est vraiment pas mal physiquement. Ah merci, bisous. Salut l'équipe, je vous kiffe. Grosse dédicace au collège Lubé Barbon à Saint-Pierre-du-Mont dans le sud. Au pion de ce collège, à mes amis à la classe de 4ème C, les boss, aux profs de maths de cette classe ainsi qu'à beaucoup d'autres. Y a pas de problème. Allez-y les gars, hein. Guillaume donc est juste. Vous envoyez la couleur du costume de Dark Vador. Guillaume, un espace la couleur avec votre numéro de téléphone au 612. On se fait le jeu des hôtels. Avant de vous laisser, Michael, tu m'entends? Raphaël. Ouais, salut, c'est mon ça fait trop longtemps. Ah, c'est vrai, bon, chanté. T'es jamais passé à la radio, toi, mon Raphaël? Ah putain, je suis passé il y a longtemps, je suis redevenu plutôt là. Ça fermé. Tu t'es refermé. C'est ça, ouais. Non, je suis passé lundi 6 octobre 2014, je me rappelle encore. Ah, ouais. Ah, c'est précis. Septembre 2014. Octobre 2014. Ouais. Ah, ok, trop cool. Longtemps. Eh ben, ça fait plaisir en tout cas, merci d'être là. Hein. Ah, ouais, grave fan de toi, hein. Ça c'est clair. Ouais, c'est sympa, gros, merci beaucoup. Hein. Je vous ai mis la photo, va voir la photo qu'on a mis avec les cagoules Ordi Ninja, tu seras plus fan du tout de nous. C'est déjà fait. T'auras peur là. C'est déjà fait. Ah, c'est vrai. Oh la ganache, ouais. Putain. On a fait des photos tout à l'heure pour rigoler, là, et on a reçu les cagoules de Ordi Ninja là. Ah putain, on est 517 609, hein, sur Instagram. Merci les mecs, hein. Putain, ça fait trop plaisir, vous êtes hyper nombreux à arriver et tout, c'est trop cool. Là. Raphaël, toi, tu fais quoi dans la vie, Ajaccio? Boulanger. Ah, mais non, on a enchaîné deux de Corse. Deux Corses là. Ouais. De A. Attends, j'étais à Ajaccio hier, hein, c'est ouf. Hein, c'est je sais, t'étais à Bastia, j'ai les bouts, j'ai envie de pleurer. Ouais, hein, j'ai Bastia, puis j'étais à Bonifacio l'après-midi. Ouais. J'ai fait Bonifacio, Porto Vecchio, ah, Santa Giulia. Hein. Ah ouais. Toute la Corse. Oh là là. Ah, c'est pour ça que j'y vis. Hein. C'est beau. Ah, franchement, c'est sublimissime la Corse. Ouais. C'est vraiment dingue. T'es Corse à la base? En fait, j'y vis depuis que je suis né. Par contre, je suis né dans le 95. Ah, d'accord. Ah, énorme, d'accord. Ouais. Eh ben, écoute, tu es un peu corse quand même. Ouais, ou l'adoption. Bon. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait comme connerie au boulot, juste avant qu'on termine avec un jeu des hôtels? Ah, bah oui. Alors, bah, en fait, ma grosse connerie, en gros, bah, ça remonte à il y a samedi soir. Je bosse de 7h30 du soir à 3h du mat. Donc, en gros, c'est comme ça que vous avez connu, parce que je bosse tout le temps le soir. Ouais. Est-ce que c'est qu'un panem ou pas? Un panem? Ouais. Un panem de basket. Ah ouais, non, panem. Panem. Ça me fait penser à la capitale. Non, Palev. Palev, c'est des bonjour en arménien. Énorme. Ouais. Palerme, sinon. Ouais. Non, attends. Non, mais toi, tu parles du panem. Toi, tu parles du l'affaire de l'argent illégal au Panama. Non, ça y est, panem. Je sais pas ce que c'est. Ah si, je sais ce que c'est. Qu'est con. Non, c'est un truc à bouffer en boulangerie. C'est un biscuit. En gros, c'est une chambre. C'est une chambre de froide où en fait tu peux mettre un. Non, je sais rien. T'as vu, j'ai fait semblant. Ouais. D'accord. Okay. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est vrai que chaque fois que tu nous as tous les auditeurs, on sait plus si tu pars dans des. On sait pas si c'est du lard ou du gras. C'est toujours de la merde. Ah ouais. Dès que tu lances un musique épique, ça y est, on se dit oh putain, il va où. En fait, en gros, il est dans le panel. Il a disjoncté dans la nuit parce que je savais pas quoi, tu vois. Et je suis parti, j'attends mon appel de l'autre boulanger à 4h du matin pour savoir qu'il arrive au boulot. Bah, il m'appelle et au lieu de me dire c'est bon, je vais pouvoir dormir tranquille, il dit non mais en fait là il y a un problème, le panel il marche plus. Donc les 220 bannettes à l'intérieur, ils sont levés, dégueulasses, tout à jeter. Donc je suis revenu, je prends tous les bannettes à la poubelle. Les bannettes, c'est les baguettes. Ouais. Hein. Oh, le gâchis. Les baguettes, ouais. Bannettes, ouais. Ça croustille. Alors, la différence entre les baguettes et les bannettes, c'est un baguette, c'est le pain normal, et les bannettes, c'est pointu avec fariné un peu dessus. Ouais. Ah, non. Comme les nids de Kilonko. Mais je croyais que c'était une marque, bannette. Ouais, bah oui, non, ça l'est aussi. C'est une marque aussi. Ah. C'est une marque aussi de farine. Ouais, ah, c'est les deux. C'est une marque de farine. C'est marrant, et c'est vraiment, ça me donne envie de bouffer du pain dans le pain. Un bon sandwich, c'est du bon pain chaud là. Ah ouais. Ah, avec ouais. La charcuterie corse. Ah ouais. Et du fromage. On s'est fait un jambon au beurre avec Jim Sanda. Figatelle. Ah, le figatelle. Avec la confiture de figue, ça arrase avec le